C'est Skyrock et le Hit US avec le doublé de Justin Timberlake. Aujourd'hui, il était numéro 1 ce midi dans le Hit Skyrock, les 20 titres les plus vendus en France. Et là, il est numéro 1 aux États-Unis aussi. Le doublé, un peu comme Antoine Griezmann cet après-midi pendant le match. Exactement ce que j'allais dire. Ouais, la même vanne. On n'a rien préparé, on y a même pensé en même temps. Et bah, c'est bien, on est premier sur les blagues, hein, c'est super. Bientôt dans le Karim Comedy Club. Absolument, ouais. Justin Timberlake, donc Can't Stop the Feeling, premier du Hit US. Retour du Hit US, ce sera dimanche prochain entre 20h et 21h pour découvrir tout ce que les Américains kiffent chaque semaine. Et là, la spéciale de D-Flow, on est parti avec 25 minutes de clash. Ce soir. Exactement, ouais, une demi-heure même. Je sais pas si vous avez remarqué, Maxime nous a fait un absolument à la Patrick. Il est sorti tout seul, quoi. Vas-y, encule-le. Merci, Maxime, pour ce Hit US. Et bah, on te retrouvera demain matin. Tu seras là pour le 9-12. Absolument, ouais, à 9h. Absolument, ouais. Vas-y, encule-le. Allez, c'est bien. Spécial, Vincent, c'est parti. Ciao, Maxime. La spéciale de D-Flow. 21h minuit sur Skyrock. Yeah, on y va. Grosse spéciale en ce dimanche soir. En plus, voilà, l'équipe de France a gagné. On est au taquet, on est super content. Les Bleus qualifiés pour les quarts de finale après la belle victoire cet après-midi contre l'Irlande, la fin des examens, le début des vacances également pour pas mal d'entre vous, et une grosse, grosse spéciale en ce dimanche soir. Le meilleur de D-Flow tous les dimanches soirs sur Skyrock de 21h à minuit. On prépare un autre match ce soir. On va se faire l'année de Cédric et Romano en une demi-heure. Une demi-heure de clash de la drague. On a monté les appels de Cédric et Romano les uns derrière les autres. Ça va nous donner un hyper clash de malade. Romano, lui, par exemple, il va tenter de serrer Bruno. T'as que de la gueule, t'es vraiment une espèce de bougnoule, quoi, pour téléphoner, tu planques de loin. Ça, c'est un mec courageux. Si t'as des couilles au cul, viens que je te fasse ta tête. Ouais. Romano et ses couilles au cul, ça se prépare, et Cédric le Belge lui va tenter de serrer Jean-Pierre le Belge. Allô? C'est qui, toi? Dis-moi, j'étais en face, espèce de trop de cul, va. Trop de cul, je m'appelle Cédric, moi. Il a un gros trop de cul. T'appelles Cédric dans mon cul, ouais. Non, le cul de Cédric, on va y aller, hein. Ça sera dans moins d'une heure. L'hyper clash de la drague, ici, là, il va se passer plein de choses. Il y aura un double appel. C'est Olivier. Olivier, ben, je sais pas, tu viens de m'appeler. Ah ben, je ne sais, c'est toi qui viens de sonner chez moi, Olivier? Ah ben, non, c'est toi qui m'appelle. Et c'est nous qui avons appelé les deux familles. On les a mises en contact les unes avec les autres. On va se faire ça dans moins de 20 minutes ce soir dans l'émission. Il y aura aussi Soprano. Non, non, le diable s'habille plus en Prada. Sopra qui est passé dans la radio libre de D-Flow. On s'est encore bien marré avec Sopra. Il a ramené plein de bonnes nouvelles, plein de surprises. C'est prévu dans le cours de l'émission également. On parlera film de cul, jalousie, God Michel. Il y aura le grand retour d'Amaré, le fameux pilonneur de Tourcoing, le répondeur de Pamela avec Philippe, mon bébé, l'un des pervers les plus célèbres, le récap du top bug de Romano, le réveil de star de Terminator, le foot à vivre en direct, la Belgique contre la Hongrie. On vit ça en direct, hein. Dès qu'il se passe quelque chose, on vous tient au courant. Et pour attaquer cette spéciale de D-Flow, on y va. On parle rêve maintenant avec D-Flow. Romano, Lamarie, Samy, Karim, Cédricain et Inès que vous retrouvez maintenant dans la spéciale de D-Flow. Donc des rêves un petit peu chelous que vous avez fait pour Alexia. Elle a 17 ans et elle nous écrit du 05. 05 c'est quoi? C'est les Hautes-Alpes. Ouais, c'est ça. Genre Gap et tout. Ouais, Gap, ouais, et ouais. Tout ça. C'est sympa là-bas. Bon, faut aimer la campagne. Mais ou la montagne. Ou la montagne. Oui. Les deux d'ailleurs. Mais c'est sympa. Donc Alexia, elle a rêvé à une star. À quelle star elle a rêvé? Une star qui est venue nous voir ici à Skyrock. J'en dis pas plus. Wiz Khalifa, Soprano. Alors toi t'aimerais bien coucher avec Wiz Khalifa, toi, Romano? Non, mais je sais pas, ça pourrait l'exciter. Alors la star, c'est Romano. Elle a rêvé qu'elle couchait avec Romano, nous dit. Ouais, bah, j'imagine le bonheur. Momo, hein. Non, c'est pas ça. C'est Soprano, la star. C'est vrai que Soprano, ouais, était avec nous il y a deux jours. Ouais. Non, c'est pas. En plus, elle est du sud, pas très loin. Bah, je sais pas, Jules, tiens. Jules, bonne réponse. Eh ben, voilà. Ah ouais. Ouais, bonne réponse. Dans ton cul. Donc Alexia a rêvé qu'elle couchait avec Jules. Dans sa cabane au fond du jardin. Wesh alors. Wesh alors. Elle nous a pas dit s'il usait wesh alors. Donc ça l'a un petit peu travaillé. Mais c'est peut-être parce que t'aimes bien Jules ou qu'on l'avait passé dans la soirée. On le passera d'ailleurs ce soir, ouais, de nouveau, Jules. Possible, ouais. Peut-être on l'a passé juste avant que tu t'endormes. Moi, je pense que ça vient de ça, Alexia. J'ai réfléchi à ton problème. J'ai vu ton mail et je me suis dit ça doit venir d'un truc. On a peut-être passé Jules dans la soirée ou c'est peut-être le soir où on avait fait découvrir Jules et tu t'es retrouvé avec Jules dans tes rêves. Oh, tes rêves les plus fous. Wow. Et oui, et donc. Elle dit s'il a baisé dans sa cabane là où il écrit ses disques. Non, c'est moi qui rajoutais ça. Ah ouais. Dans la cabane au fond du jardin. Non, non, ça m'a choqué. J'aime bien Jules, mais physiquement c'est pas trop mon type de gars. Et pourtant j'ai beaucoup apprécié quand je rêvais que je faisais l'amour avec lui. Tout simplement, ça m'a excité. J'étais mal quand je me suis réveillé. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour nous? Signé Alexia, 17 ans, dans le 05. Alors on peut faire quelque chose pour. On peut lancer un appel, Jules, si tu nous écoutes. Jules, ouais. Je crois que Alexia, je crois que Alexia, bon, elle a 17 ans. Il y a donc Inès, ton rêve, parce qu'il paraît que tu as un rêve hallucinant. Ah. C'est Karim qui t'a eu au téléphone, c'est ça? Ah, moi, Inès, ça m'a fait dahak, moi. Et donc, toi, Inès, c'est pas un rêve érotique du tout, t'as rêvé à quoi, toi, Inès? De Voldemort. De Voldemort? Ah ouais, c'est dans Harry Potter, ça. Harry Potter. Ouais. Tu as rêvé de... Mais qu'est-ce qu'il faisait, Voldemort? Il volait les nez de tous les habitants de la ville. Il volait quoi, les nez? Ouais. Putain, il aurait dû voler celui de Diffoul, tu vois. Bah là, c'est celui de Diffoul, c'est le magot, quoi. Vous êtes trop drôle. Tiens, on va nous. Il aurait été choqué, le pauvre. Oui, il aurait été choqué. Toi aussi, Inès. Merci du coup de fil, c'est sympa. Donc, Voldemort volait les nez. Et donc, t'as rêvé à ça. Mais tu t'es réveillé, comment? En sueur, toute paniquée, ou tu rigolais? T'as vérifié si t'avais un nez ou pas? Non, mais en fait, après, comme moi, j'aime bien les rêves lucides. Vous voyez ce que c'est? Non, c'est quoi? Contrôler les rêves. Contrôler les rêves. On peut contrôler ses rêves? Ouais, ah. Au bout d'un moment, lors du sommeil paradoxal. T'as l'air bien arraché, toi, dis donc. Lors du sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal, c'est au bout de combien de temps d'endormissement? Tu t'endors, c'est au bout de combien de temps? Une heure et demie, en fait. Une heure et demie après s'être endormi, t'es dans le sommeil paradoxal. Enfin, il y a de moins en de plus en plus fort tous les 1 heure et demie. Mais ouais, mais en tout cas, ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu ce que tu, ça revient un petit peu à ce que tu nous dis là. Si par exemple, je sais pas, tu t'endors, tu penses à Cédric, tu peux faire un rêve érotique sur Cédric. Bah ouais. Non, c'est un cauchemar. Ah pardon, tu peux faire un cauchemar érotique sur Cédric, c'est vrai. Non, pas érotique. Ah, un cauchemar dégueulique sur Cédric alors. C'est ça. Au réveil, les gars. Donc, non, mais tu peux arriver à conditionner tes rêves, c'est possible. Ah ouais, possible. Mais ça, je savais pas, non. Bah si, en fonction de ce que tu fais, juste avant de dormir. Tu penses très fort à un truc. Regarde, par exemple, il y a Rod, le beau gosse du 83, il a 20 ans. Il nous dit Jessica Alba, il aimerait rêver à Jessica Alba. Bah, tu penses très fort à Jessica Alba avant c'est de dormir. C'est pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal. T'as un bon choix. Hein. Ouais, c'est clair. C'est pas mal. Maëlle, elle, c'est Justin Bieber. Eh bien, tu rêves très fort à Justin Bieber. Et tu l'aimes pas, Justin Bieber? Non. Non, t'aimes pas Justin Bieber. Tu préfères Soprano? Non. Ouais. Ah ouais. Donc toi tu penses à Soprano très fort. Maëlle, pour toi, tu penses très fort à Justin Bieber. Et puis peut-être que tu, avant de dormir, peut-être que tu rêveras à Justin Bieber. Kaji pour la Marie, même chose. Laurie du 84 pour Ricky Martin, même chose. Et c'est ça restera un fantasme, Laurie. Ricky Martin, ouais, il est gay, ouais. Oui, il est marié. Oui. Il est marié. Ouais, je crois. En tout cas, il a adopté deux enfants. Ouais. Ouais. Il a des enfants. Ouais, deux. Ouais. Bah, les jumeaux. Ouais, ouais. Avec son mec? Bah, quoi, avec son mec, ils les ont adoptés. Bah ouais, mais... je croyais qu'ils avaient fait des enfants. Ou ils ont eu. Non, là, c'est pas possible. Ou ils ont eu une mère porteuse, mais je sais pas comment ça s'est passé, je ne le connais pas intimement. Mais... En tout cas, je sais qu'il a deux enfants, c'est des petits jumeaux, ils sont mignons d'ailleurs. Millie, 19 ans, elle, c'est Karim Benzema. Bah, tu te regardes un match de foot juste avant de dormir avec Karim Benzema dedans, un match du Real. Et c'est possible que tu rêves de lui. Et c'est possible. T'as Rihanna, un gros succès. Hein. Sur les messages que vous nous avez laissés, tiens, vas-y, Romano, va voir sur le Facebook. Je vais voir sur Facebook. Ouais. Et c'est confirmé, Samy ressemble à Jerem Star. Il y a plein de messages que vous nous laissez depuis tout à l'heure. Ah, putain, j'ai vu une photo, mais avec Non, mais d'ailleurs, je me demande. C'est lui, non? Samy ne serait pas Jerem Star. C'est possible. Moi, ça serait. Jerem Star? Ouais, ah, c'est toi, Jerem. Parce que l'autre con des réseaux sociaux, il s'amuse à faire des montages. Ne parle pas comme ça de Romain, s'il te plaît. Ma tête à côté de sa tête, donc là, je peux aller voir. En plus, comme par hasard, j'ai mis la tête dans le même axe que la tête de la photo qu'il a prise, tu vois. J'avoue, on dirait moi. Non, mais allez, à vous, Jerem Star, maintenant, arrête. J'aime même pas que c'était ce gars, mais vu les photos que j'ai vues, ça me donne pas envie de lui ressembler. Tiens, on parlait d'Ariana Grande tout à l'heure. Beaucoup de succès pour Ariana Grande. Tony Parker également, c'est noté pour Tony Parker. Je choisirais Dinaz. Ah, il était la semaine dernière. Dernière. Ouais, Jaja et Dinaz, ouais. Avec Jaja dans le Planète Rap. Là, sur le Facebook, il y a Ludivine, elle, c'est Cristiano Ronaldo sur Facebook. Il y a Julie, c'est, alors je ne sais pas qui c'est, mais Marie doit connaître, Chris Hemsworth. Qu'est-ce que c'est ça? Hein? Chris Hemsworth. Je ne sais pas qui c'est. Bon, donc, Tatiana, elle c'est. Ah, ben c'est une fille, tu vois, elle veut Nathalie Portman. Très bien. Alors, je vous lis le message. Ouais. Alors, Hamid, qui nous laisse un message et qui nous dit, il a 19 ans, moi, en rêvant de la Marie, je zique dans son gros trou du cul. Ah, avant qu'elle me nettoie le mien avec la bouche. Bon, bah, en tout cas, faites comme je vous ai dit, vous regardez, vous pensez très fort à un truc qui. Avant de dormir, ouais. Avant de dormir. Si vous aimez les cauchemars, vous pensez très fort à un film d'horreur, un truc comme ça. Mmh. Ou alors à Cédric. C'est bien ça. Ou alors au contraire, ça vous ferait kiffer. Ah, bah, écoute, on a pas des masses, là. C'est possible. Tiens, j'ai rêvé que Diffoul baisait Nabila, nous dit Rick Ross. 17 ans. Salut Rick Ross. Je sais qu'elle écoute l'émission parce qu'elle nous avait appelé pendant le, elle écoute le morning, en tout cas. Ouais. Elle nous avait appelé avec Thomas. Avec Thomas pendant le morning, on était en train de se moquer d'elle. Elle nous s'est appelé, t'es plutôt sympa d'ailleurs, Nabila. Bah, physiquement, ça nous faisait marrer. Physiquement, elle est pas dégueulasse en fait. Ah, ça c'est clair. Ah bah non. Non, bah ça va. Ah bah elle est plutôt bonne, ouais. Ah bah moi, franchement, je kiffe Thomas. Ah, Romano, là tu me tentes un peu aussi, dis donc. Hein. Bon, Inès, on te remercie, on te fait une grosse bise en tout cas, merci du témoignage. Et pour Alexia, bah panique pas Alexia, ça arrive à plein de monde. Hein. Oui. Selena Gomez, encore Rihanna, t'as Rihanna fait un... Non mais c'est vrai que même là sur Facebook, là, sur Skyrock.fm, Skyrock FM, pardon, oui, c'est Rihanna qui revient le plus. Ah, ouais. Et chez les mecs, il y a beaucoup de... Difoule. Ah ouais, tiens. Ouais, D-Fool. Voilà, D-Fool. Voilà. Et avec 1 778 000 voix. Et seulement la moitié, il y a Cristiano Ronaldo qui est pas mal. Ah ouais. Il y a Ritza aussi qui est pas mal cité. Ouais, Ritza, j'ai vu. Il y a du SCH aussi. C'est vrai que SCH, c'est pas mal. Après, plus à l'ancienne, il y a Vin Diesel ou Beckham. Bon, ils sont pas dégueux non plus, hein. Oui, puis ils sont surtout. Bah bien blindé. Ça le rend fou, tu sens bien. J'arrive même pas à y dire. C'est la spéciale du dimanche soir avec le meilleur de D-Fool sur Skyrock. Ah oui, dans le 39 et t'as 18 ans, c'est toi Laurine. Salut Laurine. Oui, bonsoir Laurine. Bonjour. Alors Laurine, explique-nous de quoi tu veux nous parler dans un instant Laurine. Alors en fait, bah moi je suis avec mon meilleur ami là. Oui. Et il va comment il s'appelle le meilleur ami? Alexis. Alexis, donc Alexis, alors il a 18 ans aussi, comme toi. C'est ça. Très bien. Et il va venir faire une formation là où je suis, là, à la rentrée. Oui. Et il n'a pas de logement, donc je vais proposer bien gentiment de venir dans ma petite chambre d'étudiant. Bah, c'est mignon tout ça, mais t'as envie de le serrer ou pas? Comment? T'as envie de le serrer ou pas? Ah non, non, bah, justement, le problème c'est que j'ai un copain. Aïe. Ah merde. Vous avez trois dans la chambre d'étudiant? Non, je suis toute seule moi. Non, son copain il est pas là quoi. Oui, il est pas là, lui. Ouais, il vient de temps en temps, quoi. Oui. Et ton mec, il est pas trop d'accord. Ah bah moi, je comprends. Voilà, c'est ça. Ah moi, ça me ferait chier. Hein. En même temps, après, mon meilleur ami, il est gay, c'est ça qu'il faut dire. Ouais, ça va alors. Ah ouais, d'accord. Ouais, mais bon, c'est un mec quand même. Enfin, vous allez dormir dans le même lit, dans une chambre de 6 mètres carrés. Non, parce qu'on prendrait un matelas. Ouais, tu le mets par terre. Ouais, tu le fous par terre. Il est homo, il y a pas de problème. Ah, c'est jamais, Marie, tu sais. Ouais, moi, ça me ferait chier. Ouais, moi, ça me ferait chier aussi, franchement. Ah, mais vous êtes grave. Il dit qu'il est gay, mais il veut essayer avec une fille, donc. Ouais, voilà, ouais. Je comprends ton mec alors. Déjà, d'un coup, le mec, il est moins gay. Il est au courant, ton mec, mais je suis gay. Je suis gay. Mais t'es gay à 100% ou alors un jour tu vas te laisser tenter par un jour, mais pas par ma meilleure amie, parce que sinon ça gâcherait toute l'amitié. Ouais, mais le mec, il le sait. Il est peut-être pas sûr, tu sais. Ouais, bah il doute, ouais, c'est sûr. Bah ouais, mais t'es voix à sa place. Imagine, toi, il t'explique qu'il y a une meilleure amie qui arrive. Bon, elle est lesbienne, mais elle vient dormir chez lui. Elle va vivre pendant combien de temps tu vas vivre 2 mois. 2 mois. Pendant 2 mois, il va vivre avec sa meilleure amie. Il va la ken pendant 2 mois. Ouais, non, oui, moi ça me ferait chier. Ah, bah lui c'est pareil. Ouais, non, mais je le comprends, mais du coup, que j'ai déjà proposé à mon meilleur ami, il me fait ouais, mais tu m'as proposé, c'est pas cool. Bah ouais, normal. Hein. Tiens, dites-nous comment vous réagissez. Allez, Julie est avec nous, Laurine est avec nous, Alexis est avec nous, ils sont tous avec nous. Et bah tiens, Julie réagit pour toi, Laurine, et pour toi, Alexis. Ah. Ah, t'es contente. Donc, Alexis, soi-disant, il est gay à 100%. C'est ce que tu nous as dit, Laurine. Voilà, depuis 2 ans, on va dire. Avant, il n'était pas gay, alors. Non. Avant, il sortait avec des filles, Alexis. Ouais. Et puis bizarrement, il va vouloir se tester avec une fille, dis donc. Donc Alexis. Oui, mais pas avec moi. Bon oui, bah, bien en tout cas, il vient habiter chez toi à la rentrée, c'est ça. Hein, ouais, c'est ça. Dans ta chambre d'étudiante pendant 2 mois. Et puis toi, t'as un mec, Laurine, et ton mec est pas trop d'accord. Tiens les gars, pas du tout, même. Vous nous dites comment vous réagiriez. Vous avez votre meuf qui a une petite chambre à elle et elle accueille son meilleur ami pendant 2 mois. Est-ce que vous le prenez bien? Mais il est gay. Il est gay, mais depuis 2 ans. Est-ce que vous le prenez bien? Est-ce que vous le prenez pas bien? Julie, toi t'es avec nous pour témoigner là-dessus. Ouais, salut. Salut Julie. Coucou. Alors Julie, parisienne, et t'as 20 ans toi. Hein, c'est ça. Bah, bienvenue à toi sur Sky. Julie, comment tu réagirais toi? Est-ce que t'es déjà arrivé ce genre de plan déjà? Bah, en fait, moi j'ai un copain depuis quelques mois et on n'est pas jaloux du tout ni l'un ni l'autre. Mmh. Et en fait, c'est rare. Bah oui, mais bon, faut avoir confiance au bout d'un moment. C'est vrai. Ouais, et t'as raison, du coup, moi, il sait que, enfin, je suis 100% hétéro. Il sait que je veux avoir une expérience homo. Mmh. Et lui, il me laisse. Enfin, il m'a dit, y a pas de souci, fais tes expériences, etc. Ah ouais, putain, lui, il est vraiment pas jaloux. Hein. Moi, j'aurais pété un plomb. Mais pourquoi Romano t'aurait pété un plomb? Parce que moi, je suis sans doute moins tolérant. Ah, mais c'est dingue d'être aussi peu tolérant que ça. Bah, non, mais c'est quoi cette tolérance zéro? Non, mais ta meuf, elle t'explique qu'elle va se faire. Et alors? Elle va tripatouiller la boule par une autre meuf et tu dis, bon, vas-y, bonne soirée. Hein. Bah, ma chérie, tu me raconteras demain. Non, mais ça veut dire que vous avez vraiment très confiance l'un dans l'autre. Ah non, alors moi, je suis peut-être Cyrano, mais j'aurais pensé direct qu'il avait fait la même connerie. Ouais, mais c'est ce que j'allais dire, ouais. Ah ouais, t'as pensé. Moi, j'aurais pensé qu'il ken d'autres meufs à côté. C'est pour ça qu'il dit ouais, vas-y, n'hésite pas, ouais. Pépère. Non, je pense pas parce que, enfin, c'est différent. Bah, on espère pas pour toi. Bah, ouais. Une expérience homo, c'est différent, quoi, que de tromper personne. Bah, peut-être qu'il a essayé. Moi, je vois pas comme le tromper, en fait. Non, mais en plus, ça me dérangerait pas. Hein. Mais en plus, tromper, c'est quand t'es pas au courant. C'est quand il le fait dans ton dos, toi. Bah, il c'est ça. Là, je lui en ai parlé. Ouais, je lui ai dit bon, écoute. Il a limite demandé l'autorisation. Ouais, non, mais bon, moi, l'autorisation, rien du tout. Moi, je la cache. Pas non plus que ça pose problème dans mon couple. Non, mais Julie, toi, tellement vous allez, enfin, tu sembles open. Si tu dis à ton mec, ouais, j'ai envie de me faire ken par un pote, il va réagir pas. Ouais, cool, vas-y. Ah bah non, vas-y, non. Okay. Vas-y, par un pote, il va me dire non, c'est pas possible. Enfin, vas-y, c'est cool, à demain. Non, mais là, c'est différent, une fille. Enfin, c'est quand même spécial, quoi. Ouais. C'est pas pareil, ce n'est pas pareil. Hein. Ah, moi, je deviendrais ouf. Hein. Alors, vous êtes tolérant ou pas? Tiens, envoyez-nous vos messages au 41-759. Moi, je kifferais que ma meuf me demande ça. Ah, bah, tu vois, Julien D, 17 ans, lui trouve que vous êtes très bien dans votre couple. Non, mais déjà, moi, juste le fait qu'elle m'en parle, tu vois, ça va. Moi, je pèterais un câble. Ah, ouais, à ce moment-là, je deviendrais. Je pense. De quoi qu'elle me parle, qu'elle m'explique, qu'elle me dit ouais écoute bon ok on sort ensemble mais je vais me taper une meuf. À tout moment je vais aller me taper une meuf parce que j'ai envie. Il y aura son mec qui est là, il viendra, il me regardera aussi. Bon oh, d'accord. Bon, ah ouais non moi je préfère que ce soit dit quoi. Bah oui bah attends. Je voulais pas lui faire du mal quoi, lui annoncer après. Non mais c'est bien écoute, ce qui est cool, au moins c'est franc. Non mais puis ce qui est cool c'est qu'il le prend bien en plus. Oui, bon après sur le coup il m'a quand même dit dis donc si moi je fais un plan à trois et je te dis que c'est une expérience, j'ai dit non mais il y a le surfeur voilà, qui est tolérant quand lui même aussi longuement mais ouais regarde les auditeurs ils sont comme toi Ryan, le surfeur qui nous fait moi je suis tolérant mais si je participe uniquement avec les deux meufs. D'accord. Bah, bravo. Très tolérant. Qu'est-ce que vous nous dites d'autre? Je prends les tolérants là pour l'instant hein. Ils sont pas tous tolérants les messages là. Mathias 20 ans qui nous dit moi ma copine est très proche de son ex, il y a aucun problème entre nous deux, je m'entends très bien avec lui, aucun problème, pas de jalousie pour lui, moi je le prends bien. Regarde, message de Céliane du 91, 14 ans. Salut à toi, Céliane. Ah ouais, puis il y a tous les autres qui sont un petit peu comme certains membres de l'équipe et comme toi, Romano. Moi, ça m'aurait énervé, ce message calme de Adam. Moi, je lui pète la gueule non, mais au faut... mec. Ah, non. Ouais, mais le mec, il est pour rien au final. C'est le message de Z sur SMS. Il est très, très énervé. Moi, c'est pas possible. Je romps immédiatement. Relation terminée, finie. Non mais je pense que le plus chiant en fait, moi c'est le truc qui me ferait le plus chier, c'est qu'il vit avec toi pendant deux mois et que moi je souhaite, tu vois, enfin si c'était par exemple mon mec avec sa meilleure amie, ce qui me ferait chier c'est qu'il vive avec elle et pas avec moi. Bah c'est ce qui va se passer. Tu vois, mais moi jours, ce qui me ferait chier c'est que non mais moi de toute façon ça me ferait chier tout court. Tout court. Ça, c'est clair. Ça me ferait chier tout entier. Tiens on va faire un petit sondage express. Sondage express. Elle vous explique ça, votre copine, donc un copain gay qui vient habiter avec elle. Bon, bah, si elle a pas son petit appartement, gay. Il vient habiter dans sa chambre. Moi, gay, je dirais plus bi, hein, parce que bon, il est gay depuis deux ans, donc. Oui, c'est vrai. Ouais. ça rentre quand même en ligne de compte. Ouais, c'est mais le truc. Meilleur pote. Ouais, mais tu sais, on sait jamais, des fois, un rapprochement, un soir. Ouais, non, mais attends, ça fait combien de temps qu'ils se connaissent aussi? Ouais, c'est combien de temps? Ouais. Oui, ça fait 2 ans. Donc si vous aviez du coup changé de vie, t'imagines? Non, il est devenu gay. Il est devenu gay quand il t'a rencontré. Non mais le jour où il est 30 ans, il devient gay. Ça m'inquiète. J'ai toujours été gay en fait. Ouais, il a fait son coming out il y a 2 ans quoi. Son coming out. T'as un mec, Alexis ou pas? Peut-être bientôt. D'accord, ouais, donc tu cherches actuellement. Sur un dos, j'ai dit ça, mais j'ai fait une crise à mon mec il n'y a pas si longtemps que ça, parce que en fait... Paris, oui, relou. Non, pas relou, non. En plus, je connais sa meilleure amie, ils se connaissent depuis tout petit. Il était en train de la niquer dans le canapé, dis donc. Mais non, mais rien à voir. C'est que simplement, il dormait chez elle. Bon, me demandez pas pourquoi, mais il dormait chez elle et je lui ai demandé de pas dormir dans son lit. Demande-lui pourquoi, Marie, quand même. Mais je sais. Nous, on s'en fout. On va pas te demander, mais. Marie, elle est pas au courant, ouais. Mais si, je sais, il louait son appart, machin, enfin, bon, bref. Bon, il allait la ken. Non, il la ken pas. Non, mais ça, je suis sûre de ça. Mais simplement, il m'a dit, je dors pas dans son lit. Et comme de par hasard, il prend une photo, enfin, elle prend une photo dans son pieu parce qu'il prenait toute la place, tu vois. Et là, je me suis aperçue. Mais la photo, elle l'a mis où? Non, elle l'a mis sur un truc WhatsApp où j'étais dessus. Non, mais attends, moi franchement, la photo, je l'aurais pris comme une provocation. Non, je pense que la meuf se fout de ta gueule, Marie. Non, je m'entends bien avec elle. Attends, tu parles. Moi, la photo. Elle baisse ton mec, donc. Non, mais moi, Cédric, je sais, admettons, vraiment, c'est dans l'imaginaire. Elle est moche. Ah, bah non, elle est moche. Non, mais même, tu sais, bon, on a tous niqué des moches, hein. Pourquoi pas le mec de Marie, hein? Ouais, mais non, si tu sors avec Marie, t'as pas de faire Bouddha. Alors ça, c'est complètement faux. Je connais des mecs qui ont des super nanas, ils baissent des moches à côté, mais comme pas deux. Ouais, moi aussi, ouais, putain. Ouais, c'est chelou, mais tu vois, moi aussi, j'aurais demandé, mais pourquoi ta nana, elle est bien? C'est une frappe, ouais. J'ai envie de niquer. J'ai envie de changer d'air. Ça va, Marie? Non, mais pour tout. Ça va, tranquille. Non, mais admettons. Moi, je mets l'histoire à l'envers. Cédric, pour vraiment dans l'imaginaire. Il dort à la maison avec Carriole. Avec le chien. Et il m'envoie une photo de lui et de Carriole dans le lit. Ah non, mais c'était pas ça. Provocation. Moi, pour moi, je me dis, ouais, le mec, il se fout de ma gueule. C'était pas ça. Elle se foutait de sa gueule parce qu'il dormait comme une étoile et qu'elle avait pas de place pour dormir. Ça m'a rendu dingue. Bah écoute, Marie, rassure-toi comme tu veux. Mais non, je t'assure, non, j'ai aucun doute. Et du coup, elle a fait comment? Elle a dormi sur lui alors, vu qu'il prenait toute la place? Non, t'inquiète pas. Elle a dormi dans elle. Et Laurine, elle est morte de rire, tu vois, Laurine. Direct. Bon, Julie, donc toi, ça ne te dérangerait pas. Je mets non pour le sondage express, donc non, ça ne te dérange pas. Pour toi, Julie? Absolument pas. Ah, donc, je mets non. Ça vous dérange pas? Oulala, ça vote. Moi, ça me dérange pas, nous dit Armor. Ça me dérange grave pour pas le temps. Bubuzz, qui nous fait, moi, je lui casse la bouche. J'ai pas ça dans mes options aussi, hein. Oui, ça me dérange pour Didine. Cam, ça me dérange. Oui, ça dérange pour Clem. Oui, pour l'inconnu. Oui, pour Kralis. Oui, pour Pattaya Citibank. Salut, Pattaya Citibank. Oui, ça me dérange fortement pour Carmelo. Ça me dérange grave pour la Somme. Le Pèlerin, ça me dérange, oui, clairement. Putain, y a pas un nom. Moi, oui, ça me dérange direct. Je vire les deux pour Alex du 49. Ah non, j'ai trouvé. Il y a un nom. Il y a un nom que ça dérange pas. C'est Mazirox. Salut Mazirox. Bon, après, Laurine, oui. Je sais pas comment tu vas faire. T'as envie de rendre service à ton meilleur ami. Ouais, c'est vrai qu'en même temps, tu vas pas le laisser en galère à la rue. Quoi. Bah, ouais, c'est ça le problème. Non, bah, faut bien que t'expliques à ton mec. Et ton mec, lui, il habite où? Eh, j'ai une idée. Lui, il habite à 40 bornes. De là où on est. Et tu peux pas aller habiter un peu chez lui et tu laisses ton appart au mec, à ton pote? Bah c'est pas vraiment un appart, c'est une chambre étudiante, donc là ouais, c'est déjà réservé. Non mais tu peux pas lui laisser. Et toi tu as vu avec ton mec? Ouais, tu as vu avec ton mec le temps qu'il est là. Il habite à 40 bornes de Besançon, donc c'est pas de taper 40 bornes tous les jours. Bah s'il t'aime, il vient te chercher. c'est vrai. Et il te ramène. Ouais mais bon, il travaille aussi. Sinon pour lui enlever tout doute, Alexis, ce que tu peux faire? Oui. C'est draguer le mec de Laurine. Tu lui caresses les fesses, tu touches la bite sans faire exprès. Voilà, sans faire exprès, tu lui caresses le sexe comme ça. Oh pardon, excuse-moi. Et comme ça, il n'aura plus aucun doute. Il va se dire, il est vraiment gay, donc j'ai aucun problème. Ah non mais il le touche pas, non. Non mais ça peut le très bien. Et c'est là que le mec tombe amoureux d'Alexis. Ouais, il dit vas-y retouche. Ah vas-y retouche-moi. Vas-y. Ah, j'aime ça, vas-y. Touche-moi le zizi. Il faut le rassurer, il faut que vous passiez des soirs ensemble et tout ça, il faut le rassurer le mec. Ah mais il le connaît, il sait très bien qu'il y a pas de souci, qu'il y aura jamais rien, mais il a quand même le doute quoi. Bah ouais, ça se comprend. Il est un peu comme Romano quoi. Bon reste là. Il y a pas que moi d'après les messages. Ouais. Julie, on te fait un gros bisou, merci du coup de fil. Gros bisous, bonne soirée. Bisous Julie. Bisous. Ciao. Ciao. Salut. La spéciale du dimanche soir, le meilleur de Difool. What the fuck? Jusqu'à minuit sur Skyrock. On est en train de préparer le double appel, l'arrivée également d'Amaré. Amaré, le pilonneur de Tourcoing. Il y a 1-0 pour les poteaux belges contre la Hongrie. Puis on a des petits cadeaux également à vous offrir ce soir. Conjuring 2, le film le plus terrorisant de l'été. Il y a des places de ciné à gagner sur Skyrock. Vous les chopez sur Twitter et sur Yax également. Vous réagissez à l'émission avec le hashtag la spéciale de Difool. Je vais quasiment vous dire que tweeter, c'est gagné. Il y a deux places qui partent pour Jules du 02, pour Lilou 19, pour Léo du 84, vous aussi vous en voulez, vous réagissez à l'émission tout simplement avec le hashtag la spéciale de Difool, la spéciale qui revient direct dans quelques secondes avec Mustapha Jefferson, le son de Niska sur Skyrock. Toute cette semaine, on redécouvre le meilleur du S-Crew. Jamais de la vie. De SCH. Sur Skyrock, ça fait. De Jules. Jule sur Skyrock. Et de MHD dans Planète Rap. Une semaine pour revivre les meilleurs moments avec les têtes d'affiche du rap français. Tous les soirs dans Planète Rap, 20h-21h avec Fred sur Skyrock. Ça s'écoute et ça se regarde. Planète Rap, l'émission rap numéro 1 en France. Hey Steph, tu connais la différence entre une fille? T'en as pas marre des blagues sérieux? Bah je m'entraîne, c'est pour le concours Yax. Le concours Yax? Bah ouais, il y a 2 séjours au Maroc à gagner pour le Yax le plus marrant. Sérieux? Non mais je vais aller télécharger Yax, moi aussi je veux partir au soleil. En plus, vu le niveau de tes blagues. Vas-y. Promis, si je gagne, je t'offre le deuxième billet. Télécharge Yax, publie un Yax vraiment drôle et pars en vacances avec Yax. YAX. Avec Pepsi et Lipton, c'est la Quick Cup dans les restaurants Quick. Repars avec un ballon de foot pour seulement 5€ à l'achat d'un menu XL. Quick, un goût de légende. Cup égale coupe. Offre valable du 30 mai au 11 juillet 2016. Liste des restaurants participants sur quick.fr. Pour votre santé, bougez plus. Yo, yo. C'est la spéciale du dimanche soir. Avec le meilleur de Difool sur Skyrock. What the fuck? Sur Skyrock, Mustapha Jefferson de Niska. N'oubliez pas que dans moins d'une demi-heure, on se fait le super clash de la drague de l'année. 30 minutes avec les meilleurs et les pires appels de Cédric et Romano. On va se refaire l'année de clash de la drague de Cédric et Romano. C'est collector, c'est à surtout pas louper l'arrivée de Damaré, le pilonneur de Tourcoing. Et tout de suite, le double appel des familles dans la spéciale de Difool sur Skyrock. Allô ? Aucun des deux n'a appelé l'autre. Ah ben, c'est vous qui avez appelé. Le double appel de Difool sur Skyrock. Hein ? On sonne en Normandie ce soir. Et on peut aller dans toutes les régions de France. Vous nous laissez les numéros d'ailleurs hein, sur le 41-759 sur l'appli. Bah, préparons-en d'autres parce qu'a priori celle-ci. Ah, c'est dommage parce que on avait testé ça juste avant l'émission. Juste avant l'émission. Putain, ils ont testé. Bonjour, vénérable inconnu dans mon âme de répondeur. Toi aussi, profite de la sagesse de la modernité et laisse un message à ton serviteur. N'oublie jamais que seul celui qui parle après le bip peut espérer une réponse. Bonjour, monsieur Bizigu. Une fois votre message enregistré, vous pouvez raccrocher ou taper dièse pour le modifier. Monsieur Bizigu. Oh, on est reparti chez eux. Très bien. Allô. Vous n'avez rien enregistré. Bah, je sais pas, c'est une anomalie alors. Ah, oui. Allô. Oui. Vous êtes qui? Bah, vous êtes dans un hôtel, monsieur. Alors, pourquoi vous m'appelez? Je ne vous appelle pas. Mais si, ça fait déjà deux fois que vous m'appelez. Dans l'espace de deux minutes. Mais c'est pas moi du tout, monsieur. Mon téléphone a sonné et j'ai décroché, c'est oui, tout. Oui, moi, il y avait marqué, je peux vous dire qu'il y avait marqué appel masqué deux fois. Et si je décroche, c'est qu'on m'appelle. Ben, moi, pareil. Bon, alors, j'espère que c'est la dernière fois. Ah bah je sais pas, moi ça vient de sonner, je décroche. Ah bah moi aussi, ça fait trois fois que vous m'appelez, moi j'en ai marre le bol, vous me dérangez pour rien. Ah je vous appelle pas du tout monsieur, hein. Bah est-ce que... Et vous, vous êtes qui? Et t'es comment, ta chatte est comment là? Bah tiens. Bah soyez poli. Allô? Oui. Le caca c'est bon. Bon. Qu'est-ce que c'est que ces conneries là? C'est un éléphant. Non mais ça c'est non c'est comme ça que ça s'appelle oui. Les conneries, c'était un éléphant et juste avant bah c'était Cédric de la famille de l'éléphant également. Ah, putain, l'hôtel en a pris pour son grade. Ouais, la cool. Pauvre, il s'est fait pourrir la gueule. Lui il était à bout de nerfs le Normand. Ah j'en peux plus moi, tu fais trois fois que ça sonne. Ouais, qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh la voix, oh, ouais. Il lui. C'est moi. Il y a toute la famille d'éléphants ah, ouais. Qui est là. Ah oui c'est marrant tiens. Ouais, pas mal, pas mal. Bon, on était donc chez les Normands ce soir. Alors, attention, on y retourne. Allez, c'est parti. Je rappelle que Patrick peut intervenir. Cédric, tu ne t'es pas gêné pour intervenir également. Ah, non, oui. Vas-y, les deux derniers. Envoie la sauce. Non, mais envoie la sauce, quoi. Qu'est-ce que tu veux, Marie? Là, on connecte les familles. C'est sympa. C'est le double appel, Marie. Vas-y. Oui, ah bah oui, je suis bien au courant. Oui. C'est le double appel. Envoie-moi la sauce. Thierry et Olivier. Allez, Thierry, Olivier. On compte sur vous, les gars. Allez Thierry, allez Thierry, allez Olivier. Ouais. Ah, je vous annonce le journal des Bleus aussi ce soir. Ouais. J'ai oublié de vous annoncer qu'il est réclamé. Allô. Ah. Allô. Oui. Ah. Allô. Allô. Je vous écoute. C'est moi. Oui, ben c'est toi, mais d'accord, mais qui t'es? Ben je sais pas qui êtes-vous. Ben, c'est Thierry. Ouais, dans les Ardennes. Oh. Et vous? Ben, d'après toi. D'après toi. Mmh. Oh, c'est une voix qui me dit quelque chose, ça. Ben, je sais pas, c'est toi qui m'appelles? Ben non, parce que j'ai... Non, mais ça a appelé, ça a sonné deux fois, et puis ça vient de rappeler une troisième fois, alors c'est pour ça que je décroche. Oui, c'est Olivier. Olivier. Ben, je sais pas, tu viens de m'appeler... Olivier Ah ben, je ne sais, c'est toi qui viens de sonner chez moi, Olivier? Ah ben, non, c'est toi qui m'appelle. Ah ben, on vient d'avoir trois coups de téléphone ici, avec des 09 machin. Non, ben, c'est tout, il y a une connerie, Olivier, je sais pas ce qui s'est passé, mais... Je ne sais pas, on vient d'avoir deux appels de conneries. Olivier, t'as un numéro secret, 09, toi? Hein? Olivier, t'as un 09, t'as un numéro secret? Ah ben, moi, j'ai pas de 09. On vient d'avoir trois coups de téléphone en numéro secret. Ah ben là, je viens de répondre sur un numéro secret, un hein, marqué privé. Oh, c'est des conneries, son cours. Il y a de la maman, il y a un téléphone. Hein. Non, mais il n'y a rien de particulier, Olivier, sinon, moi, tu vois bien. C'est Thierry Dugler. Mais non, c'est Olivier, c'est moi, ça a sonné chez toi, tu me réponds, là. Oui, oui, oui. Non, mais je sais pas ce qui se passe dans ce putain de téléphone, non. Mais non, mais je l'ai pas fait, c'est ça que je comprends pas. Ah, j'ai pas fait ton numéro, Olivier, c'est ça que je comprends pas. Je ne sais pas, mais apparemment si, hein, puisque... Mais on vient d'avoir des 09 qui viennent de... Non, secret. Secret, pardon. Oui, ben nous aussi, là, je viens de répondre au numéro, c'était marqué privé. Enfin, numéro secret. Bon, c'est pas grave, Olivier. Excuse-moi. Salut les filles. Oui. T'es en train de te faire baiser ou pas? Hein? T'entends Olivier, des conneries? Oui, j'entends tout à fait ça. Olivier, on raccroche. Hein. Avec un lubrifiant ou sans lubrifiant? Ben avec lubrifiant, espèce de connard. Et tu peux me passer ta femme sinon? Laquelle que tu veux de femme? Et tu peux me passer ta femme sinon? Ben laquelle? Là, la petite, là, qui est là, elle ferait mieux de porter une burqa. Ben elle n'en a pas de burqa. Ben oui, ça va mon canard. Mais je t'emmerde, moi, tu m'entends? Absolument. Mais je vous dis, profitez-en bien, parce que ça ne va pas durer longtemps. Mac, mac, mac. Tu l'as trouvé où, Le Pen? On est dans les stocks. C'était lui, hein? Ah, c'était lui. Il y a une burqa. J'ai bien reconnu Jean-Marie Le Pen à la fin. Ah, c'était bien lui, ouais. Ah, c'était bien lui. Magnifique. Ah, il y a de la mamaille. Or, ça, vraiment, c'est bien parce qu'on apprend toujours des petits. Ah, putain, les petites expressions sympas, ouais. Les petites expressions des Français. Il y a de la mamaille. Ouh là là là là. Yo! C'est la spéciale du dimanche soir avec le meilleur de Difool sur Skyrock. What the fuck? Des nouvelles d'Amaré, notre pilonneur. Ah, enfin. Bonjour Amaré. Salut Amaré. Bonsoir tout le monde. Bah alors, on s'inquiétait. Eh ben ouais, on était inquiet, on n'avait pas de nouvelles depuis un petit moment, Amaré. Non, on a cru pas que tu baisais plus. Bah écoutez, c'est parce que ça taffe beaucoup, hein. Ça bosse beaucoup, hein. Ça bosse beaucoup, mais voilà. Ça baisse plus alors. Ah si, si, si, quoi, ça fait partie du taf, hein. Et Ramadan, ça baise ou pas? Ouais, on s'organise pour. Mais comment tu t'organises, comment en gros? Mais la nuit, le soleil, il a plus le soleil. Je suis sûr que t'attends que le soleil se couche et après tu vas baiser. Bah voilà. Oh, t'es un ouf, gros, attends. C'est le Ramadan lillois, il y avait le Ramadan américain. Ouais, c'est le Ramadan lillois. C'est là, on est sur le Ramadan lillois. Eh, mais Amaré, c'est original, ouais. Oui. Amaré, ouais, petite question, une fois que le soleil est couché, en priorité, tu vas manger ou tu vas baiser? Si t'as un plan qui t'attend. Il a mangé une chatte. Je bouffe pour être en forme et après ça je m'occupe de. Voilà. Ah, tu manges d'abord. Très bien, Amaré. Bon, des petites nouvelles ces temps-ci, des petites vidéos, on attend, hein, tu sais. Ah, mais les vidéos, vous m'avez grillé, hein. Vous avez tellement parlé de ça, c'est quoi des vidéos, que maintenant, c'est quoi, dès que j'ai rencontré, elle m'a dit, pas de vidéo. Avant même que je demande, pas de vidéo. Ah, c'est-à-dire que tu fais l'amour avec des auditrices, enfin tu fais l'amour ou tu baisses, ça dépend, avec les auditrices de Skyrock. Ah, il y en a quelques-unes qui m'ont appelé juste après, ouais. Et alors, elles sont mieux que les autres, non? Honnêtement, waouh. Full option, les auditrices de Sky. Évidemment, c'est quoi son option. Facebook? Il y a Clément D qui voudrait absolument te parler, tu vois. Et il y a Louis qui nous dit, Amaré, c'est un petit coquin. Et il y a Zigou qui dit, mon héros, Amaré. Et Blue qui nous fait, Starfalla, c'est quoi ce Ramadan bio? C'est un Ramadan remix. Il se tape même des auditrices maintenant, et ouais. Mais Amaré me disait au standard qu'il y a même des auditeurs, des mecs, hein, qui le contactent pour lui demander des conseils pour baiser des meufs. Et ah tout. Ouais, tu dis un coach, ouais, quoi. J'ai des auditeurs. Ouais, j'ai des auditeurs qui m'ont contacté via Wannonce ou via Viva Street, parce que mon pseudo c'est Amaré aussi sur. Ouais, ils m'ont contacté, ils m'ont dit, ouais, c'est toi qui es passé sur Sky et tout, il y a moyen qu'ils me disent comment on fait ou quoi qu'est-ce. Ou... il y en a qui m'ont reconnu, qui m'ont dit comment tu fais. Ou alors même des conseils, tu sais quoi, en coaching sportif et tout, genre de conneries et tout, hein. Non, mais t'as des fans, hein, je vois ça, regarde. Ah, il y a un fan club, hein. Ouais, en tout bien, tout honneur. C'est ça, là. Il a 16 ans, il nous fait, il est trop fort. Amaré, c'est mon idole. Tiens, un autre. Ouais, Amaré pour Crystal. Tu vois, même Crystal, 15 ans, qui t'adore. Amaré, bah, c'est l'idole. Hashtag sauvons le sommier. Hashtag quoi? Hashtag sauvons le sommier. Sauvons le sommier, c'est vrai qu'il a pété un sommier, c'est vrai. Il y en a eu, celui-là il restait longtemps. Hashtag sauvons le sommier. Bon, bah, alors ce soir, allez-y, hashtag Radio Libre, mais également hashtag sauvons le sommier. Sauvons le sommier. Voilà. Et la dernière en date que tu as baisé, c'était quoi, Amaré? Mercredi. Et c'était où? C'était à l'hôtel, chez elle? Non, sans merde, elle m'a appelé, elle m'a dit, écoute, j'ai terminé le ménage, passe à la maison. Je dis quoi? J'ai terminé le ménage, passe à la maison. Mon mec, il rentre vers 17h30, ça nous laisse un bon petit 2h, viens, passe. Et je l'ai niqué dans son lit? 30 km de chez moi, je suis parti, je l'appelle, je dis, bah écoute, sonne, il n'y a personne qui répond. Non, la porte est ouverte, monte. Oh, ouais, je suis monté, elle était déjà opé, quoi. Ah ouais, poil dans le lit. Elle était déjà prête, quoi. Non, mais tu l'as trouvé direct. Non, elles savent qu'à poil, non, ça le fait pas trop, quoi. Ah, t'aimes bien avoir un petit un truc enlevé, ouais, quoi. Ouais. Comme ça, au moins, il y a quelque chose à déballer quand même, et au moins, quoi, tu peux t'amuser un petit peu. Tu déballes la bidoche, bestio. Amaré est plus populaire que François Hollande, je pense, nous dit Dave. Ouais, mais je crois, ouais. PTDR, c'est Ramadan, il trompe sa femme à mort. Il y a mes couilles sur ton nez qui est très content et qui rigole. C'est le meilleur à Marie. Gère le gars pour Alex du 51. Donne-moi des cours de baise pour Elias. Je crois qu'il veut que tu le kennes, tu le dis. Non. Ah, et Laurie nous fait. C'est vraiment du démontage. Oui, je. Oui, c'est artistique, il y a tout un procédé. Ah non, mais on l'a dit. C'est vraiment artistique. Le déballage. Si vous voyez, à Marie, vous ne l'avez jamais vu en vidéo. Je vous explique un peu, c'est un marteau piqueur. Ouais, et déjà le mec, ouais, c'est une arme à glace, donc. N'hésitez pas à me contacter quand vous avez Nikita Bellucci, hein, comme ça je lui ferai une application. Fais une vidéo avec elle. T'aimerais bien baiser avec Nikita Bellucci? Je pense que c'est elle qui aurait besoin. C'est elle qui va te baiser. Ouais, c'est possible. Ah putain. Ah, il y en a quand même qui sont pas contents. À la rencontre, quoi. Il y a des filles qui protestent. Peut-être rapport à ta femme. Il est con, Amaré. C'est le roi de la quéquette pour la pile. Salut la pile. Ouais, en fait, les mecs t'adorent et les nanas un peu moins. Non, ouais. sauf Ali. Ali qui nous fait, mais c'est une grosse baltringue. Ah ouais, ouais, oui, il y a quelques mais mecs. Attends. Dans ce cas-là, ouais, je comprends bien, mais bon, dans ce cas-là, pourquoi autant de popularité ou pourquoi autant de sollicitations, alors? Eh ouais, la popularité, là. Amaré le gros, ouais, respect, hein, à lui. Sa pauvre femme nous fait, ouais, sab. C'est vraiment ouf. Je le rappelle encore une chose. je fais partie de la team Cédric. Hein. Ah oui, bon, Amaré, on va y aller, là, on commence à en avoir marre, là. Merci, mon pote. Je suis comme toi, je suis comme toi, Romano. Je suis vraiment fou. Non, mais toi, t'es pire que moi, je crois. Ah ouais. Cédric. Désolé, quoi. Ah ouais, ouais, bah ouais, t'as pitié, je comprends. Non, mais c'est sympa de faire dans le social. Tiens, il y en a même qui t'en file. Le jour que je passe, je vous dis tout de suite, on fait un clash entre moi et Romano. Si tu veux. Si tu veux, Amaré. Ouais, bah vu ta carrure, je te laisserai gagner. Il va te patater s'il perd. Non, t'inquiète, t'inquiète. Hey, je suis hyper amical, laisse tomber. Bah j'espère, vu ta carrière. Il est très câlin. C'est clair, tu pourras pas être pote. Il est très très câlin. Eh bah écoute, Amaré, donne-nous des nouvelles, n'hésite pas, puis dès qu'il se passe quelque chose, tu nous fais signe. Non, vous en faites pas, vous serez premier au courant. Eh bah merci à toi, Amaré. N'hésite pas à les vidéos. Merci aux auditrices de Skyrock. Salut Amaré. Salut Amaré. Il y a des meufs, elles veulent son Facebook ou savoir où te contacter. Vas-y, redonne ton ton adresse sur c'était quoi sur Viva. Il a pas Facebook, il a dit. Non mais sur Viva, c'était quoi ton nom? Amaré. Ouh, ben c'est Amaré, tu vas trouver, c'est Amaré en fait. Amaré. Cherche sur Viva Street, Amaré vont trouver quoi. Voilà, A M A. Vous pouvez pas le manquer. Vous pouvez pas le manquer. Ou alors sur Wannonce, c'est encore plus simple. Ah bah voilà. Sur Wannonce. Elle n'en sait pas là, il va te faire tous les sites de rencontre. Il est partout. Dans une heure, il va te dire les autres sites. Vous tapez le pilonneur, c'est bon. Amaré, son ramadan lillois. Salut Amaré, ciao. Ciao mec. Salut. Ciao ma gueule, bon courage Amaré. Salut à toi. Bisous. Merci. J'espère. Salut Amaré. Je vous aime tous. Et t'as pas peur comme toi aussi. Et t'as pas peur que ta femme te. Parce qu'il y en a qui nous dit ça là, mais sa femme va découvrir ça un jour ou l'autre. Vivement que tu te fais avoir, que tu te fasses avoir par ta femme, nous dit Momo. Ah, c'est un mec. Un jour, il va nous appeler, ma femme, elle m'a grillé, merde. Non, ça risque pas, elle est bien, elle est dans son confort, elle fait ce qu'il lui faut. Ah bah, quel ouais, mais bon, elle aime pas ça, bah, bon, bah, voilà, quoi, je vais. Non, mais fais attention quand même. Derrière, hein. Bah, elle aime pas ça, tu vas aimer. Fais alors, gaffe, quoi. La notoriété, putain, ça peut poser des problèmes. Demande à Nabila. Bah, oui. Eh, ouais. Salut, Amaré, raccroche pas. Ouais, mais ça va, je gère mon écoute couteau, ça va. Oui, c'est mieux. Salut, Amaré, ciao. La spéciale du dimanche soir, le meilleur de Difool. What the fuck? Jusqu'à minuit sur Skyrock. Soprano, dans moins d'une heure, il débarque dans la spéciale. L'arrivée également d'Alex Duvar qui a grillé son papa en train de se branler. C'est juste après le son de Mike Posner. I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older. But fuck it, it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove. I'm a real big baller cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad soul. Sad souls, darling, all I know are sad souls, sad souls. A reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no. Cause as soon as the sun comes up, I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me, never really knowing why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage and stuck up on that stage singing. Oh, I know our sad souls, sad souls. Darling, all I know our sad souls, sad souls. la spéciale du spécial de Difool. 21h minuit sur Skyrock. Alex de du Var, du 83. Je sais pas où t'es dans le Var, mais tu vas nous dire. Salut Alex. Toulon. Salut. Bonjour Alex. T'as 21 ans, toi, c'est ça? Ouais, ça là, c'est ça. Alors Alex, explique-nous ce qui se passe. On a décidé de te prendre en urgence parce que tu nous parles d'un truc qui t'est arrivé quand t'étais petite. Mais un machin, mais un machin qui t'a bloqué une partie de ta vie. Vas-y, raconte-nous. C'est sérieux, attention. Ouais, parce qu'en fait, quand j'avais 11 ans à peu près, je m'étais levée une nuit comme ça pour aller boire et j'ai vu mon père qui se branlait en fait devant la cam. Devant la cam. Ouais. Mais c'est-à-dire qu'en fait, il y avait quelqu'un qui le regardait ou il était devant l'ordi? On ne voyait pas la tête de la meuf, quoi. C'était bien positionné, quoi. D'accord, mais il n'était plus avec ta mère ou il était encore avec ta mère à l'époque? Ah, si, il est toujours avec ma mère et toujours au jour d'aujourd'hui. Ouais, bon, ça fait mal à personne, une branlette, mais bon. Ah, il y en a qui seraient jaloux, hein. Romano, par exemple. Voilà, mais enfin, à 11 ans, personnellement, déjà, la première chose que je me suis dit, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, tu m'étonnes. Mais mon papa, il est un gros zizi, il est tout dur. Ah, dégueulasse, ça, t'as vu. Mon papa, il est un gros zizi. Et t'as fait quoi? Tu lui as proposé un coup de main? Karim, dégueulasse. Non, mais est-ce que vous considérez que c'est trompé? Tiens, vous pouvez nous dire sur le 41-759 et sur l'appli. Pour moi, c'est trompé. Pour toi, c'est trompé, Alex. Non, mais attends. Ouais, parce qu'en fait, après, j'ai mené mon enquête, en fait. Au début, je suis devenue parano, dès qu'il partait au travail et tout ça, j'avais plus confiance en lui ni rien. Et du coup, j'ai piraté son ordinateur et tout ça pour voir si ça allait plus loin avec ses femmes et tout ça, en fait. Ouais, et alors, tu voulais savoir. Ouais. Et alors, je sais qu'il y en a une qui le rencontrait, donc oui, pour moi, c'est trompé, oui. Donc mais dans ton cas précis, tu me dis oui, c'est trompé. Mais admettons, par exemple, vous êtes chez vous, et puis vous chopez, tiens, Romano, tu chopes ta meuf, Cariole. Ouais. Très, très heureuse, jambes écartées sur une chaise avec le chien posé à côté. Ouais. Ah oui, qui ronfle. Vaut mieux que ce soit à côté. Et elle est en cam, et elle se montre comme ça, jambes écartées, et elle regarde un mec qui est en train de se branler. Ah, non, mais bien sûr. Et qui monte sa grosse bite. Non, mais moi, non, pour ça, moi, c'est pas possible. Si elle mate un film de cul, c'est pas trompé. Si elle chatte avec un mec, pour moi, c'est trompé. Je suis d'accord. Mais même si elle le voit jamais, je m'en bats les couilles. C'est moi, elle va pas montrer sa chatte au premier vu. Ouais, il y a un échange. Ouais, il y a un échange. Tu vois, une vidéo, je m'en bats les couilles. Je sais très bien que la personne qui est sur la vidéo, elle la verra jamais, elle parlera jamais avec. Ouais, là, il y a un contact humain. C'est-à-dire que derrière l'ordinateur, de l'autre côté, il y a quelqu'un. Ouais, elle excite un mec et tout. Ouais, ça, ouais. C'est possible. Ah ouais, non, c'est moi. Ah ça non, ouais, pareil. Tu vois, Alex, Romano et Marie, ils sont d'accord avec toi. Ah, ouais. Ah bah, ça me ferait péter un peu. Non, ça va. Alors, je suis pas toute seule à le penser. Non, a priori. Mais après, la masturbation comme ça, non. Clairement le pire, c'est que ça m'a bloqué, quoi. Enfin, maintenant, là, j'ai 21 ans, je vais sur mes 21 ans. Je sais qu'il le fait toujours au jour d'aujourd'hui, mais moi, ça me bloque envers mes relations avec mes copains, quoi. Ah, avec les mecs, tu veux dire? Et pourquoi? Ah ouais, je crois que ça avait bloqué par rapport à ton père, genre, tu n'osais plus. Mais ton père, le regardes par bizarrement. Par rapport à mon père, ça m'a bloqué aussi énormément. Enfin, je peux plus le regarder dans les yeux ni rien, même si j'ai déjà. En fait, j'ai gardé 8 ans de secret, j'ai rien dit pendant 8 ans. Oui. Et j'en ai parlé que cette année, Ah bon? À mes parents. Ah, aux deux? Ah ouais. Ah, mais t'as fait quoi? T'as fait, je sais pas, le repas du dimanche? Bon, allez. Allez, faut qu'on on a bien bouffé maintenant. Ben, c'est un peu ça, en fait. Ah ouais. J'arrêtais pas de lancer des piques à ma mère et tout. Du style? Ben, du style, jamais. Alors, la cocu, tu tiens la purée? Alors, la cocu de service? Mais sinon, papa, il en a de la purée, j'ai vu quand j'avais 11 ans. Ouais, cocu, mais content. Putain, mais attends, mais t'as tout dit? T'as dit que t'avais regardé dans l'ordi et tout ça? Ouais, après j'ai lâché le morceau parce que j'en avais marre de garder ça pour moi depuis 8 ans parce que ça me bloque beaucoup envers des garçons en fait. Mais ça a foutu la merde, non? Bah j'imagine. Ben en fait non, je me suis rendu compte que ma mère elle s'en foutait. Ah bah oui. Bon. Bah écoute, tant mieux parce que autrement tu peux foutre le bordel. Elle a des pots de saucisson devant les yeux quoi, Ah bah peut-être qu'elle fait la même chose, on va savoir. Peut-être. Peut-être c'est un couple libéré, on sait pas ce qu'ils font nos parents. Oui, exactement, c'est un couple, tu sais pas. Bah oui. Non, ou alors, putain, il y a des femmes, elles tolèrent, façon de parler, mais ouais. Tu vois, elles ferment les yeux sur le truc, c'est-à-dire qu'elles ont leur confort, leur mari va tirer de temps en temps à gauche. Elles ont peut-être plus envie de baiser. Et puis voilà, ça les arrange bien, chacun trouve son compte. Et ça n'empêche pas forcément qu'ils s'aiment. Ah oui, c'est vrai. C'est juste le mec qui va queuter à droite à gauche, quoi. L'histoire fait halluciner les auditeurs de Skyrock qui nous disent, tiens, Yuma, oh mon Dieu. Horrible de voir son père se branler. Ouais, ça c'est clair. Burka. Non mais ton père, bon après c'était la nuit, ok, mais il aurait pu quand même faire ça dans un endroit plus discret. Il était où, genre dans le salon, quoi? Bah ouais, sur son bureau, quoi. Ah ouais. Ah bah sur son bureau, il était chez lui. Car c'est pas très discret. Oui, non mais d'accord, mais quand t'as des gosses, c'est très bien qu'à un moment donné ou un autre, ils peuvent se lever. Je suis quoi. La plus grande, j'ai deux petits frères, un de 7 ans et un de 14 ans maintenant, donc moi je veux pas que mon frère de 7 ans, il voit mon père comme ça. en train de se branler. Bah écoute, toi t'avais 11 ans, t'es bien tombé dessus. Hein. Et toi maintenant tu bloques, c'est quoi? C'est parce que c'est l'exemple du mec? Ah ben moi maintenant j'arrive pas, j'ai 21 ans et j'arrive pas à passer le cap avec mes copains. Quoi. T'es sûr que ça vient de cette vision? Bah, mais oui. Ça t'a peut-être vraiment choqué à 11 ans. Ouais. T'as peut-être pas envie de voir. Je sais pas, enfin, moi c'est quoi que je me dis que ça m'a choqué, ouais, bah ouais, je sais pas. Mais Alex, c'est toi qui, c'est quoi qui t'a le plus choqué? C'est que le fait que ton père, entre guillemets, trompe ta mère ou que de le voir en train de se branler? De le voir. Ah, de le voir en train de se branler. Ouais, c'est quoi, donc maintenant ça bloque avec les mecs? T'as peur qu'ils se touchent la queue devant toi ou t'as peur qu'ils te trompent? Je sais pas, j'arrive pas à franchir le cap, quoi, des préliminaires. Mais aujourd'hui, quand on te dit que, enfin, je dis pratiquement, mais je pense que même, c'est même tous les mecs se masturbent ou pratiquement tous les mecs se branlent, tu trouves ça dégueulasse? Tu trouves ça sale? Bah, non, d'un côté, je trouve ça normal pour ceux qui sont célibataires. Tu vois, normal. Bah, tu sais, même quand t'es pas célibataire, tu te tires sur la nouille, hein. Ah, bah non. Ah, pour petite moi, nouille, mais. Quand t'es en couple, t'as pas le besoin normalement d'aller. Mais si. Enfin, si, bon, après, ça dépend, il y en a peut-être qui se démerdent après. Bien, attends, tous les mecs qui sont en couple ne font pas comme ton père, ne vont pas sur des chats de cul. Exactement. Montrer leur bite à des meufs, hein. Par contre, je pense qu'ils se branlent tous à un moment ou à un autre. Ah, bah, oui, et les nanas aussi, hein. Bah oui, hein. Et les nanas aussi, mais oui, allez-y, les filles. C'est vrai. Touchez-vous. Ma meuf fait ça, je la vire direct, nous dit le sang, là, sur SMS. Le câble HDMI de la PS4 qui nous écoute. Bonjour à toi, tu as 16 ans. Tu as un vieux câble HDMI de la PS4. C'est pas trompé, c'est juste un chat avec une personne qu'il ou elle ne verra peut-être jamais. Ouais, mais qui verra ou peut-être un jour. Ouais, peut-être, mais bon, moi je sais qu'il y en a une qui l'a vue, donc bon. Tiens, la PS4 maintenant. La PS4 du salon, 23 ans. Oui, c'est trompé. Il aurait dû se cacher. Dégueulasse de montrer ça à sa fille. Il n'a pas montré, il s'est fait choper, c'est pas pareil. Ouais, en fait, totalement d'accord avec Romano pour Uncut 92. Big up Uncut, 20 ans. Salut Uncut. Ouais. Tant qu'elle lui touche pas la bite, c'est pas trompé. Ouais. Il y a quand même les pensées et tout. Même, ouais. Et puis tu parles avec quelqu'un de réel. Ouais, que t'allumes et tout ça. Et non, mais puis tu vois sa bite, quoi. Ouais, c'est ça. Ou sa chatte. Ah non, mais moi je suis d'accord avec toi, c'est clair. Le papa, c'est une bite. Oui, mais il a vu une chatte, quoi. Ouais. Et alors, 555 qui nous fait, mais si tes parents sont échangistes, c'est leur couple. Ça ne te regarde pas. Oui, non, mais ça, c'est pas faux. Bah, a priori, c'est surtout ton père qui change de son côté. Florine, c'est mort pour moi, ça. C'est faire cocu. Ils sont libertins, tes parents, peut-être. Inquiète-toi pas, bon gars. Ouais, ça, tu peux pas savoir. Peut-être, ouais. Ta mère était peut-être déjà au courant à l'époque. C'est peut-être pour ça qu'elle a pas réagi grave. Et alors, pour le bilan, alors, on a un bilan Facebook, SMS sur les messages que vous nous laissez. Bon, ça continue d'évoluer, mais bon. On est à 73% considérés comme trompés. Ah ouais. Ouais. Ouais. De faire une cam sexe avec quelqu'un. Et 27% disent c'est pas trompé. Donc tu vois, tu n'es pas toute seule, Alex. Ouais. T'es loin d'être toute seule. Après, ouais, faut pas que ça te bloque. Moi, je pense pas que ce soit ça qui te bloque. Hein. Bah peut-être que si, Marie. Attends, c'est bizarre. Mais ça peut te traumatiser si toi ça te choque pas de voir la bite de ton père, puisque tu nous as raconté que tu l'avais vu à de nombreuses reprises. Plein de fois, moi. T'es pas en train de bander, pas en train de. Non, mais ouais, mais parce que Alex a 11 ans, ouais, ça toi. Ah non, mais ça, y a pas de souci. Mais après que t'arrives pas à passer le cap avec des mecs à cause de ça, 10 ans après, c'est. T'as pas envie de cul, ni de bite. Ni la bite de ton père. Encore moins, ouais. Mais quand t'en as parlé, ça t'a pas fait du bien, justement? Ça t'a pas libéré un peu? Ça t'a pas. Libéré! Libéré! Excuse-nous, Alex, vas-y. Parce que d'en parler, c'est vrai, ça fait du bien, logiquement. Je pensais que ça allait me faire du bien d'en parler, mais vu que mon père, il a trouvé des excuses et que ma mère s'est mis les pots de saucisson devant les yeux, Mais juge pas ton père, après, dans leur couple, tu sais, ils font ce qu'ils veulent, hein, il se passe ce qu'ils veulent, faut pas juger. Je comprends qu'on soit plus énervé, je sais pas, t'apprends que ton père trompe ta mère, t'as l'impression que c'est, qui c'est contre toi aussi, parce qu'il casse le couple et que c'est le couple de papa, maman, et ça fait chier. Mais au final, ils font ce qu'ils veulent et tu sais pas ce que tu feras. Non, mais c'est vrai que ça fait mal au cœur, quoi. Au cul aussi. Sans du tout de. Non, mais c'est normal que t'aies été choqué, je pense. Moi, je pense que tu devrais en parler à un, il y en a qui disent ça depuis tout à l'heure, que tu devrais en parler à un psy. Parce que si t'es bloqué, t'as 20 ans, tu vas avoir 21 ans, t'es bloqué, t'as toujours cette image qui te revient en tête. Tu vois, c'est normal sa réaction, tu vois, Romain qui nous envoie un message. Mais t'as déjà fait l'amour? Non, préliminaire. Ah non, jamais l'amour du coup. Ah non, et pourtant c'est pas l'envie qui m'en manque, hein, mais. Ah, déjà ça c'est un bon point, c'est pas l'envie qui t'en manque. Elle a raison, l'auditrice. C'est pas l'envie qui me manque, mais je sais pas, j'arrive pas à franchir le cap. Cette image de mon père qui revient à chaque fois, de dégoût en fait. C'est comme Marion, regarde, j'ai aussi vécu des traumatismes avec mon père. Dis-nous un peu de quoi il s'agit, c'est peut-être plus grave, j'en sais rien. J'ai un blocage avec les hommes maintenant, et elle a 21 ans, à peu près le même âge que toi, non? Ouais, mais après, ça dépend, de la gravité de ce qui s'est passé. Ouais, oui. C'est après, s'il y a eu des trucs dégueulasses. Mais toi, en même temps, c'est normal que tu bloques. Si à chaque fois que t'es pour faire l'amour, tu penses à la bite de ton père en train de se branler dans le salon. Ah ouais, c'est pas super. Tu m'étonnes que ça te coupe un peu, quoi. Ouais, mais ça va pas te donner envie, ouais. Du coup, t'as peur des sexes? De mec? Tu as peur des sexes. Bah ouais. Ben, je dirais, non, j'ai pas peur, parce que ça me, c'est pas l'envie, c'est ce que je disais, c'est pas l'envie qui me manque, mais, je sais pas, j'ai vraiment cette image qui me revient à chaque fois. Et le problème, c'est que, là, les copains que j'ai eus, ils ont pas la même réaction que... Ouais, ils disent, c'est pas grave, tout ça. Le problème, c'est qu'ils te disent ça aujourd'hui, ils ont ton âge, 20 ans, j'imagine, ils ont à peu près ton âge. Toi, t'as vécu ça, t'avais 11 ans, et donc c'est pas du tout la même chose. Ouais, c'est le premier sexe en érection que t'as vu, c'est ton père, donc c'est pas génial. Parce que quand t'en, oui, c'est pas super. C'est pas top. Non, mais puis c'est le cumul de tout, c'est la scène de le voir montrer sa bite à une autre femme que ta mère, plus qu'au cul. Ouais, voilà, tu vois, c'est un mélange de tout, je pense que ça a pas aidé, hein. Toi, Zaïd, il est comme toi, il a 19 ans, moi, je serais choqué, j'ai jamais entendu une telle histoire. Il y a Akuti, j'ai vu l'historique de mon père, il y avait presque que des film gay. Ah bah ça, oui, ça doit te faire bizarre aussi. Découvrir que ton papa il préfère les garçons. Mais enfin, bon. C'est un conseil qu'on donne. Pas cher. Non, un conseil. Mais pas cher. T'as jamais pensé à en parler à quelqu'un? Parce que tu sais, des fois, ouais, ça peut servir. Hein. Bah oui. Bah, j'en ai parlé avec mon cousin, mais il le prend plus à la rigolade. Non, mais genre un psy, tu vois. Non, mais un mec qui soit extérieur à l'histoire, tu vois. Le psy, ce qui est pratique, c'est que le mec, tu vas le voir, tu le connais pas, il te connaît pas. Il sait pas qui t'es, il s'en fout. Il écoute ton histoire, mais dis-toi, c'est que le mec. Il prend des notes aussi. Ouais, il prend des notes. Et il fait ensuite. Et après, le mec, il rentre chez lui le soir, il s'en bat les couilles de ton truc. Ah, t'es allé en voir un quand même. Ouais, je suis allée en voir un 3 ans après, à peu près, parce que je gardais le secret pour moi et que je le vivais mal. Je partais en crise d'anorexie et tout ça. Ah ouais, c'était à travailler. Ah ouais, putain. Et du coup, ma mère et mon père, ils ont décidé de m'emmener voir un psy, parce que j'arrêtais pas de leur dire, j'ai besoin de parler et tout ça, et j'arrivais pas, ils arrêtaient pas de me dire, mais dis-nous ce qui se passe, et je peux pas le voir. Et t'y allais quoi? T'y allais une fois ou il t'a suivi longtemps? Ben, j'y suis allée qu'une seule fois, et j'ai même pas eu le temps de parler, parce que il a pris en premier mes parents, dans le bureau, et après il m'a pris moi dans le bureau. Ouais, c'est ce qu'on fait en général. Et le problème, c'est que moi, j'ai pas eu le temps de parler, de placer un seul mot, qui m'a en gros dit que j'apprenais que j'étais adoptée, en fait, là, au même moment. Ah ouais, t'as eu plusieurs trucs qui t'ont travaillé. Ouais. Ah bah tu m'étonnes, ouais, y a eu un nombre de trucs. Non mais ce qui serait bien, ce serait peut-être de poursuivre ça. En tout cas, c'est ce que vous nous avez dit, hein, pour les. Bah, les thérapeutes, de toute façon, ça marche pas en une fois. Hein. Marie te conseillera un psychologiste, mais c'est vrai que c'est long, donc non, mais peut-être y aller. Hein. Quoi, c'est pas forcément super long. Hein. En fait, tout dépend. Enfin, il y a un déclic à un moment. Ouais, c'est que. Et rarement le premier coup. Ah bah c'est rarement en une séance que il faut y retourner. Il faut quand même que le mec apprenne à te connaître, et à ce moment-là, il va te conseiller de donner des méthodes pour que ça aille mieux. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est la spéciale du dimanche soir avec le meilleur de Difool sur Skyrock et avec l'arrivée de Soprano. Non, le job s'habille plus en Prada. Sopra qui est passé dans la radio libre de Difool, que vous allez retrouver avec Difool, Romano, Lamari, Samy, Karim et Cédricain. Soprano, c'est plus de 15 ans de carrière, il avait 18 ans à peine, il passait déjà sur Skyrock avec son groupe les Psychiatres de la Rime. Il prépare plein de surprises, un tout nouvel album qui s'appelle L'Everest et une grosse surprise également pour 2017. Il va tout vous raconter pour la suite de l'émission, la spéciale de Difool qui continue, le meilleur de Difool tous les dimanches soirs sur Skyrock avec du Collector en prépa. On va se faire l'année de Cédric et Romano, l'année de Clash de la Drague, résumé en 30 minutes, un hyper Clash de la Drague Collector, un truc de dingue, on s'est bien marré à le préparer, j'espère que ça va vous faire rire également, donc voilà, 30 minutes de Clash compilés les uns derrière les autres, à surtout pas louper. Cédric contre Romano, c'est juste après le son de Jul qu'on écoute tout de suite avec Emotion. Concert Skyrock. Yeah, yeah. Bitch, but I have my money. Vous l'avez attendu, le moment est venu. Rihanna, la tournée des stades en France avec Skyrock. Le 15 juillet à l'Alliance Riviera de Nice, le 19 au Grand Stade de Lyon, le 23 au Stade Pierre-Mauroy de Lille et le 30 juillet au Stade de France à Paris. The Anti World Tour avec Skyrock, avec la participation exceptionnelle de Big Sean en première partie. Les premières places sont déjà en vente sur livenation.fr. Plus d'infos sur rihannanow.com. Bienvenue sur Smax. Tu as créé ton profil avec une belle photo de toi. Niveau 1, franchi. Tu as reçu un Smax. Smax à ton tour. Vite. Niveau 2, franchi. Tu viens d'obtenir un double Smax. Niveau 3, franchi. Délivre la princesse de son célibat. Envoie-lui un message. PS, sois original si tu veux avoir une réponse. Sur Smax, c'est toujours toi le winner. Télécharge Smax. S-M-A-X. Avec Oasis et Orangina, c'est la Quick Cup dans les restaurants Quick. Repars avec un ballon de foot pour seulement 5 euros à l'achat d'un menu XL. Vite ! Quick, un goût de légende. Cup égale coupe. Offre valable du 30 mai au 11 juillet 2016. Liste des restaurants participants sur quick.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. samedi soir dès 21h. What the fuck? Difool est sur Skyrock. C'est Joule sur Skyrock. Rappé R&B non-stop. C'est Joule sur Skyrock. Rappé R&B non-stop. Je rêve de thunes de voyage. J'en ai besoin vu mon âge. Prenez des shorts dans le bagage. On va changer de paysage. Tête dans la lune, pieds sur terre. Je vois les oiseaux s'envoler. On dit souvent que c'est les gens plus bas de terre qui seraient prêts à tout donner. Je suis trop fort de caractère. Comme mes potes qu'on incarcère. Pour le stress, j'y mets du mien. Je vous attends devant la mer. Trop souvent, je me questionne. Est-ce que ma musique est bonne? Où sont passés les hommes? Les vrais, faut que je les raisonne. Je fais ce que je peux pour mes potos. Et ils font ce qu'ils peuvent pour moi. À tout moment je peux sauter. Je prends la vie comme un tournoi. Tu veux t'évader, partir de là. Alors imagine-moi. Je pense même plus à verser des larmes. Je fais que ta vie comme un chinois. J'envoie des sons. Nager dans l'eau, faut pas qu'on me laisse seul, je suis parano. Faut pas qu'on me laisse seul, même par amour. C'est la spéciale de Difool, le meilleur de Difool le dimanche soir et le meilleur de Cédric et Romano, c'est maintenant. Attention, clash de la drague, hyper clash de la drague collector. On a fait un truc, on a récupéré tous les appels de Cédric et Romano depuis le mois de septembre. On a compilé les pires appels les uns derrière les autres. Un clash de malade qui dure 30 minutes. Donc voilà, l'année de Cédric et Romano. On se fait ça maintenant. Je rappelle à tous ceux qui tweetent avec le hashtag la spéciale de Difool en réagissant. Réagissez bien à ce qui se passe sur l'antenne. On vous file des invites pour Conjuring 2. On vous retrouve sur Twitter et sur Yax. Hashtag la spéciale de Difool. Allez, le voilà, ce super clash de la drague, cet hyper clash de la drague. Cédric contre Romano, c'est maintenant sur Skyrock. Attention, attention, ils sont prêts à draguer tout ce qui bouge. Et quand on dit tout, c'est absolument tout. C'est le clash de la drague avec les deux meilleurs séducteurs au monde. Oui. Bonsoir, comment ça va? C'est qui? Eric. Eric, il est là? Eric, oui, il est là. Ouais, c'est qui toi? C'est sa femme? Oui. Ah, excuse-moi, chérie. Tu veux me passer Eric, s'il te plaît? Ouais, pas de soucis. Tu dis que j'appelle pour le défilé, là. Ok. Merci. Allô? Ouais, Eric, comment ça va? C'est qui? Ben, c'est Michel au téléphone. Je t'appelais, là, pour faire défiler ta femme, là, la semaine prochaine. De quoi tu me parles? Ben, j'ai mon pote, là, il fait un défilé, puis il lui manque 2-3 nanas, donc je pense à ta gonzesse. Ah ouais? Ouais, donc je voulais venir à la maison ce soir. Tu connais un petit peu comment ça se passe dans le showbiz? Ouais, viens, j'habite au 205. Ouais, je connais ton adresse, t'inquiète, hein, j'ai dit à tout ça. Hein. Ta gueule, écoute-moi. Où est-ce que je fais? Écoute-moi. Vas-y, écoute-moi. Je t'écoute. 205 rue de... Oui, ça je l'ai noté. Toulouse. Ouais. En France. Oui, je sais que c'est en France. Chez moi, puis je t'attends, connard. Non, mais ce que je fais, c'est que je vais imprimer le contrat, puis tu connais comment ça se passe dans le showbiz. On signe le contrat, après on fait l'amour. Ouais. Faut coucher pour réussir. Je connais ta teub, gros connard. Ah, tu vas la connaître, mon chéri. Viens devant chez moi. Eh, je pourrais faire l'amour à ta femme aussi? Ouais. Ah, faut que je la teste pour le contrat. D'accord. Allez, on vient. Ah ben j'arrive, nickel. Ah ben prépare-toi, mets-toi devant la porte, je suis juste à côté là. Ouais. Et t'es où? Bah, je suis à côté. Vas-y, sors dehors là. Ouais. Tu vas me voir. Allez, tu... j'arrive. Non mais sors là, tu vas me voir. Ouais. Je vais voir ta gueule et puis je te défonce ta gueule. Ah, et puis les fesses aussi. Ouais. T'es dehors là? Allez, on y va. Tu me vois là? Je suis là. Eh ben il va. Eric. Je suis là. Ah, ben, j'arrive. J'arrive tout de suite, hein. Bah, tout de suite, mon chéri. Quand il va sortir de chez lui à 11h. Eh, dis à ta femme de mettre un petit, une petite tenue sexy, là. J'arrive, hein. Ouais. Histoire que je sois excité. Allez, je suis devant chez moi, gros connard. Bah, je suis là au bout de la rue. Tu me vois pas, je te fais un doigt. Ah, écoutez, il est sorti. Ah, bah, viens. Ah, bah, je suis là. Coucou. Il est sorti pour de vrai. Eh, bah, j'arrive, mon amour. Je vais te faire un gros câlin. Ouais, bah, viens me faire un gros câlin. Ah, tout de suite. Bah, viens, je te défonce ta gueule. Ah, j'arrive en courant, là, tout de suite. Oh, là, tu m'excites. Allez, j'arrive. À tout de suite. Prépare tes fesses, à tout de suite, mon amour. Ouais, ouais. À tout de suite. Et voilà. Allô? Allô? Ça va? Ah bah ça va et toi? Bah ça va bien. Bon. Il est là, Fifi? Il est là, Fifi? Fifi? Ouais. Et moi je suis Fifi. Ah bah y a que toi, ma chérie? Ah bah ouais. Ah bah je vais venir te faire l'amour alors. Ouais, c'est ça, quand tu veux. Ah bah je vais venir te culbuter par tous les trous. Oh, putain. D'accord. Eh bah ce que je fais, c'est que j'arrive dans 5 minutes. Oh là. Ah ouais? Ma bite. Avec ta petite bite, t'auras du mal. Hein. Ouais, bon, t'inquiète. Je sais déjà que t'as une petite bite. Mais c'est pas grave. Moi, je pourrais t'enculer avec celle-là. Ah, je crois pas, non. Elle rentre partout. Ah, si, si, elle passe partout. Ce que je fais, c'est que j'arrive dans 5 minutes et puis on voit ça ensemble, ma petite chérie. Non, non, merci. Ah, bah si, t'as dit oui, c'est trop tard. Ah, non, les têtes de con, j'en veux pas. Ou alors passe-moi quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre? Non, ils sont pas intéressés par des abrutis. Ah, allez, bon, non, bon, je vais, écoute ce que alors je vais faire. Alors que les gens, ils travaillent. Ah, bah, ça, j'imagine. Ah, ouais, je viens de rentrer de travailler, toi, ça me fait. Ah, bah, voilà, peu, bah, je vais te détendre. Je vais te détendre un peu, ma chérie. Bah, tu travailles pas, toi? Non, non, non. Bon, si tu dépenses des sous à appeler les gens, bah, écoute, c'est bien. Ouais, j'ai forfait limité. Ah, bah, c'est cool. Qui font. Coûte ta vie, quoi. Ouais, bah, voilà, ouais. Bon, tu travailles pour moi, c'est pas mal. Ouais, bien sûr. Moi, bon, franchement, je profite de la vie. Bon, t'as une belle vie, toi. Tu te fais tellement chier dans ta vie que t'appelles les gens. Ouais, c'est ça, parce que je me suis dit, tiens, je vais l'appeler, elle, la copine à Fifi, puis voilà, voir avec elle. Je crois que tu galères un peu, là. La copine à Fifi, c'est qui, ça, Fifi? Bah, Fifi, c'est le mec que je devais appeler. Philippe. C'est Philippe. Ah, okay. Philippe. Philippe, comment? Fifi pour les intimes. Ah, je sais pas son nom de famille. Moi, tu sais, je l'ai rencontré au bistrot, elle est à moitié ivre. Impossible, y a pas de Philippe chez moi. Ah, bon, bah, écoute, je vais venir et puis je vais vérifier quand même. Bah, vérifie. Bah, je viens. Allez, et c'est qui l'abruti, là, qui rigole derrière? Ah, Cédric, je crois qu'on parle de toi. Ah, c'est mon porc domestique. On dirait un glouton, là, c'est moi, ma chérie. Eh, hey, je vais venir te faire un câlin, toi. Je sens que t'as besoin de faire un câlin. Je suis ta chérie, là, je crois pas, non. Ah, bah, oh, voilà. Si, mon amour. Bon, tu peux fermer ta gueule, merci. Bon, allez, j'arrive, ma belle. Ferme la tienne, parce que putain, ça prend une gueule. Super. C'est super. Mais c'est dommage parce que mon téléphone est filtré par mon gendarme. C'est dommage. Ah, bah, c'est bien. Bah, tu lui passeras le bonjour. Ouais, toi aussi. Voilà. Et puis, j'arrive. Ouais, voilà. Tu galères là. Eh ben, tout de suite, ma belle. Tu peux fermer ta gueule. Y a pas de soucis. Allez, bonne soirée. Allez, bisous, chérie. Allez, bisous de moi. Bisous de moi. Mouze, ah, t'as rien fait, bisous de moi. Pote. Eh ben, c'était super. Elle était super, la nordiste. Qui arrivera à séduire? On va voir. Allô? Allô? Ah, Dominique? Ouais, c'est ton fils. Ah, c'est le fils. Dis-moi, ta mère, elle est là ou ton père? Non, y a personne. Ah, y a personne? Non. Ok, parce que, bah, je voulais voir, bah, je voulais venir voir ta mère, en fait, ce soir. Non, y a personne. D'accord, ok. Bon, bah, tant pis, hein. Ouais. Bon, bah, merci, bonne soirée. Bah, demande lui son âge. Non. Bah, t'as quel âge, toi? C'était qui, là? Ouais, c'est un pote à elle, c'est Michel. Comment? C'est Michel. Michel. Ouais, et toi, ça te fait quel âge, là, dis donc? Moi, 18. Ah, 18? Oh, bah, c'est bon, t'es majeur. Allô? Oh. Ouais, tu fais quoi de beau ce soir? Rien du tout. Bah, justement, on pourrait se rencontrer, ça te dirait pas de faire une petite rencontre sympathique? Ah, mais t'es qui, là? Bah, je suis un ami de ta mère. Quoi? C'est Michel. Michel qui? Bah, Michel. Bon, on a pas l'occasion. Bon, on n'a pas eu l'occasion de faire connaissance, mais on pourrait faire connaissance, ça pourrait être sympa. Michel Drucker. Voilà, Michel Drucker. Allô? Ouais, quoi? Ouais, on peut se voir ou pas alors? Non, on peut pas se voir. Bah, j'ai envie de te voir, j'ai envie d'apprendre à te connaître un petit peu. Je sens qu'il y a un truc qui a passé entre toi et moi. Allô? Ouais. C'est qui là? Ça te donne pas envie de faire connaissance avec moi? Ah, bah, deux fois, quand tu veux. Bah, t'es écoute, où, là, je suis à côté, je suis là dans 5 minutes. T'es où? Ah, dis, t'es où là? Bah, je suis à côté, là, dans le GPS, j'ai tapé l'adresse que je voulais venir vous voir ce soir. Puis à la limite, je vais passer te voir toi directement, ce sera plus simple. Non, mais à la limite, dis-moi ton prénom déjà, parce que tu es là, t'es mort. Bah, je m'appelle Michel. Et puis Michel, déjà, c'est un nom de PD, vas-y. Bah, écoute, ce que je fais, c'est que je vais venir te voir, et puis je vais te montrer c'est qui. Ah, bah, dis-moi Michel, comment? Bah, je vais venir te faire des bisous, tiens. Déjà, t'as une voix de pute. Je sens que ce soir, t'as envie de me faire des bisous. Eh, gros gay, fais pas le malin parce que tes potes sont derrière. Ah, bah, non, mais je suis tout seul, je vais venir tout seul, hein, t'inquiète. Bah, tu vas venir tout seul, moi aussi je peux venir tout seul, y a pas de souci. Ah bah écoute. Prends ton malin, parce que l'autre, c'est quoi ton numéro? On peut l'avoir, y a pas de souci, d'accord? Ah bah écoute, dans 5 minutes je vais venir. Mais y a pas de souci, viens. Bah je vais venir, je m'appelle Michel, je vais taper à la porte. T'appelles Michel, tu vas faire quoi? Et puis bah je vais te faire des petits bisous par exemple, et puis après bah je pense que. Eh, pas le son, hein, tête de bite. Eh, je sens qu'il va se passer des trucs entre toi et moi, ce soir ça va le faire. Allez, garde-le tes potes, et prépare ton lit. Derrière. Non mais c'est ce que tu fais, prépare ton lit, fais ton lit, et puis bah, après je vais venir et puis on va se parler. Ta mère, il faudra qu'elle me rende son caleçon. Ah bah écoute, ma mère, il faudra qu'elle rende son caleçon. Non, tu t'es trompé là. D'accord, ok, ouais, super. Elle est sympa ta blague. Bah écoute, je vais te le ramener, puis à la limite, je te prêterai le mien si tu veux. Ramène-le, pas de soucis. Ok, bah écoute, fais ton lit, puis bah ce soir, on fait l'amour ensemble dans ton lit. Ouais, fais ton lit, bateau, prépare-toi, gros. Bah, je prépare, moi, je me prépare. Prépare tes petites fesses, j'arrive, je suis là dans 5 minutes. Fais le malin. Fais pas le malin, gros. Je sens que t'es excité. Je fais pas le malin, dans 5 minutes, je suis là, je te fais l'amour. Il le connaît. T'as même pas les couilles de dire ton nom. Je te dis, Michel, je suis là dans 5 minutes, je te fais les fesses. A tout de suite. Bonne chance. Allô? Allô? Frédéric? Oui? Oui, bonsoir, comment vas-tu? Ça va, c'est qui? C'est Jean-Louis à l'appareil. Jean-Louis? Un copain de ta bonne femme, elle est là ce soir? Attendez, j'entends rien parce que la télé là-bas. Elle est là, ta femme? Ma femme, elle est là? Ouais. Ouais, c'est qui? Moi, c'est Jean-Louis, là, parce qu'en fait, je t'explique, je me suis fait un piercing à la langue et je voulais venir tester ma nouvelle langue avec ta femme un peu ce soir, là. Donc, je voulais quand même te demander l'autorisation, si tu pouvais venir m'occuper un peu d'elle. Ah, c'est Jean-Louis, il veut s'occuper de toi, c'est lui. Ouais, donc je peux venir? Hein? Puis, je m'occuperai un peu de toi aussi. Bah oui, bien sûr, si je vais prendre une balle entre les deux yeux, y'a pas de problème. Ah, je préférais la prendre dans le cul, la balle. Hein? Je préférais la prendre dans le cul, si c'est possible. Bah oui, si tu veux, donne ton nom, ton prénom, ça va plus vite. Moi, c'est Jean-Louis, moi. J'arrive dans 5 minutes, je vais te faire des petites léchouilles partout avec ma langue. Ouais, et mon piercing, y a pas de problème, ouais. Et ta femme aussi, là. Ouais. Je crois qu'on va bien faire l'amour tous les trois ce soir. Ouais, bien sûr, ouais. Donc tu prépares le fusil, tu me mets une bonne cartouche dans le cul, et puis après on attaque, quoi. À tout de suite, alors. Ouais, c'est qui? Ça, comment vas-tu, ma belle? Ouais. J'arrive, là, moi, dans 5 minutes. Hein, c'est vu avec ton mari, ouais, on fait l'amour. Tu sais quoi? Moi, par contre, tu vois ton numéro de téléphone? Non, mais je te le donnerai tout à l'heure. Ouais, tu vas me le donner. Pendant qu'on fera l'amour, je te le donnerai. Bah, je te le donnerai quand on fera l'amour. Ouais, va te faire foutre. Tu vois ton numéro, par contre, il est donné directement au flic, là. D'accord, bah, tu leur passes le bonjour. Bah, de toute façon, je vais le dire dans 5 minutes, là. Tu viens dans 5 minutes? Bah, ouais, on va rigoler un petit peu. Bah, oui, on va faire du sexe aussi, ma belle. Ouais, t'es vraiment tabré dans ta tête? Ah, je vais te mettre ma langue partout. Viens tout de suite, regarde, je suis habillé. T'es déjà désolé. Et puis, plusieurs pompes, tu vas te prendre une gueule, puis là. Dans le cul! Dans le cul, je veux tout dans le cul. Ouais, il a dit dans la gueule. Ah, tu mets tout dans le cul? Ouais, tout dans le cul. Ah ouais? Ah ouais, bah prépare le beau fusil. Ah ouais, et ta mère a ta chim, peut-être? Ouais, mais elle va. Non, mais ce soir, elle viendra pas, par contre. Ouais, ça serait beaucoup de mère ce soir, je trouve. Ouais, moi, je suis pour Hitler, moi, les Arabes comme toi. C'est parti. Ah, bah écoute, je vais venir là tout de suite. Eh ben. À tout de suite, mon bon monsieur. Salut Bernard. Allô. Ouais, Bernard. Ouais. Ouais, comment tu vas? C'est qui là? Eh, c'est Jean-Louis, un copain de ta femme, c'est le marchand de vélo. Elle est venue m'acheter un vélo sans selle, mais je sais pas le diamètre de son trou du cul, il faudrait que je vienne lui mesurer ce soir. Ferme ta gueule, et connard, France, putain. Je vais venir dans 5 minutes là, moi. Ouais, bah viens, j'ai essayé, t'as une grande gueule, là. Et puis comme ça, je lui emmancherai le vélo dans le cul, moi. Ouais, bah, mais moi, j'ai fringué ta gueule, moi. Oh, bah, tu sais, j'ai pas peur de toi, hein. Tu sais, elle m'a montré une photo, petit gabarit, quand même. Hein. Bernard? Le marchand de vélo, j'ai enculé ta femme. Le marchand de vélo, j'ai enculé ta femme. Bernard? Ah, elle parle plus la grande gueule. Ah, mais on passe, hein. Allô? Allô Bernard, il va peut-être nous passer sa femme pour que tu puisses me donner son trou du cul. Allô? Ah, t'as rien serré. Ah, ah si, il m'a dit de venir. Il m'a dit de venir. Il a serré au moins aussi bien que toi sur le coup de fil d'avant. Hein. Ouais, mais mieux. Ah non, mais moi, gros, le mec, il m'a dit mieux. Mieux, j'irai pas jusque-là. Il m'a dit viens. Le mec, il m'a dit, il s'en foutait que je niquais sa femme. Moi, il m'a dit quoi? Viens, je vais m'occuper de toi. Et te rappelle. Ouais, c'est parti, hein, t'inquiète. Aide-toi. Tu sais, j'ai senti des débuts. Ouais, t'es qui? Allô Bernard? Allô? Ouais, Bernard? Et son fils? Ah, son fils, tu me repasses ton père, s'il te plaît? Ouais. Ouais. Attendez. C'est pour le vélo sans selle. C'est pour un truc avec maman. Ah. Non, mais dis-lui rien. Dis-lui rien. Dis rien. Ouais, ouais. J'ai peur que le fils te reconnaisse, faut faire attention. Voilà. Ah, ce serait bon, ça. Je vous passe. Merci. Non, c'est un peu de ma gueule. J'ai dit un peu de merde depuis tout à l'heure. Bernard, c'est Jean-Louis. Va te faire enculer, sale nègre. Oh. Enfin, qui perd après, il casse les couilles. Allô. Oui. Allô, bonsoir, Franck, il est là? Jérôme. Ah non, il n'y a pas de Franck. Ah, bah ça tombe bien, c'est Jérôme que je voulais, à qui je voulais parler. De la part? Bah de la part de Franck, c'est moi, Franck. Ah, c'est Franck qui demande Jérôme. Bah oui, ma chérie. Et voilà. Eh, je t'appelais pour ton cadeau de Noël. D'accord. Parce qu'en fait, on va faire un petit repas là avec des potes là pour Noël. Ouais. Et puis, on voulait t'inviter pour le dessert. Et puis après, après, on te fait ta fête. Allô? Allô, ouais. Ah. Jérôme? Oui? Ouais, je t'appelais pour la fête à ta femme. Pour la fête à ma femme? Ouais, on voulait lui faire sa fête là, tu sais, pour Noël. Avec des potes, on fait un repas, tu sais, entre mecs. Et puis pour le dessert, on aurait bien aimé se taper ta femme. Ah, mais elle est trop forte pour vous, les gars. Justement, on est à plusieurs, tu sais. Ben oui, mais vous êtes des rigolos. Ah non, ah. Moi, je ne suis pour rien là-dedans, hein, je vais te dire, quand même. On sera beaucoup, tu sais. Je pense que là, vous n'êtes pas à la hauteur, les gars. Ouais, si, justement, t'inquiète, là, on se prépare, là, mais pour les... Non, vous avez beau me dire... vous avez beau me dire, t'inquiète, vous n'êtes pas à la hauteur. Eh, ce qu'on peut faire, c'est... Par contre, la tienne de femme, tu peux peut-être la ramener. Il n'en a pas. Parce que au lieu de jouer au clown... Toi, demain, ouais. T'aurais peut-être l'air d'un rigolo. Non, mais ce que je peux faire, c'est venir à la maison ce soir. Parce que nous, moi, j'ai des potes, et on peut se la prendre et puis se la retourner dans tous les sens, mon gars. Et puis, je pense qu'elle aimerait bien ça, tu vois. je peux venir à la maison si tu veux. Et en plus, demain, toi, tu divorces. Elle est chaude. Elle te vire. Elle te vire tout de suite. Et Jérôme, tu veux que je vienne à la maison ce soir? Eh ben viens. Ah ben nickel, écoute, je vais venir, je vais occuper de ta femme. T'arrives là, dans 5 minutes t'arrives. Ah ben dans 5 minutes je suis là, je te fais une démonstration. Vas-y, tu me dis comment tu t'appelles et puis t'arrives. Ben je m'appelle Michel, enchanté. Tu t'appelles Michel, et ben alors t'es pas très balèze mon gars. Eh t'es quoi, je m'occupe de ta femme, je te fais une démo. T'arrives, vas-y, je charge mon fusil, tu vois, je reviens de la chasse, là, regarde. Tout est encore sur mon billard là. Tu fermes ta gueule, gros con. Tu fermes ta gueule, garde, charge mon fusil, la carabine, t'arrives. J'arrive, Jérôme, je m'occupe de ta femme. Ouais, t'arrives, eh ben viens. Je vais te montrer comment on fait l'amour à une femme. Déjà demain, je vais à la gendarmerie, puis on va essayer de te retrouver. Ah bah écoute, je peux venir tout de suite, hein, y'a pas besoin d'aller voir demain. Mais viens si t'as de la gueule. Ah bah j'arrive tout de suite. Si t'as de la gueule, si au moins. Ouais, au moins. Si t'as quelque chose dans le slip, tu t'amènes. Ah t'es excité, t'as envie de voir ce qui se passe dans d'accord mon slip, toi. Allez, t'arrives. Eh ben j'arrive excité, à tout t'arrives de suite. Et t'arrives avec tes copines et ta femme, hein. Allez, j'arrive à tout de suite, mon chéri, puis je vais te faire l'amour à toi et ta femme, et voilà. Et voilà quoi. Bam, bah je vais faire l'amour. Le mec, il est impatient de me voir. Mais l'autre, il veut te tirer un coup de fusil. Il est surexcité. Bah non, je lui dis, on va s'en servir. Il a envie de te canarder. Bernard. Oui, allô. Oui, bonjour Bernard. Oui, qui était à l'appareil? C'est Jean-Louis à l'appareil, un ami de ta femme. Oui. Oui. Ah oui, bonjour Jean-Louis. Oui, alors, elle t'a parlé de moi? Oui, bien sûr. Oui, dis voir, j'ai un petit souci là. J'ai perdu mon téléphone portable, j'avais des petites photos coquines de ta femme et des vidéos. Oui, et j'ai oui, je sais, oui. Oui, donc effectivement, je suis au courant Jean-Louis. Oui, ben écoute, figure-toi que moi j'en ai également de la tienne, hein. Ah ben très bien. Alors est-ce que je pourrais venir en... Attends, laisse-moi parler deux minutes s'il te plaît. Oui, je t'en prie. Oui, alors je vais venir en faire de nouvelles ce soir avec ta femme. Oui, ah oui, ça c'est bien, ça c'est une excellente idée. Voilà. Est-ce que tu amènes le champagne en même temps? Oh ben tant qu'on y est, petite bouteille de champagne. Oui, voilà. Je préférerais, hein. Ben, c'est nickel. Pas n'importe quoi, hein. Tu sais, je suis assez difficile. Est-ce que tu as du moum cordon rouge? Oui, j'ai du moum. Cordon rouge. Un petit rouge. Peu de lait. C'est du même, on dit. C'est du même. C'est du moum. Tu as du moums? Oui, du moum. Oui, moum, oui, oui. Oui, je vais amener du boum. Moum. Oui, et également du mouette et clando. Du mouette et. Du mouette et. Clando. Est-ce que tu as du whisky? Oui. Du whisky, oui. T'aimes bien. Bon, je viens, je fais mes petites vidéos, et puis je crois d'accord. Que. Toi, attends, écoute, je te remercie. En attendant, j'ai pu avoir ton numéro. Très bien, c'est nickel. Je suis bien content. On verra la suite qu'on va pouvoir donner. La suite, c'est que j'arrive là. D'accord. Eh bien, tout de suite. À tout de suite. Bisous. Et j'arrive avec le moum. Salut. Allez, tu fais quoi du coup? Marie, elle me dit qu'il faut pas faire la méthode du malin. Bon, t'es pas possible, le fuck. Ne l'écoute pas, elle est sous le fuck. Fais le fuck. Alors, on appelle qui au fait? C'est Julien. Julien. Allô? Allô, Julien? Oui. Ouais, bonsoir, comment vas-tu? C'est qui? Eh ben, c'est un de tes voisins, je m'appelle Michel. Michel? Ouais. Et je t'appelais là parce qu'aujourd'hui, là, ils m'ont fait un cadeau là au boulot, là, et mon frère, ils m'ont offert un god de double fuck. D'accord. Donc je sais pas trop quoi en faire ce soir, donc je me dis tiens, je vais appeler Julien, je vais voir si sa meuf elle est dispo, puis j'aurais pu m'amuser un petit peu avec elle. Et t'habites où? Bah juste à côté de chez toi. Ouais, d'accord. À deux minutes. Bah ta meuf je la connais un petit peu, tu sais, je l'ai déjà vue. Attends. Je l'entends derrière. Allô? Ouais. Bah fais-lui un bisou à ma chérie derrière. C'est qui? Bah tu lui dis que c'est Michel au téléphone. Ouais, mais je m'en fous, Michel. Quoi, Michel le beau gosse. T'habites dans quelle ville? Bah, j'habite à côté de chez toi, t'es sérieux ou quoi, mon pote? Non, mais je m'en fous, t'as un numéro secret, mec. Bah, écoute, ce que je peux faire, c'est que je peux venir dans deux minutes, je frappe à ta porte, et puis bah, tu m'accueilles comme il se doit. Non, attends, vas-y, attends. Eh, je vais quoi? Faire un gros câlin à ta femme. Ouais, je m'en fous, mais c'est quoi ton nom? Eh, de toute façon, elle a l'habitude, on m'a dit. Hein. Ouais, c'est ça. Bah, j'arrive là dans deux minutes. Oui. Ouais, ma chérie, excuse-moi. Ah. T'as ton mec? Ah, il y a longtemps qu'on s'est pas vu. Ah. Bah, je sais pas, ton mec, il a l'air un peu tendu là ce soir. Bah, non, mais eh, ça va peu ou quoi? Bah, écoute. C'est le numéro, non? Non, non, non, bah, c'est bien Julien, ton mec. Ouais, et moi, c'est comment? Bah, t'es ma belle, t'es ma chérie. Vas-y, moi, c'est comment mon prénom? Bah, j'arrive, ma chérie, je vais te faire un petit câlin. Non, vas-y, dis-moi mon prénom. Ah, je me souviens plus, j'avais noté ton numéro comme ça à l'arrache. Ah, c'est ça. Je me souviens, tu m'avais parlé de ton mec. T'as pas autre chose à foutre de ta vie, toi? Bah, écoute, je peux venir à la maison dans deux minutes. Non, mais t'es vraiment un pauvre con, quoi. Y en a autre chose dans la vie. Eh. Des choses bien plus graves. Alors, tu vas rentrer chez toi, tu fais ce que tu veux, tu fais chez qui tu veux, tu ne fais pas chier, t'es qu'un pauvre con. Ah, je vais te faire un petit bisou pour te remercier quand même de ta gentillesse. Je t'emmerde. Bisous, mon cœur. Je t'aime. T'as frustré de la vie, va pas te faire enculer. Bah non, moi ça va. Je te sens énervé, toi aussi, tout d'un coup. Putain, vous êtes non, un mais, couple énervé, quoi. Non, mais t'as rien d'autre à faire, sérieux. J'entends du monde derrière toi. Non, mais faut se détendre. Mais franchement, t'es qui? Tu prends un numéro de téléphone et t'appelles les gens comme ça? Non, non, c'est la télé, moi, j'ai un gamin qui dort. Eh, j'ai un gamin qui dort, j'ai autre chose à faire dans la vie. Hein. Eh, mais si tu veux, je vais te faire dormir, toi aussi, ma chérie. Je vais te faire un petit câlin, tu vas te coucher direct. Mais j'ai besoin de personne pour dormir, surtout pas de ta gueule. Bah, je te sens énervé. Eh, si ton mec il te fait pas bien l'amour, c'est pas ma faute. Mais qu'est-ce que t'en sais? Ben, mais ça c'est a toi l'air, qui a des problèmes, t'as des problèmes de sexualité pour parler. Mais non, t'as l'air aigri. Écoute, d'avoir un petit, tu veux que je te donne un numéro? Non, mais t'as l'air super aigri. Non, je suis pas aigri, franchement, je suis. Bon, là, écoute. J'en ai marre. Franchement, donne-moi ton nom, vas-y, donne-moi ton nom. C'est Michel. Mais Michel, j'en ai rien à foutre, Michel qui? Eh, écoute, ce que je fais, c'est que j'arrive dans deux minutes, je te fais un petit câlin. Mais non, mais viens pas, mais viens même pas, vas-y, mais bouge quoi. Je viens avec mon double fuck, hein, et puis bah, je te calme un petit peu, et après, je m'occuperai des fesses de Julien, tiens. Non, mais. Moi, je suis open, hein, tu sais, je suis. Mais moi, pas du tout, mais moi, j'ai pas besoin d'un grand culé comme toi, sérieux. Bah, écoute, je vais m'occuper de Julien, tu verras, après, ça va lui faire tout drôle. Non, je veux juste ton nom, vas-y. Bah, Michel. Vas-y, si t'as des couilles, donne-moi Michel, ton nom. Michel, Michel le beau gosse. Non, ton nom de famille. Bah, le beau gosse. Vas-y, vas-y. C'est comme ça qu'on m'appelle dans le milieu. Non, non, mais dans le milieu de quoi? Dans le milieu des échangistes. Dans le milieu des frustrés. Non, des échangistes. Bah, j'en ai rien à foutre, Jackie et Michel, là. Ouais, peut-être, ouais, c'est des amis à moi, eux aussi. Ah bah, ouais, tu veux, j'ai un tronçon god pour toi. Eh, oh bah, tu sais quoi, j'arrive dans deux minutes, Julien. Non, allez, bon, écoute, bah, je te remercie. Eh, repasse-moi, Julien, je t'embrasse, ma non, chérie. Non, non, non, passe une bonne soirée, voilà, écoute avec tes copains, on voit que tu t'éclates. Non, non, t'as c'est rien la télé. À faire. Bon, bah, j'arrive, mon cœur, hein, tout de suite, hein. Non, mais. Je sens qu'il y a une histoire d'amour, là, qui va naître entre nous. Non, mais franchement, franchement, là, j'hallucine, quoi. Franchement, on va faire l'amour. Quel Rutberg qu'on est. Eh, on va faire l'amour tout le week-end. Tu sais même pas dans quel Rutberg qu'on est. Ah, si, si, j'arrive dans deux minutes. T'es où là? Bah, moi, je suis juste à côté de chez vous. Non, à côté, y'a personne. Alors, vas-y, dis la rue de Berck où tu es, on verra. Si tu connais un peu Berck. Bah, moi, je suis au numéro 8. C'est vrai, t'es au numéro 4. Berck. C'est exactement ce que fait Romano la petite fois. T'es au numéro 4, c'est toi, c'est bien ça? Non, c'est pas père, nous, dans la rue de Berck. Bah, si. La vitre de l'impératrice, mec. Oh, bon, c'est pas très grave ça, vas-y, on s'en fout. J'irai voir Sissi si tu veux. J'irai lui faire un bisou, elle aussi. Ouais. À qui? Allô? Oui. Bon, hey, j'arrive dans deux minutes et je vous fais l'amour à tous. À allez. Tous les deux. Comme ça, je vous détends un petit peu, je vous sens un petit peu tendu là. Bah, je prends des préservatifs. Ouais, non, bah, mais, écoute, j'arrive avec des capotes. À tout de suite, mon chéri. Un truc, oublie notre numéro s'il te plaît. On a d'autres soucis, non, on a plein de notre téléphone. J'ai notre numéro. Je coupe le téléphone. Mais arrête. Arrête. Quoi faire? C'est coupe le téléphone. Et puis, ben, j'arrive te faire un câlin. Comme ça, tu seras détendu. Tu passeras un bon week-end. Bisous, ma chérie. J'arrive. Bonne chance, Cédric. Bonne chance à toi. Montre-nous de quoi tu es capable. Allô? Ouais, Bruno? Ouais. Ouais, bonsoir. Comment vas-tu? C'est qui? Ben, on se connaît pas encore, là. Je t'appuie justement parce que je voulais faire connaissance avec Angélique. Et, je voulais te ramener, là. Je cuisinais des saucisses. J'ai une nouvelle recette et je voulais vous faire goûter ça. Je pourrais pas. Qui, pareil? Ben, je m'appelle Michel. On se connaît pas encore. Et j'ai croisé Angélique la dernière fois, j'aurais bien aimé faire sa connaissance. Ah bon? Ouais, je peux venir te voir ou pas? Ah non, je vais aller me coucher, moi je travaille de bonne heure demain. Ah bah écoute, va te coucher, puis à la limite, dis à Angélique qu'elle m'ouvre la porte, je vais faire connaissance avec elle. Ça sera plus sympa si t'es plus là en plus. C'est qui toi? Bah justement, on va faire connaissance ma chérie. Salut Angélique. Ouais, bien sûr. Bah écoute, j'ai envie de te connaître, t'as l'air sympathique comme femme. Ouais. Je t'ai vu la dernière fois, je t'ai trouvé très sexy. Je me suis dit, tiens, je vais l'appeler et je vais faire connaissance avec elle. Mais je te connais pas, moi. Bah justement, on va faire connaissance. En plus, ton mec, il veut aller dormir. Donc vas-y, laisse-le aller dormir. Et puis toi et moi, on va parler un petit peu ensemble. Non, mais tu te fous de ma gueule ou quoi, toi? Et puis bah, si ça se passe bien, on dormira ensemble. Ouais, bien sûr. Et je sens qu'on va passer... Non, mais tu veux que je porte plainte? Bon, peut-être pas, non, ça sert à rien. Ouais. Pour faire connaissance, y a pas besoin, tu sais. Ouais, bien sûr. Bah je te propose de venir dans 3 minutes. Est-ce que ouais, ça bien sûr. Bah écoute, je vais venir en 3 minutes. Dis à Bruno qu'il aille se coucher. Bah viens, puis j'appelle les flics. Bah écoute, s'ils sont là. Ouais, bah allez, va te faire foutre, connard. Plus on est de fous, plus on rit, j'ai envie de te dire. Voilà. Allô. Voilà, va te faire foutre, connard. Je crois qu'elle est partie. Voilà la fin. Putain, ils sont tendus, ça. Ah oui, Cédric, tu les énerves. C'est la musique pour. Ah. Comment il s'appelle, Bruno? Allô, Bruno? Ouais. Ouais, comment tu vas? C'est qui? C'est un voisin, là, c'est Jean-Louis à l'appareil. D'Ivoire, t'as bien une femme, toi? Jean-Louis? Ouais, t'as bien une femme? Mais Jean-Louis, comment? Mais non, mais attends, je te dirai après, t'as bien une femme? T'as bien une femme? T'as une femme ou pas? Allô? Un être vivant avec des seins. Allô? Comment il s'appelle? Ouais. Ouais, Bruno. Bon, d'Ivoire, parce qu'en fait, je t'explique, j'ai trouvé sa culotte dans la rue, elle marchait devant moi, elle l'a perdue. Oh. Et, ouais. Et je voulais lui ramener ce soir. Et puis, bah viens si tu veux, y a pas de problème, je t'attends là. Bah je viens et puis j'espère quand même qu'elle me fera au moins une fellation pour me remercier quoi. Bien si tu veux prendre une balle dans la gueule, t'es au con. Non mais dans le cul je préférerais. Ouais. Ouais. Donc c'est qui le PD qui m'appelle là? Moi c'est Jean-Louis. C'est Jean-Louis. Ouais, le PD. Jean-Louis, tu vois, moi je t'encule, connard. Ah bah très bien, bah c'est ce que je voulais. Bon bah j'arrive dans 5 minutes parce que le menu. Bah quand tu veux, si t'as des couilles au cul, tu vas voir. Ah bah toi tu vas en avoir une paire de couilles au cul, ça va être les bah, miennes. Bien, tchou, on va voir. T'es avec le branleur de ton espèce, tu vois ce que j'en fais moi. Ta femme, tu lui dis de se laver un peu la minette et puis les dents pour. Ouais, tu vas voir. Toi tu vas te laver tes dents. Il va être tout rouge, ta gueule. Mon cul aussi. Eh bien, hein. Espèce de gros bâtard. Il est super, lui. Hein? Non, parce que moi, ta femme, franchement, je l'ai vue, elle avait un bon petit cul dans la rue. Hein. Ah, c'est bien, elle a un beau petit cul. Hein. Viens là, espèce de connard. T'as que de la gueule, t'es vraiment une espèce de bougnoule, toi, pour téléphoner, tu te planquer de loin. Y'a ça, c'est un mec courageux. Ben. Si t'as des couilles au cul, viens que je te fasse ta tête, moi. Ben, comment ça s'appelle Jean-Marie, lui, non? Ah, y'a allô? T'encules. Oui, bah. Attends, tu me diras ça en face. Bravo. Voilà. Non, y'a pas de nul, hein! Bah, c'est pas un serrage, il veut taper. Tu peux craquer sur la fin. C'est marrant, au mot bougnoul, tu t'es levé, Karim, mais. Oh, ah, ça m'a fait rire. Comme si le PSG marquait un. À ce moment-là, le mec avait la voix de Jean-Marie Le Pen. Il tu veux pas le rappeler? Je lui dis salam alaikum. Vas-y, on fait ça, c'est bien ça. Vous voulez qu'on parle en arabe? Non, je t'introduis. Vas-y, et moi je parle en arabe. Ouais. Parle-lui direct, gros. Alors, rappelle Bruno. Ouais, Bruno. C'est Bruno. Attends, je t'introduis. Vas-y. Je pense qu'il va plus répondre. Il est en train d'attendre dehors. J'espère qu'il va répondre, Bruno. Bah, on espère aussi. J'espère aussi. Ah bah oui. Tout le monde attend que Bruno. Bruno. Bruno. Allez Bruno, viens. Ah oh, comment il a craqué. Viens copain. Ah ouais, tout ça. Ils sont emportés. Allez Bruno. Le mec il est. Feignant. Allez Bruno. Feignant. Ouais. Viens un petit peu là. Mais je vais venir. Viens un petit peu feignant. Mais ça te dérange pas si je viens avec mon copain Karim? Ah non, salam alaykoum. Parce que ton numéro même si tu sois marqué indisponible sur mon téléphone, ils vont t'en rechercher, petit con. Ouais. Ouais, non mais je vais venir de toute façon, mais je peux venir avec mon copain Karim. Oh merde. Ah putain, merde. Feignant. Merci, allez, merci pour tous les soutiens, retenez-vous pour les votes. Tu pourras me dire merci, Cédric. Bah merci, oui. Vas-y, ma gueule. Il est grave. Ah mais t'as sous, tu marches pour l'autre. Mais je marche, mais t'es pas de rien. Allô d'abord. Allô Jean-Pierre. Jean-Pierre. Jean-Pierre. Et voilà. Ah, il parle pas. Bah, non, mais tu l'as foiré. Non, non, j'ai pas foiré. Mais si, t'étais en train de bugler mais pendant que t'as raconté ta vie, là. Vas-y. C'est qui, là? Jean-Pierre. Ah, Jean-Pierre, comment ça va? T'es qui, toi? Bah, c'est Cédric. Je voulais venir à la maison pour te faire l'amour. Ouais, mais moi, je te fais la. T'as plein de gueule dans ta tête, moi. Ah, bah, écoute, ce que je fais, c'est que je vais venir à la baraque. Bah, viens à la baraque, moi. Bah, je vais venir et puis je vais faire l'amour à toi et à ta femme, tiens. Ben viens, je vais te casser la gueule, moi. Parce que je l'ai croisé tout à l'heure et je peux te dire qu'elle me regardait bizarrement, la coquine. Je chantais qu'elle voulait faire l'amour. C'est qui, toi? Ben, c'est Cédric. Dis-lui, c'est Cédric le beau gosse. Ouais, c'est Cédric le beau gosse. Mais moi, je t'en fous dans ta gueule, moi. C'est en plus, le dans les fesses. Et à cette heure-ci? Oui, à cette heure-ci. Je connais pas, mon vieux. Hein. Eh, y a pas d'heure pour faire l'amour, mon chéri. Y a pas d'heure. Mais je vais te casser ta grande gueule, moi. Ah ben, je vais te casser les fesses, moi. Ah ben, tu viens? Ah ben, j'arrive. Et je t'attends. Eh, tu pourras me faire les fesses, toi aussi? Mais moi, je vais te foutre autre chose, moi, dans ta grande gueule, moi. Ah, ce que tu veux, mon amour. Et t'es qui, toi? Bah, je te dis, c'est Cédric. Cédric, bah ouais. J'ai l'impression que t'es troublé, Cédric, là. De n'importe qui. T'es un peu troublé, là, mon chéri. Non, je suis pas un peu troublé. Mais moi, je vais te faire ta fête, moi. Ah bah, génial. Ah bah, j'arrive. C'est exactement ce que je voulais. Ah bah, écoute, on va faire l'amour toute la nuit, mon amour. Bah, non, on fera pas l'amour, mais je vais te foutre des poings dans ta grande gueule, moi. Bah, moi, je vais faire l'amour à ta femme. Dommage. Je vais faire l'amour à ta femme, moi. Tu crois dans une. T'es qui, toi? Bah, je t'ai dit, c'est Cédric, putain. Ouais. T'as du mal avec mon prénom. Mon cul, ouais. Tu sais même pas dire ta vérité. Ah, Cédric, ton cul, oui, si tu veux, ouais. Ah, bah, j'arrive dans ton truc bal. Mais j'arrive dans ton truc bal. Je lui dis que t'as cassé ta grande gueule. Ah, je vais. chérie, je vais te faire l'amour, ça va te calmer. Ouais, mais moi, je vais te faire autre chose, moi. Ça va te calmer. Je te ferai l'amour toute la nuit. Pourquoi il veut pas te faire l'amour? Allô? C'est qui, toi? Dis-moi la vérité en face, espèce de trou de cul, va. Trou de cul, je m'appelle Cédric, moi. Il a un gros trou de cul. T'appelles Cédric dans mon cul, ouais. Ah ben, Cédric dans ton cul, si tu veux, j'arrive, génial. Ah ben, viens. Ah ben, j'arrive dans ton cul, à tout de suite, alors. Non, viens directement, mais j'ai pas peur de toi, moi. Ah ben, j'arrive tout de suite, t'as des capotes? J'ai autre chose que des capotes, moi. Bah écoute, je vais ramener des capotes, hein. Et puis, je m'occuperai de ta femme. Non, ramène pas des capotes, tu peux ramener des chambrières aussi. Ah bah, chambrières. On va faire ça avec des capotes, hein. Ouais, mais t'inquiète pas parce que t'es suivi, parce que moi, sur Belgacom, j'aurai ton numéro. Ah bah écoute, j'arrive comme ça, je vais te donner mon numéro. Viens. Ah bah, j'arrive tout de suite, mon amour. Et je t'attends, hein. Ah bah, prépare tes petites fesses, hein. Intérêt, hein. Ah bah, intérêt, oui. À prendre des gens avec toi parce que moi, je te tue. Ah non, moi, je viens tout seul, je vais te faire l'amour. Peace and love. Mais moi, je vais faire autre chose, moi. Peace and love, mon chéri. C'est dingue, il veut pas te faire l'amour, même si. Ouais, il a dit en ton cul, ta gueule. Mais tu vas l'avoir. Quoi, trop de cul? Dans tes fesses? Ouais, mais moi, je vais te foutre autre chose, moi. J'ai une 26 de long, moi. Tu vas voir. T'es un peu prétentieux, quand même, hein. 26 de long, tu te la racontes un peu, quand même, hein. Ouais. 26 cm, elle est grosse, hein. Moi, je vais faire taper. Ah bah, tout de suite, chéri, j'arrive. Ah, je te dis, on va faire l'amour toute la nuit, c'est bon, ça. À tout de suite. Allez, à tout de suite, chérie, j'arrive. Je t'attends dans 10 minutes, tu sois là. Ah ben, dans 5 minutes, je suis là, mon cœur. Viens, et t'attends. Je vais te faire ta fête. Ben, moi aussi. Ah ben, génial, à tout de suite. Ne t'inquiète pas, ta fête, ça sera fait. Ça, c'est sûr et certain. À tout de suite, chérie, j'arrive. Et bouge tes couilles. J'arrive, à tout de suite. Ah, tu vas me sucer les couilles, bouge c'est génial. Bouge tes couilles. Je vais les bouger, je vais... Allez, bouge-les, man. Je vais te flageoler le visage avec. Ah ouais, tu parles sur des sonneries. Allô? Oui, allô? Oui. Oui, c'est la copine de... De Grégory? Oui. Oui, Grégory serait disponible, s'il vous plaît? De la part? De la part de Pamela, c'est personnel. C'est sa maîtresse. Allô? Oui. Tu me le passes, s'il te plaît? Déjà, d'une, tu me connais pour me tutoyer? Déjà, tu vas me parler sur un autre ton, tu t'es pris pour qui, toi? Mais d'où elle sort, celle-là? D'où elle sort? Moi, ce soir, je vais venir voir Grégory, alors tu fais pas chier, tu rentres chez toi. Et puis... Allô? Et puis tu vas aller... Hein? Allô, ouais? Oui. Oui, Grégory. Oui. C'est qui celle-là là qui est chez toi? C'est qui celle-là que j'ai? C'est quoi cette connerie? Moi j'arrive dans 5 minutes. Moi je comptais faire l'amour avec toi, donc elle dégage et rapido, hein. C'est quoi cette connerie, quoi? Tu peux me la repasser s'il te plaît, que je m'occupe de ça. Mais nique ta mère, t'es qui toi? Ouais, attends, tu vas te calmer déjà, tu vas me niquer moi et après peut-être ma mère, ouais. Rends ta gueule, allez. Rends-le, espèce de pute, toi, t'as l'air qu'il est là contre ta mère. Hein. Dis donc, tu veux que je débarque dans 5 minutes? Mais nique ta mère, allez. Non, mais t'as autre chose à dire, je viens dans 5 minutes et on va voir ce que tu vas niquer. Bravo, Pamela. Ça mérite un... Oui. Et même Marie encourage Pamela. Marie, tu comprends rien au cas. Non, mais le mec m'a fait rire. Non, est-ce qu'on peut le rappeler juste une fois? Je ne l'encourage pas. J'aimerais bien que Pamela reparle avec la meuf. Juste pour le plaisir. Elle va se sentir bouillante, elle va se traiter. C'est une vraie loubarde, Pamela, nous dit là. Non, mais attends. Alors... Oh, écoute-moi bien la côte de ta mère. Viens, je te pète toutes les dents. Ferme ta gueule, sale pute. Ferme ta gueule, t'as vu l'air qu'il dit, il y a ma fille qui dort. Alors tu vas fermer ta gueule et tu vas niquer ta mère. Est-ce que c'est clair là? Est-ce que si tu es, je te prends, je te pulvérise. Est-ce que c'est clair? Ah oui, pulvérise-moi la nuit. Ferme ta gueule, espèce de putain. Mais passe-moi ta meuf là, elle a peur. Bravo Pamela et encore un. C'est la spéciale du dimanche soir avec le meilleur de Difool sur Skyrock. Le bouquet final avec l'arrivée de Pamela dans cet hyper clash de la drague. On s'est refait l'année de Cédric et Romano pendant 30 minutes avec leurs meilleurs et pires appels. 22h32 pratiquement. C'est à vous de voter. Qui va remporter cet hyper clash de l'année? C'est à vous de décider, à vous de voter. Tiens, je rappelle que pour tous ceux qui votent sur Yax et sur Twitter avec le hashtag la spéciale de Difool, il y a des places à gagner pour le nouveau Conjuring 2 à mater dans le ciné de votre choix, des places par deux bien évidemment. Donc c'est parti, vous votez Cédric ou Romano. Pour voter, il y a l'appli Skyrock, vous passez par la petite enveloppe qui est tout en haut à droite de l'appli. Big up au petit Hug, hein, qui dit vous gérez les mecs. Bah je suis content que c'était plus mon petit Hug. Donc allez-y, hein, Cédric ou Romano, vous passez par l'enveloppe qui est tout en haut à droite de l'appli Skyrock. Vos votes également par SMS, le 41 7 5 9. Vous pouvez passer par le net skyrock.fm et puis vous pouvez tweeter et y axer vos votes aussi avec le hashtag la spéciale de Difool.

is what you came for. Lightning strikes every time she moves. What You Came For de Riri Rihanna. On est à J-20 de l'arrivée de Rihanna en France. Elle sera le 15 juillet du côté de l'Allianz Riviera de Nice. Elle va passer par Lyon, au Stade de France à Paris-Saint-Denis et au Stade Pierre-Mauroy à Villeneuve-d'Ascq. Tournée, événement Skyrock, à Bob du 29 qui veut des invites. Les invites, elles sont dans la roulette. Peut-être que ça va tourner d'ici à la fin de la spéciale. Peut-être cette nuit d'Oreille Suprême. Ce qui est sûr, c'est que ça tournera également demain matin dans le Best Morning, la première du Best Morning demain matin entre 6h et 9h. 3-0 pour les poteaux belges. En plus, ça fait plaisir. C'est un auditeur de Skyrock qui a marqué. C'est Eden Hazard qui nous écoutait beaucoup quand il jouait à Lille. Donc voilà, big up à Eden et big up aux Belges qui mènent 3-0 contre la Hongrie. Un autre Belge à retrouver maintenant, Cédric le Belge, avec un Marseillais, Soprano, Sopra, Soprane Baba, à retrouver dans la spéciale de Difool. Soprano, salut Sopra. Ouais, ça va l'équipe. Ça va, Sopra, quoi de neuf? Ça va, impeccable, tranquille. On était en train de chercher qu'est-ce que tu pouvais nous offrir comme cadeau. Alors, on a fait une petite liste avec les auditeurs de Skyrock. Regarde les messages qui défilent depuis tout à l'heure. Alors, il y a quoi? Alors, on nous a dit, Romano a commencé à ouvrir le bal. Hein. Romano pense que tu vas nous offrir 100 000 euros. Non, quoi, à moi? 100 000 euros, à juste moi. À toi? Juste à toi. Ouais, je sais pas pourquoi, comme mais c'est un cadeau. Ah, je sais pas, je vais réfléchir. Ouais. Bah réfléchis bien. Réfléchis bien. Après, c'était quoi la liste? Il y avait quoi? Après, on nous a dit, il va arriver avec un nouveau titre. Il arrive avec un extrait de son nouvel album. Il va racheter l'OM. Il va racheter l'OM et en faire enfin une équipe de foot. Un euro symbolique. On est proche, le truc de l'OM, on est proche. Proche d'un accord proche, ouais, ça se rapproche. Voilà, il y a tout le monde qui va bander. Comment il va racheter? Qu'est-ce qu'il a? Putain, merde. Non. Il va annoncer le transfert de Mandanda au PSG, c'est ça la grande nouvelle, nous dit Julien. Alors là, je serais même pas venu. Voilà, je serais même pas venu, c'est impossible d'être. Ah, Mandanda, c'est comme le pape à Marseille. Jamais. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez? Nouvel album des psychiatres de la rime, un extrait de l'album des psychiatres. Non, moi, j'ai pensé à ça, mais je me suis dit, il serait venu avec les autres psychiatres. Ouais, je suis revenu avec les psys, et en plus, à Londres, ils viennent sortir le disque il y a pas longtemps. Tu sais, ta place, il y a quoi? Il y a quelques jours. J'ai vu les photos. T'as pas entendu le duo que j'ai fait avec lui? Alors, je t'explique, à un moment donné, j'ai écouté, mais je sais pas pourquoi mes oreilles ont sifflé. Non, attends, même lui, il a kiffé. Même lui, il a dit que c'était super bien. Ouais, il a kiffé vite fait. Non, il a dit que c'était bien. Il avait picolé. Même toi, Samy, il avait bu aussi, tu vois. Ouais, mais bon, il t'a dit c'était bien, il t'a pas dit c'était de la bombe. Ça veut dire. Non, il a dit franchement que c'était super bien par rapport à ça. C'est de la politesse. Quand tu as vu, quand tu dis à quelqu'un, c'est bien. Bon, vas-y, je vais rester avec lui directement alors. En fait, c'est un gros mytho quoi. Non, c'est quelqu'un de poli. Voilà. Et de bien élevé. Et bien élevé. Alors, tu vas signer à l'OM pour remplacer Mandanda, nous dit Malik Baba là sur SMS. Non. Avoue-nous, tu vas supporter le PSG, c'est bon? Jamais de la vie. Avoue, t'as ta carte d'abonné. Jamais de la vie, ça c'est. Ça m'étonne de toi. Je tenais à préciser un truc quand même. Samy, tu vas m'accorder ce petit moment. Je sais pas, à un moment donné, il y en a un, il est supporter de Saint-Etienne. Oui, c'est moi. Avec un briquet. T'as vu? Je vais lui dire pareil. À un moment donné. Qu'est-ce qu'il dit il y a 10 minutes? Mon briquet du PSG fait son effet. Quelque chose. Il fait son effet, c'est que je l'ai acheté, j'ai pensé à Samy. Tout j'ai dit à sa famille, ses collègues ou quoi, ils vont avoir honte. Ah ouais. Je me suis dit, Samy est à côté de moi, il va supporter ça. Je l'ai vu en plus, il était posé là. Je fais, c'est quoi ce truc? C'est mon briquet du PSG. Il le met juste à côté de toi. Provoque les gars. Non, déjà de 1, faut préciser, il y a 3 trucs. Je vais annoncer 3 trucs. Ah, il y a 3 surprises. Il y a 3 surprises. Ouais. Il nous appelle, encore il nous offre mieux. 1500 euros, mais que pour les Marseillais, nous dit Enzo. Non, c'est pas ça. Mieux que ça. Alors, 3 surprises. Tiens, moi j'ai une petite surprise avant que tu nous annonces les tiennes de surprise. Ouais, dis-moi. Écoute, c'est quelqu'un qui te kiffe, qui est vraiment fan. Tu me dis si tu le reconnais, lui aussi il a une voix un peu particulière. Allez, mon Soprano, je le trouve bien mignon. qui c'est qui te trouve bien mignon? Qui c'est ça? C'est un soir dans l'équipe, on parlait de sons, des rappeurs et de ceux que Marie trouvait mignons. Et là, il y a quelqu'un qui est intervenu. Écoute. Il va peut-être plus te regarder pareil, en effet. Ah, parce que j'ai regardé des vidéos sur YouTube, là, j'écoutais les sons, je suis tombé sur le visage de Soupam, parce que là-bas, il est bien beau. Il est bien beau. Il est bien beau. Avant de dire, parce que je passe savoir c'est qui, juste, je veux qu'il bouge, il faut pas qu'il soit devant moi. Il faut qu'il soit de l'autre côté. Ça tombe mal. Il va me regarder dans les yeux, moi aussi. Bien sûr, je vais plus le regarder pareil maintenant. Alors, c'est qui? Ah, bah, pas non plus à me branler sur lui, mais. Ça ne peut être que Romano, ça. Bonne réponse. Ça ne peut être que Romano. Non, mais pareil, Calonzo, moi aussi, j'étais bourré ce jour-là. Écoute. J'ai vu Soprano, bah je le trouve bien mignon. Ah putain. C'est mignon, dis donc. C'était bien lui. Bah, il vaut mieux ça que je dise que t'es dégueu. Hein. Oui. Oh, putain. Non, mais t'inquiète, il n'y a rien de sexuel. Non, non, je sais. C'est comme quand tu regardes, je sais pas moi, un truc que tu trouves beau. Ouais, ah, voilà. Et là, c'est gentil, Soprano, tu dis ça en me regardant. Ça va, il va pas regarder ses trucs. Comment il s'en va des fleurs. Ouais, ça va. Tu s'en des fleurs tranquilles. Sérieux. Alors, vous êtes plein à vouloir parler à Sopra. On va prendre. On va découvrir les surprises dans un instant. Est-ce que tu peux nous en annoncer une? Ouais, au moins il y a trois surprises. Dans tout ce que j'ai entendu, il y a du vrai. Ah, c'est le PSG. Pas tout, mais il y a du vrai. C'est le PSG, tu supportes le PSG. Non, ça c'est jamais. C'est pas ça? Ça c'est jamais ça, mais j'ai même pas besoin de me justifier ça, on sait que je sais jamais ça. mais c'est un rapport. Tiens, nous aussi on a une petite surprise pour toi. Avant que tu nous présentes tes surprises à toi, ouais. Écoute bien. C'est un petit appel. Je sais pas si tu l'avais peut-être entendu, on t'avait passé ça. Tu sais, quand on fait les réveils de stars le matin, tu étais la star qui réveillait les familles. Ah oui, je l'ai écouté. Vas-y, refais. Remets. Écoutez bien, c'était Sopra qui, dans le morning, a réveillé les familles de France. Attention. Et là, on t'a mis en contact avec un Philippe. Écoute bien, Soprano et Philippe. C'est notre petite surprise avant les tiennes. Salut la famille, c'est Soprano. Soprano. Soprambaba. C'est qui? Allez bien, cousin. Oui. Robert, il y a moyen d'avoir des glaçons, s'il te plaît. Des glaçons? Oui. Mojito, virgin, mojito sans alcool. Non, parce que j'ai pas ça. J'ai rien d'autre. Juste, désolé de couper deux secondes, parce que c'est important. Oui. Je voulais te poser une grande, grande question. Oui. Comment tu pourrais, en un mot, résumer Marseille? Je dirais que c'est... Marseille, je connais pas Marseille, donc... Marseille, c'est magnifique. Marseille, c'est même pas une ville de France, c'est un pays. Moi, le seul truc que je connais de Marseille, c'est que la sardine a bouché le porc. Oh, c'est le seul truc que je connais. C'est négatif. On essaye juste de te faire aimer un petit peu Marseille. Est-ce que c'est possible? Oui. Il y a de jolies filles quand même aussi. Est-ce que ça va pour toi? Bah, c'est normal, c'est pas de la mer, donc à mon avis, il devrait quand même avoir des canons, contrairement au nord. Attends, tu connais la réponse? Dans le nord, c'est les ouvriers. C'est les ouvrieuses, hein. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de Miss France. Dans... Ah si, on a eu deux. Ah oui, on a eu deux en plus. Oh, ils rigolent comme de ça, ouais. Presque. Comme quoi qu'il y en a quand même. C'est rigolo. Elles sont rares, mais il y en a quand même. Depuis le début de ma carrière, je dis qu'il faut casser les clichés. Souvent, les gens, ils ont des clichés sur les rappeurs. Mmh. Non. Je connais les chansons de Cabrel. Oh non, faut pas chanter du Cabrel. Là. Pourquoi? C'est que j'ai pas de chanson là en tête. Balavoine à l'arrière. C'est mon fils en bataille. Balavoine, il le sait, il le comprend direct. Oula. Oh. Oh wow. J'ai tout cassé. Tout cassé les oreilles. Si jamais. Ça va bien, cousin. Ah, c'est parce que j'avais une gonzesse qui me chantait ça alors. Ah bah tiens. J'ai eu des frissons. Ah bah quand j'ai connu elle venait de quitter son mec, elle était passée devant le juge et tout ça et raconte ça là. Et après elle arrêtait pas de me chanter ça. Ouais. N'importe qui peut choper le coup de foudre. Oui mais moi je crois pas au coup de foudre. Non. Je t'aime, je m'aime. Ah bon? L'amour c'est pas que les sentiments. Salut, allez, ciao. Ah bien, cousin. Il est resté jusqu'au bout, quand même. Ah ouais, mais grave, et puis il te raconte sa vie, quoi. Ah ouais, des histoires avec sa femme, les procès. J'ai été devant le juge, elle chantait de l'avoine. Il chante. T'es mignon. Ouais, dans le nord, les meufs. Ah, c'est des louves ouvrieuses. C'est normal, elles sont belles à Marseille, il y a la plage. Ouais, les canons. Ouais, les canons. Allez, Sopra, donc ça, c'était notre petite surprise pour toi ce soir. Bon, il y en aura d'autres. Et on attend les tiennes, surtout. Tu veux qu'on prenne Hicham, là? Il y a Hicham qui nous pour toi. Hicham en direct du 59. Bah tiens, justement, on file dans le nord. Salut Hicham. Bon. Bon, bah tant pis, Hicham. On a Jean qui nous appelle du... Ouais. Bah là, on est plus au sud. On a Golf Juan. Bonjour, Jean. Ouais, Jeanou. Salut. Salut. Ouais, ouais. Coucou, Jean. Salut, Jean. Comment ça va, poteau? Ça va, et vous? Impeccable, ah, impeccable. Ça fait plaisir de vous avoir, là. Ouais, bah, c'est gentil, Jeanou. Bon, toi, t'es à Golf Juan, t'as de la chance. T'es au bord de la mer, il fait beau. C'est ça. T'as 19 ans, les filles arrivent. Il va y avoir des cartes d'allemandes, de hollandaises qui vont débarquer toutes les semaines pendant tout l'été. Tu vas t'amuser comme un petit fou. Ouais, parce que là, pour le moment, c'est plus des cartes de vieux, là. Oui, c'est ça. Ouais. C'est plus la période des vieux et des vieilles, là. Quoique. Et toi, pour toi, tu nous as dit au standard que Soprano était un peu un exemple pour toi. Ah, à moi. Ouais, j'aime bien sa musique. Quoi qu'il dise, putain, c'est lourd. Ah, merci beaucoup, ça me touche. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup, ça me touche. Mec du ciel. Normal. Mais tu as vu, moi, tout à l'heure, j'étais dans le train, je me disais, ah, ce soir, Sopra, il vient et tout. Et j'étais en train de me dire, est-ce que j'ai déjà entendu, c'est pas pour faire le bandeur, hein, est-ce que j'ai déjà entendu quelqu'un parler en mal sur toi, tu vois? Ah. Et je me suis dit, parce que des fois, tu sais, il y a. Si, les soirs de match. Tu m'as déjà entendu. Les soirs de match du PSG, Karim, il a mal parlé de Sopra. Tu m'as entendu. Non, mais tu m'as compris, tu vois ce que je veux dire. Parce que des fois, il y a des rappeurs qui viennent, il y en a qui aiment pas le son, mais après, il y en a qui disent, ouais, le mec, il est cool, ouais, non, moi, j'aime pas trop. Mais c'est vrai que toi. Karim va te dire qu'il supporte une équipe de merde. Non, qui parle bien de Sopra. Merci beaucoup. C'est gentil, Jeannot. Merci, Jeannot. On a Hicham qui est au téléphone, je crois qu'on a retrouvé Hicham. T'es là, Hicham? C'est bien, je suis là. Un coup dans le sud, un coup dans le nord. Salut, Hicham. Salut, Hicham. Salut tout le monde. Et salut. Oh, Hicham, c'est ton fan numéro 1, je pense. Ah ouais? Ah, le mec, c'est un ouf. Salut, Sopra. Ah, c'est Hicham Baba. Il fait des déplacements pour te voir dans toutes les villes de France. Hicham Baba. Allô, Hicham, comment ça va? Oui, Baba. Allô, ça va et toi? C'est la team Baba, Sopra. Ah, ça va bien, la famille? Ça va ou quoi? Ouais. Bonjour de Malik aussi. Ah, tu passes le bonjour à toute l'équipe. Toute l'équipe. On se prépare pour la tournée, là. Ah, ben reste accroché. Nous aussi, on a des surprises. Et je crois qu'il y a une surprise par rapport à la tournée, Sopra. Ah. Je le sens parce que quand on parle de tournée. Est-ce que comment je les annonce, les surprises? On commence par une comme ça, là? Fais-nous la tournée, vas-y. On commence par la tournée. Bon. Alors déjà, 9 septembre 2017, Bercy. Bercy, le 9 septembre 2017. Bercy, autour de l'Everest. Voilà, on va commencer avec Bercy. Alors, 9 septembre 2017. Non, ouais, il y a la tournée, toute la tournée, mais celle-là, elle est calée, tranquillement, Bercy, Pépèrement. Ok. Bien. Voilà. Et une autre petite surprise? Toujours sur la tournée? Sur la tournée? Ouais, moi j'ai eu des infos. On annonce comme ça? Ouais, par contre, c'est planté. C'est pas le 9 du coup. C'est le 30 septembre. 30 septembre. Ah ouais, mais attends. Parce que j'aime beaucoup cette date, mais c'est surtout l'autre que je vais annoncer maintenant, en fait. Attention. Voilà. Alors, grande nouvelle. Et la nouvelle, ben voilà, ça y est, c'est fait. Le 7. Attends, viens, me dis pas que je dis pas de bêtises, c'est le 7, hein. Ah, c'est bon, c'est le 7, bon. C'est ça. Alors, le 7 octobre, on fait un concert au stade Vélodrome. Voilà. Soprano, ça, c'est une musique. Au stade Vélodrome. Yes. On part gros. Il y a qui a fait le Vélodrome? Il y a Johnny, c'est tout, non? Français, ouais, je crois. Le seul français qui a fait le Vélodrome, c'est Johnny. Et ben maintenant, c'est Sopra. Eh ouais. Donc, 9 octobre 2017. 7, il va venir te crier dessus. 7 octobre. 7 octobre 2017, Vélodrome. Voilà. Et à Bercy, à Paris, le 30 octobre. Non, c'est le 30 septembre. T'as vu, même moi, je me rappelle. Sérieux, plus. Les gars. Attends, j'ai fait le ramadan. Et moi, je m'en souviens, tu vois. Bon, en tout cas, deux dates de concert. On aura évidemment l'occasion d'en reparler. Ben oui. Mais oui. Donc, mais au Vélodrome, à mon avis, ça va être gros. Ah, Vélodrome, ça va être rempli. Ouais. En plus, la billetterie du Vélodrome, elle commence cette semaine, là, je crois. Allez, ouais. Je crois qu'il y a déjà, ils peuvent avoir des trucs VIP ce week-end, c'est deux jours. Et à partir de jeudi. Bam, c'est ouvert à tout le monde. Ça y est, c'est ouvert à tout le monde. T'es à domicile, gros. Et ouais, à domicile. C'est fou, ça, pour toi. Tu te rappelles à l'époque où Pape Diouf, il me donnait les clés? C'est vrai, hein, tu allais faire le clip et tout. Et voilà, la boucle, maintenant, on va faire le concert. C'est beau. Mon rêve de gosse. Donc, ça me en entre. Combien de personnes? 60 000 personnes? Ouais. En config concert, ouais, au moins. Ouais, bah, c'est ça. Il y a un mois, il y avait ACDC, je crois, ils ont fait 60 000. ACDC, ouais. Soprano. Là, c'est un peu beaucoup, là. On va voir. On va travailler toute l'année, on va voir. En tout cas, on est en train de préparer un beau spectacle, un bon show. Ça va être bon, ça. Eh ouais, on est là, l'Olympique, nous dit Patrice. Donc, le Vélodrome, je serai là obligé, nous dit Mélanie. Donc, vous pouvez balancer l'info. Félicitations, Soprano. Hâte d'être là pour Anaïs. C'est trop bien la surprise. Magnifique, le 30 septembre. Le Vélodrome pour mes

Ah, moi je dis que c'est une tuerie et j'ai hâte de voir en concert comment ça va donner. Ouais, ça, ouais. Ah, ça en concert, ouais, ça va être bien, ça va être bien. Ah, ça va ouais, bien. Non, on a hâte que ça sorte là. En plus, avant le concert, ça fait du bien. Soprano, nouvel extrait de l'album. Romano, on a tous écouté religieusement ton morceau. T'as vu ça, Soprano? Ouais, t'as vu, tu dis religieusement. Attention, on veut pas de problème. Tu vois, t'as vu, derrière l'album, il y a écrit mixé par Romano, je te jure. Ouais. Et ouais, c'est mon poteau, c'est lui qui m'a enregistré. C'est moi qui l'enregistre. Nico, fais ça dans ma cave et tout. Ah ouais, mixé par Nicolas Romano. Ouais, c'est ça. Je me fais appeler Nicolas au milieu de la musique. Et en plus, il est en train d'écouter. Donc, je lui fais une dédicace. Bah, j'écoute, je suis là. Arrête, Nicolas Romano. Arrête de faire ton cinéma, Sopra. C'est ridicule, mon amour. Tout le monde sait que c'est moi. Non, mais bravo, en tout cas. Et moi, j'aime bien. Ouais, moi aussi, j'aime merci. Bien. Merci. Le diable s'habille plus en Prada. C'est le son de Soprano. Je te demande pas ce que t'en penses, Samy. Ah, moi, j'ai kiffé. Ah, oh, bon. Non, je pensais comme l'auditeur. Je me suis dit ça en live. Putain, quand ça parle. Ouais, ça va être. Ouais. En fait, je voulais faire un morceau où quand même il y a toujours du texte, parce que là tu as vu, je me suis mis un peu dans la peau du diable, ouais, en imaginant il regarde le monde, il dit mais putain, ils font pire que moi, ils m'ont tout volé. Et tu vois, mais quand même en gardant même un petit côté trap dans la musique et un côté un peu électro pour pouvoir en concert bouger à bloc, pour que j'aime bien même le titre, le jeu de mots, tout, c'est drôle, tu vois, c'est un petit jeu de mots, ouais, voilà. C'est le nouveau Soprano, super parole en tout cas. Et vous parliez des lives, faut quand même rappeler que tu feras le Stade Vélodrome le 7 octobre 2017. Yes. Au Stade Vélodrome, ça va te faire bizarre d'aller au stade. Oui, d'ailleurs j'ai vu, il y a plein de messages. Faut balancer des places, la famille nous dit Alex. Je l'ai vu plein. Des places pour. Et c'est un vendredi, bordel. Il est possible que. Oh, c'est dans un an, Marie. Je sais, mais bon. Donc, on a le temps de venir voir. Oui. Non, mais t'imagines quand même. Attends, là, je suis en train de gratter avec le boss, là. Je veux que vous veniez à Marseille pour faire le connaître. Ah, obligé, on va venir. Si on arrive, on le fait au parc. Comment ça s'appelle? Pas au parc. Pour ceux qui viennent du parc. Pour ceux qui viennent du parc, je vais les amener au stade. Ils vont voir ce que c'est. Au Orange Vélodrome. Ça s'appelle comme ça maintenant. Ah, ça s'appelle comme ça, ouais. Ah ouais, mais ça me fait chier, mais bon, c'est. Ouais, on sait ce que c'est. C'est le Orange Vélodrome. Donc, je veux les mecs du parc qui viennent ici chez nous. On les accueille. Pas avec aucune violence. Après, ils vont repartir du week-end, ils vont dire ah, c'est méchant. Ouais, quand même, on a passé une bonne soirée. Voilà. Alors, donc, au Stade Vélodrome, le 7 octobre 2017 à Bercy. Puis, évidemment, il y a les tournées, il y a les dates, il y a tout ça. À pas louper, on nous demande est-ce que tu feras une date au stade, un stade que tu connais bien aussi, le Parc des Princes. Non, mais tu sais, une fois, je suis passé juste à côté. Oui. Je te jure, je marchais juste à côté, je sais plus où j'allais. Il y a un mec qui passe en voiture, il m'a vu, je crois qu'il a marqué OM sur mon corps. Il m'a fait ici, c'est Paris. J'ai fait, ouais, ça va, je marche, je vais voir un collègue. Je dis tranquille. On te propose le Parc des Princes, tu le fais ou pas? Non. Tu le fais pas? Non, mais il fait Bercy. Je fais Bercy. Ouais, tu fais Bercy. On fait Bercy. Bercy, 30 septembre. Et ben voilà les trois surprises. Une, deux, trois surprises. On a été gâtés. Ah bah oui, et en plus, tu nous avais dit. Jusqu'à la rupture du jeûne, je suis là pour vous. Après, je vais bouffer. Ah, ouais, parce que sinon, à un moment donné, je vais bouffer le micro. Hein. Sinon, après, il va tomber. Je voulais souhaiter un bon ramadan à tous ceux qui font le ramadan, qui sont en train d'écouter. Sartek Ramdam. Exactement. Et moi, j'ai une grosse pensée pour Momo, parce que Momo, il t'aimait beaucoup. Merci. Et il serait très content d'écouter ce titre aujourd'hui. Il y a l'euro en plus qui arrive. Et t'étais proche de lui. On tient à te remercier, Sopra, parce que tu nous as soutenus discrètement dans ces moments difficiles. Vous avez connu ça aussi avec les psychiatres. Ouais, et donc ça nous a encore rapproché cette histoire. Et donc voilà un titre qu'on vient d'écouter et qu'on dédicace à Momo. Voilà, on lui fait une grosse dédicace au frangin. Ouais, Momo. Et franchement, je veux dire quelque chose de bien sur les supporters du PSG. Ah bah oui, parce que c'était un supporter du PSG. Ouais, mais là, ce que j'ai vu, ils m'ont fait pleurer. Ouais, donc je veux juste leur dire. Ah, quand ils sont venus dans la rue en bas de la radio pour rendre hommage. Je crois que je t'ai envoyé des textos. Oui, j'ai vu ça. En plus, je crois même que j'étais en train de mixer ce morceau-là. Je roulais et j'entendais ça à la radio. J'ai chialé. Et mon poteau, il m'a pris le volant. Non, c'était pas. Donc, franchement, c'était magnifique ce qu'ils ont fait. C'était merveilleux. Mais comme c'était un mec souriant, on va sourire comme s'il y a. Exactement. On continue à faire la fête et à propager des messages. Exactement. Yes. Donc, le son, vous l'avez découvert sur Skyrock. Vous allez l'entendre beaucoup sur Sky. Le concert au Vélodrome, c'est le 7 octobre 2017. Et le concert à Bercy, c'est le 30 septembre 2017 aussi. Merci, mon Sopra. Je vais vous amener trois trucs quand même. Je crois que. Attends. Ah, Alonso, il va m'envoyer un texto. Il va me dire je savais pas le stade, tu me l'as pas dit en fait. Ah, c'est vrai, tu l'avais gardé secret tout ça. Il y a peur qu'il bave ou quoi. Il y avait personne qui le savait, je crois. Et l'album, il sort quand? Parce qu'on nous demandait, il sort quand? Ah, bon. Ça sera une autre surprise. Ça, c'est une autre surprise. Je sais la date, j'ai tout. Il manque trois morceaux là. Ce serait une bonne occasion pour revenir. Voilà. Ah, bon, voilà, c'est bien. Pour revenir, ils nous gardent des surprises pour la suite. Ouais, c'est bien, ouais. Voilà. Toujours l'occasion de revenir. Rien de mieux. Quand même, t'imagines, déjà la plus grosse, quand même, c'est le stade Vélodrome, le morceau, quand même. J'avoue, ça. Même Bercy, quand même, c'est un truc de fou. J'ai jamais fait, moi, Bercy de ma vie, tu vois. Oh, tu vas avoir une fin d'année 2020. Ah, t'as jamais fait Bercy. T'as fait le Zénith. En fait, chaque fois qu'on me le proposait, moi, je disais, moi, je préfère aller voir toute la France, voir tout le monde. Et après, faire le Zénith, tu vois. Si, t'avais fait avec notre concert, Génération Rap R&B. Là. Voilà, là on va le faire. On est en train de préparer la scène. Là on a commencé. Si t'as besoin d'un coup de main, pas de problème. Eh ben, regarde, tu sais, je vais dire à Alonso de venir. Et c'est toi qui tu vas faire le morceau avec lui. Ouais, voilà. Eh bien, tu le refiles au collègue. Regarde-moi. Voilà. C'est trop simple. Et Soprano, il tient vraiment ses promesses. Il avait promis que Romano serait sur le prochain album. Eh ben, je suis sur la pochette. Il est déjà sur la pochette. La classe. Bravo Romano. Et merci Soprano. Merci. Pour la visite. Merci à vous en tout cas. Merci. La spéciale de Difool. 21h minuit sur Skyrock. Et donc on vous rappelle que Sopra sera en concert Skyrock en 2017, octobre 2017 au stade Vélodrome de Marseille. Les places sont déjà en vente et il y aura très bientôt bien évidemment des invites à gagner. Car Skyrock est premier sur Soprano. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent à l'instant même. La spéciale, le meilleur de Difool. On continue la soirée tous ensemble jusqu'à minuit. On rappelle que la Belgique, on vous l'annonce même, parce que je ne l'avais pas dit encore, voilà, le match est terminé. Victoire de la Belgique 4-0 contre la Hongrie. Les Belges comme l'équipe de France qualifiée pour les quarts de finale. L'Allemagne également qui a explosé la Slovaquie cet après-midi du côté de Lille. Romano, lui, a explosé Cédric dans le gros hyper clash de cette fin de saison. On s'est fait les meilleurs clashs de l'année de Cédric contre ceux de Romano. Et c'est Romano qui l'emporte avec 64% des votes. Donc voilà, bravo à Romano. 36 pour Cédric le Belge. Il y a Steven qui demande est-ce que vous êtes en vacances demain ou pas. Non, non, mon poteau Steven. Hein, la radio libre en direct demain soir et toute une partie du mois de juillet, hein. Voilà, pour tous ceux qui se posent la question, demain à 21h, il y aura Difool, il y aura toute l'équipe live en direct pour la radio libre, et il y aura d'ailleurs un tout nouveau clash de la drague, la spéciale de Difool, on n'en a pas terminé, loin de là, le répondeur de Pamela, avec un fail de Pamela, c'est Philippe, Philippe mon bébé, rappelez-vous de Philippe, c'est lui. Philippe fait la gueule à Pamela. Vous allez savoir tout ce qui se passe juste après le son Ragga Dancehall de Ken Jones en nouveauté avec Don't Mind. Concert. Après le succès de SCH dans Planète Rap. SCH dans Planète Rap. SCH choisit encore Skyrock pour ses concerts en France. Ok. SCH en concert avec Skyrock. SCH débarque dans toute la France avec Skyrock. Lille, Toulouse, Bordeaux, Rennes, Brest, Strasbourg, Nancy, Lyon, Saint-Etienne, Marseille et Paris. Ouais, ouais, le 12 janvier au Dôme de Marseille et le 13 au Zénith de Paris. Retrouve-moi en concert Skyrock. Plus d'infos sur skyrock.fm et l'appli radio Skyrock. Le 36 92 est le numéro pour discuter avec des hommes et des femmes, échanger vos numéros et pourquoi pas vous rencontrer. Le 36 92, le numéro pour réaliser tous vos projets, même les plus fous. Alors n'attendez plus, appelez dès maintenant le 36 92. C'est très simple et surtout rapide. Télone, 80 centimes d'euros la minute, plus prix d'un appel. Tous les soirs dès 21h. What the fuck? Difool est sur Skyrock. Skyrock. Hola. Hola, na. She telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, ma da. Then she says, I bought it. And I said, na boule. No matter where I go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, ma da. Then she says, I bought it. And I said, na boule. No matter where I go. You know I love them all. African American. For sure, I told her, baby, come and ride the rodeo. Every time I come around, man, I go for broke. She give me desktop till I overload. She said she got a man, keep it on the low. I said he don't speak English, fuck he gon' say. Hey, telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that and I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter the me, the me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, sabate. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, sabate. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. She from Africa, but she fuck me like she Haitian. Ass black, but the miles looking Asian. I gave her the can in Kansas. I got it on tape. She on candid camera. Okay, see, I forgot we met at Oklahoma. I used to smoke Regina. She from Arizona. Then I met a girl in Cali. I never disown her. She got that high grade. Her weed come with diplomas. I want her, but she keep telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter the me, the me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, sabate. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, sabate. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, sabate. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she said, sabate. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. Un nouveau son Raga Dancehall dans la spéciale de Difool, le son de Ken Jones sur Skyrock avec Don't Mind, la spéciale le meilleur de Difool. Ça se poursuit jusqu'à minuit, l'arrivée de Carole qui s'est fait intégralement refaire les seins, le récap du top bug de Romano, et là il est grand temps de filer sur le répondeur de Pamela. Alors de temps en temps, même très souvent, hein, voilà, on appelle des pervers, ça se passe en direct, ça ne marche pas, voilà, il y a des fails, ça arrive de temps en temps, et des fois il y a des fails qui font marrer. Donc voilà, on se met ça maintenant, des fails de Pamela sur Skyrock. Elle est blonde ou brune. Son sein gauche fait 85A et le droit 95E. Elle n'a que 3 doigts. Il travaille dans la mode. Enfin, elle est modéliste, quoi. Pamela. Pamela. Le moment le plus sensuel de l'émission. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui? Oui, bonsoir, c'est Pamela, l'appareil. C'est une femme. Ah! Ouais, comment tu vas? C'est bien. C'est bien, j'aurais très envie de te lécher la chatte. Ah bon, c'est bonne idée. Ah bah ouais, c'est bonne idée. Oui, allez. Et je te lécherai l'anus aussi. Allô? Hein? Y a quelqu'un? Mais c'est qui? Mais y a quoi? Y a un mec qui a parlé derrière, vous avez entendu à la fin? Là, c'est la meuf de l'hôtel, c'est qui t'a traité? Ah! Vas-y, rappelle-la pour hôtel, voir. Hôtel de la Carte. Ah, l'hôtel! Allô? Bon. Oui! Bonjour! Ben bonsoir, comment tu vas? Vous êtes qui? Ben c'est Pamela! Comment? C'est Pamela! Non, vous faites erreur. Ah ben non, j'ai rendez-vous pour te bouffer la chatte. Oui, ça c'est des... C'est très bien, ouais. Allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre, premier sur la... Foot perdu. Allez les bleus. Allô. Non, allez, allez les bleus. Allô, les bleus. Bah oui, allez, les bleus. Mais qu'est-ce qu'on a les foutre dans des hôtels? Pamela, pour faire la fête dans un hôtel. Quoi. Ah, pour faire la fête dans un hôtel. Ah mais je savais pas. T'aurais dû me dire, j'aurais demandé une chambre. Allô, ah ben. Allô. Ouais, Philippe. Allô, Philippe. Oui, non, c'est gentil. Allez, laisse-moi tranquille. Allez, allez, mais c'est Philippe. Pamela. Elle est super, lui, c'est l'aigri, là. Rappelez c'est l'aigri, là. C'est le mec qui est aigri, mais alors tout le temps, là. Ouais. Allez, fous-moi la paix, quoi. Ah, mais laisse-moi tranquille. Allez, laisse-moi tranquille. Vas-y, rappelle-le. Le mec est super. En plus, il a une voix super sensuelle. C'est Philippe. Philippe l'aigri. Laisse-moi tranquille. Allô, allô, Philippe. Oui, fous-moi la paix. Hey, tu arrêtes ton cirque, Philippe. Tu voilà, merci. Tu m'écoutes maintenant. Voilà, merci. Philippe. Oui, oh, voilà. Oui, hein. Allez les bleus. Oui, allez, j'ai pas de temps à perdre. Attends, Philippe, j'ai envie de toi. Regarde les bleus. Qu'est-ce qu'elle me dit, j'ai pas de temps à perdre. Ta gueule, hein. Qu'est-ce qu'elle me fait, celle-ci, là? Qu'est-ce qu'il a, ce con? Mais d'habitude, il se branle, lui. Oui, mais bon, là, tu fais chier. À mon avis, il y a quelqu'un qui lui a dit. Quoi la... Allô? Allô, Philippe? Oui, tu veux que j'appelle la gendarmerie ou pas? Tu arrêtes ton cirque. Pourquoi tu veux plus me parler? C'est tout, j'ai plus envie. Mais voilà. Pourquoi? C'est tout, j'ai plus envie. Ah, mais tu fais chier. Tiens ta gueule, j'ai plus envie. Moi j'aime plus. Allez. Non mais je t'ai dit, lui est obligé. Ah ouais, je pense. Ouais. Quelqu'un est pas invité sur Skyrock. Tu passes pour un con là. Non, il est pas. C'est la spéciale du dimanche soir avec le meilleur de Difool sur Skyrock. What the fuck. Il est quand même gonflé. Il est très gonflé, moi je trouve. Hein, ce Philippe, mon bébé. On rappelle quand même comment on les trouve les pervers. On va sur des sites genre Viva Street, des sites un peu trash. On laisse des fausses annonces. Les annonces, les pervers répondent aux annonces. Ils laissent leurs coordonnées. On les appelle en direct. Donc voilà, Philippe mon bébé, il veut plus parler à Pamela, mais ça n'a pas toujours été le cas, écoutez bien. Allô? Oui, bonsoir. Oui, Philippe? Oui. Oui, bonsoir, c'est Pamela à l'appareil, comment vas-tu? C'est qui c'est? Pamela, j'ai entendu ton petit message là sur le réseau. Oui. Oui, donc j'ai trouvé ta voix sensuelle et je me suis dit, tiens, je vais l'appeler pour faire connaissance. C'est gentil de m'appeler, oui. Je ne te dérange pas, j'ai l'impression que je te réveille. Non, non, pas du tout, j'étais un peu assoupi devant la télé. Ah, d'accord, très bien. Tu as quel âge, toi? J'ai la cinquantaine d'années. La cinquantaine d'années, moi j'ai 28 ans, ça ne te dérange pas? Non, non, du tout. Non, non. Tu es sur quel coin, toi? Je suis en région parisienne. Ah, ben ça tombe bien, moi je suis sur Paris même. D'accord, ok. Déjà, c'est un signe du destin, on est peut-être fait pour se rencontrer. Ben oui, pourquoi pas, oui. Et tu es comment physiquement, toi? Ah, je mesure 1m77, 78 kilos. Mmh. Plutôt BCBG. Mmh, bon chic, bon genre. Ah, bon chic, bon genre, mon bébé, oui. Mmh. Comment? J'ai dit bon chic, bon genre, mon bébé, si. Mmh, je suis ton bébé déjà. Ah oui, je suis ton petit bébé, oui. Mmh. Tu es en train de te caresser un petit peu là. On ne peut rien te cacher, mon bébé, oui. Ah oui, oui, tu as envie de te masturber là. Ah oui, t'es habillé comment là? Ah ben là, moi je suis toute nue dans mon lit, moi. C'est vrai, mon bébé? Oui, mon chéri. Ah, j'aimerais beaucoup être à côté de toi. Ah oui, tu me ferais quoi si t'étais à côté de moi? Ah, je commencerais tout doucement, je ferais des petits bisous dans le cou. C'est parti. Oui? Je te taquinerais le lobe de l'oreille. Oh, le lobe de l'oreille, oui. T'adores les petits coups de langue sur le lobe de l'oreille? Ah oui, j'adore, ça me fait frémir. Ah voilà, je redescendrai sur tes lèvres. Ah, ça ne dérange pas si je gémis un peu? Non, pas du tout. Voilà, j'enroulerai ma langue autour de ta langue. Voilà, je te sucerai ta langue, je te la pomperai. Ah ouais, ouais. Voilà, je te caresserai tes seins aussi. Ah oui, tu sais que j'ai des gros seins. C'est vrai? Oui, je fais du 95C et B. C'est excitant ça. J'en ai un plus gros que l'autre. Ah bon? Comme ça, t'as l'impression d'avoir deux modèles. D'accord, t'as des pointes de seins qui bandent bien? Ah oui, j'ai des gros tétons. Ah, j'adore ça. Ah, ils sont bien longs, tu vois, un peu comme des cornichons. C'est excellent ça. Tu sais qu'ils sont tout droits là, tout raides. Ah, c'est vrai? Ah, j'aimerais bien les prendre dans ma bouche, les téter, les sucer, les aspirer. Donner des petits coups de langue dessus et mordiller. Je descendrai tout doucement sur ton nombril. Ah oui. Voilà. Et t'as de jolies fesses aussi? Oui, j'ai les fesses bien rebondies. D'accord. T'aimerais bien que je vienne branler ma langue dans ton petit trou? Comment? T'aimerais bien que je vienne branler ma langue dans ton petit trou? Ah ben, comment? Que je vienne branler ma langue dans ton petit trou. Ah oui, bah branle ta langue, si tu le souhaites, oui. Voilà, j'aimerais venir te manger l'anus. Ah oui, mais tu sais que moi ça me donne envie de péter tout ça. Ah non. Ça te gêne pas? Non, pas du tout, c'est pas grave. Tiens, bah je... T'aimerais bien t'occuper de ma queue, non? Oh oui, elle est comment d'ailleurs? Elle est sympathique, quoi, fait doigt dans les 16-17 cm. Voilà, tu me déboutonnes mon pantalon? Ah oui, je te déboutonne ton pantalon. Tu as quoi comme pantalon? J'ai un pantalon, comment dirais-je, en velours lisse. Oh, c'est magnifique, ça m'excite le velours, moi. Voilà, le velours lisse. Ah, j'adore le velours et la flannelle. D'accord, bah j'adore, je porte. Ah, bah c'est très bien ça. Donc je te déboutonne le pantalon. Voilà. Tu as la fermeture? Oui, la fermeture, oui, je l'enlève, oui. Voilà. J'ai un petit slim boxer noir. Ah, tu mets un petit slim boxer noir. Eh bien, je te le retire au fur et à mesure. Oh, oui. Et là, ton sexe est raide. Voilà. Il est bien, bien raide. Vas-y, donne-moi ta langue. Ah oui. Oh, c'est excellent ça. Ah, mon bébé. Vas-y, suis bien la pine de ton bébé. Ah ouais, t'es un gros bébé toi. Vas-y, mange. Ah oui, je mange, miam miam. Tu veux écouter comme elle est bien dure, non? Ah oui, vas-y, tape-la contre un meuble. Je t'ai tapé contre le téléphone, tu veux écouter? Mais, oui, mais ne te fais pas mal quand même. Non, non. Et lui, il est complètement... Ah oui. Ah oui, elle est bien dure. Effectivement, elle est très... Elle est dure, oui. Ah. Et toi, tu es célibataire ou tu es marié? Ça se passe comment? Je suis célibataire. Oh, c'est étonnant. Ouais. Ah. Vas-y, suce-la bien, pompe-la bien. Ah ouais. Toi, tu aimes bien quoi comme position, sinon? Oh, j'aime tout. J'aime bien la levrette. J'aime bien qu'on s'empale sur moi. Vas-y, ça t'ennuierait de me la branler aussi? Oh non, moi, tu sais, je fais tout, moi. Ah, tu mets des calottes tout doucement. Oh oui, blablabla. Ah oui. Oh, je remets un coup de langue. Je remets un coup de langue ou pas? Vas-y, fais comme chez toi, régale-toi. Vas-y, malaxe-moi bien les couilles. Ah bah oui, mais là tu as bientôt fini là. Malaxe-moi bien les couilles. Ah oui, mais dépêche-toi car j'ai quelqu'un qui arrive à la maison là. D'accord, tu peux recevoir sur Paris, non ou pas? Moi je préfère que ça soit toi qui reçoive ou on va à l'hôtel hein. Ok. Ah, tu m'as fait réécouter ton sexe. Oui, t'as bon. Puis après, je vais te donner mon foutre, tu veux bien? Ah oh, oui, oui, bah oui, ça c'est... J'ai de faire écouter des petits coups de cœur. Voilà. Bon. Mais dis donc, elle est dure à planter un clou, celle-là, hein? Elle est très très dure. Ah, oh, bah dis donc. Ça y est, le liquide vient? Ah oui, t'aimerais bien que je donne des petits coups de queue sur la langue? Oh, oui. Bah, où est-ce que t'aimerais que je donne mon foutre? Oh, sur les seins. Sur les seins? Ce qui serait bien, c'est que je le donne sur les seins, que je vienne le récupérer avec ma langue et qu'on mêle nos langues. Oui, bah là, c'est dégueulasse. Écoute... Ça te plairait, non? Oui, mais attends, il faut que je... Vraiment, que je te laisse, ça tape à la porte, hein. Oui, tu peux me rappeler ce soir ou pas? Ce soir, peut-être, on verra. Je sais pas combien de temps reste mon ami à la maison. Attends, je vais te donner mon foutre avant. Oui, bah t'es sûr? Oh oui. Je vais te tomber bien. Oui. Voilà, on va y aller, nous. Ça y est, c'est bon. Ça y est, c'est bon. Ah, bah écoute, bah, je te rappelle plus tard. Ok, bien. Ah, bientôt. Tu es très sympa en tout cas. J'aime bien. Okay. On va vite se voir. Je te rappelle vite. Hein. Okay. Bisous, Philippe. Bisous. Bisous, mon bébé. Yo, la spéciale de Tifoul. 21h minuit sur Skyrock. Carole, c'était pour parler de tes seins. J'ai vu que ça avait du succès auprès des gars, là, les seins. Les seins, c'est la base pour la branlette espagnole. Nous dit Biki Biki, 21 ans. Ouais. Salut Carole. C'est vrai, ouais. Ouais. Salut Carole. Salut. 77. Il y a la main aussi pour la branlette. Hein. Ça marche très bien. Mais pas espagnole. Ah, mais pas espagnole. Ah, ouais. La meuf, elle a un peu de seins quand même. Eh ouais. T'as des beaux seins, toi, Carole? Bah écoute, je viens de me les faire refaire, donc pour l'instant ils sont pas très très beaux, mais bon. Ah, tu les as fait refaire, il y a combien de temps tu les as fait refaire tes seins? Mardi. Mardi, ah bah c'est normal, ah ouais, c'est pas tout très frais, bon. Ouais. Mais là ils sont encore emballés, ouais. Là. C'est, ils ont des yeux au beurre noir, tes seins? Non, mais ils sont même pas. Je souffle le marqueur. Non, mais tu les vois même pas, là, ils sont tout bandés, là, c'est ça? Ah, t'as pas vu s'ils étaient tout bleus, tout ça? Non, j'ai plus les bandages, j'ai un soutien-gorge de contention. Ah oui, les gros soutiens-gorge, là, qui ouais, t'as juste le pansement sur les mamelons, quoi, en fait. Ah, et ils sont bleus ou ils sont pas bleus? C'est des chiens de Schtroumpfette ou pas? Non, j'ai pas de bleu parce que j'ai pris de l'arnica. D'accord. Ah ouais? Et des seins, t'en as deux donc, hein, quand même. Ouais. Oui, c'est sûr. Ah, c'était trop gros, c'était trop petit, c'était comment? Je suis passée d'un 85A à un 85B. Juste bah, pour c'est ça? Tout Tu souffles juste pour ça? Bah de A à D quand même, c'est beaucoup, non? A D. J'avais compris B. J'avais compris B. Ah, de A à D. Non, ah, ça fait bon. Ah ouais, parce que de A à B, putain, je me dis. Je me suis dit, normal, limite, ça c'est cool. Limite, ça sert à rien de refaire, ouais, pour prendre une taille. Bon. Ouais, donc, tombe enceinte, ouais, c'est aussi bien. Hein. Tombe enceinte, ouais, ouais, prends la pilule. Ouais. La pilule, ça fait grossir les nichons. Ouais. Voilà, tombe enceinte et prends la pilule après. Ouais, enfin, ça fait grossir les nichons et peut-être autre chose. Dès que tu es enceinte. Bah écoute, c'est bien, donc. Bon, c'est normal que t'aies mal au bout. Non, mais c'est normal, et puis c'est normal que ce soit gonflé. Il faut que tu gardes ton truc bien. Bah gonflé, c'est normal. Marie, elle était à A, elle se fait du D. Donc ça gonfle. Non, mais je veux dire, c'est hyper gonflé après la. Moi, je sais, j'ai vu les seins de ma copine, la grande chatte, ouais. quand elle avait fait le truc. Chatte, ouais. Et en fait, c'était super gonflé, tu sais, c'est bizarre. Ah, parce qu'elle aussi, elle s'est fait faire les seins, là. Ouais. Moi, je préfère le naturel. Après, si t'es pas content avec ton A et s'ils sont vraiment tout plats, t'as raison de te faire. T'as raison de te faire refaire les seins. Dire, hein. Mais tu sais, il y a des meufs, elles ont vraiment des seins dégueux. Ah, bah ouais, et qu'elles le vivent super mal. Et dans ce cas-là, oui. Moi, je trouve ça bien que ça existe. Ouais, c'est clair. On a déjà eu des filles qui faisaient du F, du G, vous imaginez les seins, ça leur tuait le dos. Ah, mais ouais. Donc c'est normal. Et toi, ils étaient trop petits, t'aimais pas ça, toi, Carole? Bah, apparemment. Ah, ouais, non, en fait, si vous voulez, j'avais des fesses quand même assez proéminentes, on va dire. Ah, ouais. Des quoi proéminentes? Fesses proéminentes. Fesses. Ah oui, donc t'étais bombé derrière, mais pas bombé devant. Ouais. Mais c'était quoi, genre tes seins, des œufs au plat? Des œufs au plat, ouais, bah, au moins. Non, quand même pas, mais bon, ça choquait par rapport à mes fesses. Ah oui, puis surtout tu tombais sur le cul. Ah, non, mais... Tu n'étais pas équilibré, c'est comme Pamela, comme Pamela qui penche d'un côté droit ou gauche. Ah bah ça c'est relou, t'es bancal. Hein. Bah t'es bancal là, c'est pareil, tu tombais sur ton cul. Ça c'est terrible. Non mais t'inquiète pas, de toute façon ça va passer. C'est vrai que c'est hyper désagréable, il paraît que ça fait vraiment très mal, mais ça passe, tu seras contente après quoi. Comme on dit, il faut souffrir pour être belle. J'espère que t'auras pas de merde parce que aussi, moi je connais des nanas qui ont eu des trucs genre le mamelon qui était pas, tu sais, les mamelons qui étaient pas en face. C'est comme ça. Il y avait un mamelon au niveau du nombril, l'autre il était au niveau de la pomme d'Adam. Non mais que les filles n'ont pas. Je suis chirurgien, excusez-moi, ce jour-là, j'avais oublié mes lunettes. Non, mais en fait, tu sais, la prothèse, elle tombait à un endroit, donc ça faisait pas super droit. Et donc, du coup, bah, tu t'es remis et tout ça, et t'es obligé de repasser sur le billard. Non, mais il y a eu des trucs horribles, là aussi, les prothèses PIP, là, où les meufs, elles avaient des fuites. Fallait les enlever. Ah, ouais. J'ai des fans de seins qui nous laissent des messages, là. J'adore les gros seins, c'est super, nous dit YOLO300, il y a 15 ans. Un fan. J'adore lécher les seins, les mordiller les tétons pour Johan du 83. Je préfère les vrais seins, mais c'est vrai que s'ils sont trop petits, elle a eu raison de les refaire. Ah, mais ça dépend. Hein. C'est le message de Alix. Salut à toi, Alix. Moi, je connais une meuf, elle avait pas de seins du tout, tu vois. Oui. Elle était toute plate. Elle a voulu se faire faire des faux seins. Et en fait, elle a mis des seins. Et ça fait comme des œufs, des œufs, tu vois. Voilà ce qui t'attend, Carole. T'es rassurée? Ah ouais, dégueu. Et ouais, non, c'est normal. Et tu nous enverras une photo quand ils iront très très bien. Évidemment, si l'opération, ça marche bien. On sait jamais. On a des filles souvent qui nous appellent. J'ai des trop petits seins, je vais les faire grossir. Non, mais c'est bon à savoir. Bah oui, qu'on voit les résultats quand même. Mais Carole, ils t'ont dit, les médecins, au bout de combien de temps ils allaient être nickel tes seins? Bah à partir de 3 mois apparemment. Ah donc pour ah ouais putain, cet été tu vas avoir encore les seins périodes. Ah ouais, cet été tu pourras pas te mettre en maillot là. Ah je dois garder le soutien-gorge un mois, mais genre ils vont pas être beaux et gonflés pendant au moins 2-3 mois quoi. Ouais. Ah il faut le temps que ça prenne la forme. Eh bien bon été à toi. Super. Bon été sur la plage. T'aurais peut-être dû faire avant. Ouais. C'est fait. Bah écoute, profite bien Carole. Et puis ne t'inquiète pas, si vous avez déjà fait une opération ou connu quelqu'un qui en a fait une, vous n'hésitez pas à vous mettre en contact avec Carole, on en reparlera tout à l'heure. C'est la spéciale du dimanche soir avec le meilleur de Difool sur Skyrock. Avec l'arrivée de Coralie, la vendeuse de God, hein, pour la suite de la spéciale de Difool. On va se faire le téléachat de Pamela également, ça se prépare, il y a un double appel aussi en préparation. Il y a quelqu'un qui parle derrière. Oui, il y a un monsieur qui dit je suis en train de me branler. Oh là là. Ouais, je suis en train de me branler, là, bien comme il faut, là. Mais qui c'est ce monsieur là? Il s'appelle Patrick le pervers qui peut intervenir à n'importe quel moment des doubles appels. Le double appel, ça se prépare. Le récap du Top Bug de Romano juste après le son d'Escrew. Escrew, l'un des groupes de Nekfeu. C'est J'aurais pas dû, c'est maintenant dans la spéciale de Difool. Une seule radio est officiellement partenaire des concerts de Rihanna en France. Et c'est encore Skyrock. Hi, this is Rihanna and you're listening to Skyrock. 3 semaines avant le raz-de-marée Rihanna, Skyrock t'offre les dernières places de concert pour les 4 stades de Rihanna. Allianz Riviera de Nice le 15 juillet, Grand Stade de Lyon le 19, Stade Pierre-Mauroy de Lille le 23, Stade de France à Paris le 30 juillet. Rihanna, l'anti-world tour, avec Big Sean en première partie, c'est 400 places.

problème me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant je balle. Mais c'était pas la white weed. Fait du mal à ma petite. Premier sur le rap, c'est Skyrock, l'un des groupes de Nekfeu, Escrew avec J'aurais pas dû juste avant, le double appel et l'arrivée de Coralie, la vendeuse de God. C'est l'heure du récap du Top Bug de Romano. Le Top Bug, le classement officiel des bugs de Romano sur Skyrock. Et une sortie cette semaine dans le Top Bug de Romano, c'est terminé pour le bug Hello qui était resté plusieurs mois dans le classement, à la 5ème place, -2 pour Pamela qui est dans le Top Bug de Romano, -2 pour le bug J'ai la minette épilée et plus sur les côtés. J'ai la minette. 4ème, +1 pour le bug Pascal. À la 3ème place du Top Bug de Romano, l'entrée de la semaine, le bug, il va faire des impasses. Ah, je pense qu'il va faire... -1 pour le bug, je trouve ça anti-sexy au possible, qui perd la première place, on le retrouve 2ème. Entrée la semaine dernière est déjà +1 plus bug, +1 pour le bug Linoleum. Voilà pour le récap du Top Bug de Romano. La radio libre en direct, hein. Tout au long de la semaine, il y aura des nouveaux bugs à découvrir mercredi, mardi soir, et le nouveau classement, ça sera mercredi à partir de 21h. Le classement, c'est vous qui le faites, hein. Vous allez voter sur l'appli des bugs de Romano ou sur le defool.skyrock.com. La spéciale qui se poursuit, le double appel, on y va, c'est maintenant sur Skyrock. Allô. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Ah ben, c'est vous qui avez appelé. Le double appel de defool sur Skyrock. Ouais. Allô. Oui. Allô. Oui. J'entends pas très bien. Allô? Oui? Allô? Oui. Allô? C'est qui? Allô? Ben, je vais pas dire allô, dis quoi? C'est pareil. Vous devez vous tromper de numéro, hein? Ah non, c'est vous. Ben, c'est... je me fais appeler, là. Non, moi, j'ai pas appelé. Vous m'excuserez. Ben, je reçois un coup de fil, je réponds. Je suis en train de répondre à votre coup de fil. Non, je viens d'attendre le téléphone, là, vous m'excuserez, hein. Mais qu'est-ce que c'est que ce pins? Ah, je ne sais pas. Le téléphone, il sonne, je viens, et puis c'est vous, là. Eh ben, moi, pareil, le téléphone a sonné, j'ai répondu. Ah, ben, d'accord. Ah, ben, d'accord. Il y a quelque chose qui ne va pas, là. Ben, je suis d'accord avec vous, je ne comprends pas, vous êtes qui? Ah, je suis de Saint-Morel. Ben, moi aussi. Ah, mais autre chose. Ben, on a tous les deux eu un coup de fil en même temps? Ah, ben, voilà. Non, mais... Vous êtes comment, votre nom? Votre nom? Ah ben... Connaissez Monsieur Goupil à la maison. Écoutez, alors là, ce qui est plus drôle, c'est que moi, mon nom de jeune fille, c'est... Ah d'accord. Ah, mon nom de jeune fille, pardon. Mon précédent nom, c'est... Oui? Ah d'accord. Alors, je ne comprends plus rien, moi. Mais écoutez, moi non plus, je ne sais pas qui est cet appelé qui, mais... Non, mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Non, hein. C'est pas grave. Mais vous habitez où? Juste à côté de Catherine. Connaissez Non plus. Non du plus. Côté de la mairie, par là Non, on sort de Saint-Morel. Ah ben non, je vois pas du tout. Ben monsieur, vous connaissez? Ah ben je connais bien Louise. Eh ben la ferme. Ah oui, vous êtes carrément dehors. Voilà. D'accord. Voilà, on est dans la maison de monsieur qui nous a loué. Mais alors l'histoire de fou, c'est qu'on a tous les deux un coup de fil en même temps. Ben oui. Qu'on décroche et qu'on se trouve en communication. Et voilà. Oh, écoutez, ça a noté dans le calendrier, ça. Oui, parce que on sait qu'on a des coups de téléphone des gens. Branche-toi un peu. Des malhonnêtes, quoi, des gens. Qu'est-ce que c'est que ce pins? Je suis bien en train de branler. Il nous téléphone pour n'importe quoi, hein. Mais qui c'est qui est en train de dire des horreurs par derrière, là? Vous entendez le monsieur qui dit je suis en train de me branler? Là, je suis en train de me branler bien comme il faut, là. Il y a quelqu'un qui parle derrière. Oui, il y a un monsieur qui dit je suis en train de me branler. Oh là là. Ouais, je suis en train de me branler, là, bien comme il faut, là. Mais qui c'est ce monsieur, là? Je suis en train de m'asturber, là. Oh, mais c'est horrible. Et vous savez pas, madame Lou? On va raccrocher parce qu'on a un malsain sur la ligne. Oui, voilà. Je suis désolée, hein. Oui. Excusez-moi, on fera connaissance un autre jour. C'est pas... Au revoir. Au revoir. Ils étaient mignons. Mais qu'est-ce que c'est que ce pins? Il y a un malsain. Qu'est-ce que c'est que ce pins? Ça, c'est... Mais qu'est-ce que c'est que ce pins? Yo! C'est la spéciale du dimanche soir, avec le meilleur de Defool sur Skyrock. Eh bien, Coralie, c'est à toi maintenant. Qu'est-ce qui t'arrive? Eh ben écoute, moi j'ai besoin de, de l'aide de toute la famille Skyrock. Oui. En fait, je me suis lancée donc dans l'aventure de vente à domicile. Dans l'aventure de vente à domicile. Alors, tu sais qu'on a un spécialiste. Ah bah ça j'adore moi. Romano adore la vente à domicile. Romano, j'ai pensé à toi quand j'ai fait mon mail. Ah bah ça c'est gentil. C'est une de ses passions. D'ailleurs, ouais, si vous voulez passer dans l'émission et que vous avez du mal parce qu'il y a beaucoup de messages et que c'est beaucoup occupé au standard tout ça, vous pouvez nous envoyer des mails, ça marche toujours hein. Ouais. Ah bah la preuve. Difool@skyrock.com. N'hésitez pas, vous nous envoyez sur le Facebook. Voilà, on sur le Facebook de Skyrock. Oui, oui, envoyez partout. Enfin, les mails, moi j'aime bien, c'est pratique. Ça permet de te rappeler juste derrière, tu vois. Ben voilà. Mmh. Et donc, du coup, ben, moi je fais de la vente donc, de lingerie sexy. Absolument. Vas-y. De produits de massage, produits de bien-être, et puis bien évidemment, ben, des jouets coquins. Ah, tu vends des trucs de cul, toi, en fait. Voilà, c'est ça. Ah oui, d'accord, ok, parfait. Ouais, bah, c'est écoute, cool. Mais, monsieur, c'est magnifique. Mais ouais. Ça marche, c'est ça. Comment t'achètes tes commandes? Du calme, Patrick. L'autre, il est déchaîné. C'est mieux que les tupperwares, quand même. C'est mieux, oui. C'est plus sympa. Ouais, bon, ça va être un petit peu plus rigolo de vendre des culottes, des. Tu vends quoi? Tu vends des godes, des culottes, tout ça? Ouais, on a des sextoys, on a toute une tripotée de jouets coquins, on a. Et tu vas chez les gens? Tu vas chez eux? Je fais de la vente à domicile, en fait, je vais chez les gens. Mais tu t'es tombé sur des gens un petit peu, je sais pas, un petit peu spéciaux. T'as jamais une meuf qui t'a dit. Non, jamais. T'as jamais une meuf qui t'a dit « Oh, il est joli votre god, mais je vais quand même l'essayer, hein ?» Non. Mais c'est entre femmes, en fait. Bah, c'est quoi, genre, par exemple, t'as eu une bonne femme qui organise ça chez elle, elle invite ses copines, et toi, tu viens présenter les produits, c'est ça? Exactement. C'est comme les trucs qu'on voit à la télé, les trucs de démonstration, là. C'est ça, exactement. Mais c'est pas dur à trouver, parce que quand t'appelles des bonnes femmes, ou tu leur dis « Ouais, je vais venir présenter des godes dans ton salon, ça ne te dérange pas. » Des fois, il y en a pas... C'est pas le conseil pas cher, Romano, c'est pas le conseil. Non, mais on pourrait essayer. Eh bien, je crois que c'est bon. Eh ben, on a trouvé. Ça y est. Ah, parfait. Ah, mais y a aucun problème, Coralie, je suis là, tout à toi. Elle bon, est là. Bam, on organise ça quand tu veux. Hein. Bah, par contre, c'est payé combien? C'est gratuit. C'est gratuit? Ah oui, d'un coup, ça m'intéresse moins. C'est bizarre. Moi, je viens gratuitement, par contre, faut que tu m'achètes mes produits. Hein. Ah oui. Ah ouais. Ouais, non, viens pas. Donc tu viens gratuitement et en plus faut payer, c'est pour devenir hôtesse. Voilà, et nous, on cherche des hôtesses aussi pour organiser des soirées. Et tu prends des gars ou pas? Ah oui, j'ai un garçon dans mon équipe. Très bien. Sur le 28. Lui, il propose son god, mais son god à la viande. Hein, lui, il a un god personnel pour les dames qui va voir. Et c'est des bonnes femmes de quel âge? C'est des filles ou des femmes? J'ai l'impression que c'est plutôt des vieilles qui achètent ça, non? Grosso modo, les meilleurs clients, c'est entre 35 et 45 ans. Ah non, je pensais que c'était même plus vieille que ça. Moi, je pensais que c'était des dames... épanouie sexuellement ou plus du tout épanouie sexuellement qui veut retrouver un petit peu de plaisir. Ouais, je vais me terminer au god. Voilà, c'est ça. J'avais une carotte mais j'ai passé au god. Ouais, vas-y, allez. C'est Coralie qui les vend. On a une ambassadrice. Non, mais tu sais que ça marche ces conneries. Moi, j'avais le pote d'un pote qui vend et il était militaire et vu qu'il avait du temps libre, il faisait tu sais Herbalife, les herbes c'est les trucs, c'est des produits naturels bio. Ah, ouais. Et il allait chez des gens et tu sais, lui se présentait en tant que militaire, mais ça marchait trop bien parce que les gens ils avaient confiance et il vendait des pots d'herbe à des vieilles. Et là, ça cartonnait. Bon, il est en prison là, mais. Ouais. Oui, il a trop vendu d'herbe. Mais pendant un moment donné, ça cartonnait. J'avais mon pote, il me disait, lui, il voulait limite se mettre dedans. Il me disait, mais ça cartonne, il va chez les gens. Il disait, ouais, je suis militaire, je fais ça à côté. Vous voulez de la beuh, tiens. Et franchement, ça marchait bien chez. Il se faisait de la thune. Hein. Et ben voilà. Bah, vois, écoute, pourquoi pas les gods. Mais genre, t'en vends combien quand tu veux en vendre plus, déguise-les en militaire, tes hôtesses. C'est pas les sextoys qu'on vend le plus. C'est quoi les culottes? Enfin, moi c'est plus les produits de bien-être, de massage et tout, et la lingerie surtout. Ah ouais, d'accord. Donc culottes, string. Ouais, parce que moi j'avais plus, tu vois, dans l'idée que les nanas achetaient leur god par internet. Comme ça c'est discret, tu vois. Ah bah plutôt te faire dire si c'est quelqu'un chez toi. Ouais. Mais là par contre, mais ça reste discret quand même parce que quand tu commandes, donc tu passes la commande en fait dans une caisse à part, donc ça reste discret. Ouais bien sûr. Ouais. Et puis en plus quand l'hôtesse reçoit après les commandes de ses clientes, tout est dans des sachets noirs fermés, donc tu sais pas c'est ce qu'il y a dedans. Quoi. Voilà. Il y a juste vous qui avez l'adresse. Ouais. Bah en fait c'est comme les sacs qui te filent quand tu vas acheter un truc au sex shop. En général il y a jamais le nom en gros marqué sur le sac sex shop de la rue Saint-Denis. Ouais, c'est sûr. Les plus beaux godes de Paris. Ouais, c'est ça, un sac noir avec des étoiles, c'est un truc qui... Mais c'est d'ailleurs, en fait, les sacs, ils utilisent tous les mêmes, donc quand tu vois quelqu'un avec ce sac, tu sais qu'il achète un sextoy. C'est vrai. Non, c'est vrai, c'est pas les mêmes. Avec les vieux traits, là. Ouais, c'est ça, les noirs dorés. Noir. Et dans un instant, on met en place donc le télé-shopping de Pamela, c'est parti. Donc on va tester ton petit business, et donc Pamela et ton superbe télé-shopping ce soir. Eh bien, il n'y a pas de problème, c'est quand vous voulez. C'est le télé-shopping, le radio-shopping de Pamela. Oui, exactement, en direct live. Très bien, tu vas vendre quoi? Des gouttes bleu, blanc, rouge? Oui, j'ai tout ce qu'il foutre. On va voir si ça cartonne. On va voir si Pamela est aussi douée que toi, Coralie. Tu quittes pas, Coralie, reste là. Okay. Reste avec nous et donc vous nous laissez vos messages si vous voulez bosser là-dedans. On peut se faire combien par mois? Tiens, les questions que vous nous posez. Est-ce qu'on peut bosser dedans? Si on n'est pas majeur, c'est le message de Tom. Pas majeur? Bonne question. À partir de 16 ans, t'as le droit de bosser, donc logiquement, ouais. Pas de discrimination, hein. Ouais, c'est vrai. Et très bonne question de Touchy 54 pour toi, Coralie. Est-ce que t'as déjà testé tous les produits? Oui. Oui. Oh, ah, très bien, bravo. Alors tiens, une deuxième question de moi là. C'est quoi le plus gros god que tu vends? La tour est folle. La tour est folle. La tour est folle. Elle est bleue. Elle fait combien? La tour est folle. Bien une vingtaine de centimètres. Gourmande, ah, Coralie. Ah bah Coralie. Non, celle-là, j'ai pas testé quand même. Oh, tu nous as dit si. Ah, si. Ouais. Il y a un instant, on a entendu. T'as tout testé? Oui, t'as dit. C'est la spéciale du dimanche soir. Avec le meilleur de Diffoul sur Skyrock. Avec le téléachat de Pamela et le réveil de star de Terminator juste après DJ Khaled et Drake en nouveauté for free. Another one. We the best music. Major key. DJ Khaled. Yeah, I go on and on. Can't understand how I last so long. I must have the superpowers. Last 223,000 hours. And it's cause I'm off of CC. And I'm off the Hennessy. And like your boy from Compton said, you know this dick ain't free. I got girls that I should've made pay for it. Got girls that I should've made wait for it. I got girls that'll cancel a flight back home. Stay another day for it. You got attitude on 9-9, yo. Pussy on agua, yo. Stomach on flat, and yo. Ass on what's that, and yeah, I need it all right now. Last year I had drama, girl, not right now. I was never gonna chat, what we talking about? You the only one I know can fit it all in a. Man, I always wonder if you ask yourself, is it just me? Is it just me? Or is this sex so good I shouldn't have to fall for free? Is it just me? Yeah, is it just me? Is this sex so good I shouldn't have to fuck for free? I know you working day and night to get a college degree. Bet nobody that you've been with even know you're free, right? You know you only do that with me, right? Yeah, double checking on you. You know I never put the pressure on you. You know that you make your own mind up. You knew what it was when you signed up. Now you gotta run it up. I be out of words trying to sum it up. Girl, you throw it back like one love. Even let me slash on the tour bus. Yeah, I told her, but she don't do enough. Even though you in the hood, I'm still pulling up. Dip, dip, straight to your doorstep. This a real thing, can you feel the force yet? I always wonder if you ask yourself, is it just me? Is it just me? Or is this sex so good I shouldn't have to fall for free? Is it just me? Yeah, is it just me? Is this sex so good I shouldn't have to? Would you fuck me for free? Another one. They don't want me to have another anthem, so I made sure I got another anthem. Sweet or best over yo. Summer's ours. It always has been. Don't ever play yourself. One time for Future the Prince. One time for 40. One time for Drake. Yeah. Another one. La spéciale du dimanche soir, le meilleur de Diffoul. What the fuck? Jusqu'à minuit sur Skyrock. Un boulot un peu spécial, puisque Coralie, tu vends des culottes, tu vends des strings, tu vends des tangas, tu vends des godes. Des shorties aussi, ouais, oui, mais bon. Ça, ouais. Et également des godes, et notamment la célèbre Tour Eiffel. C'est comme une Tour Eiffel, mais en forme de god. Une petite Tour Eiffel, puisqu'elle ne fait que 20 cm, la Tour Eiffel. Oh, bah oui. On va faire d'ailleurs un petit test ce soir avec Pamela qui est avec nous. Voici l'heure de votre radio shopping. Le radio shopping de Pamela. Bonjour Pamela. Bonjour à tous, comment allez-vous? Ça va bien, et toi? Eh ben ça va bien, nickel. Bonjour Pamela, bienvenue. Bonjour, bienvenue dans mon radio shopping. Sur son radio shopping, on va voir si ça peut faire plaisir aux gens. Et ce soir, je vous présente l'objet que je vais proposer aux familles. Un objet magnifique. C'est la Tour Eiffel. On va voir ta Tour Eiffel si elle part bien, Coralie. Eh ben allez, c'est parti, direction les familles. Starkey clients, qui vient d'arriver. Des clients pris totalement au hasard. Oui, on prend des clients complètement au hasard pour faire comme quand on tape à la porte des gens pour vous vendre des trucs. Vous savez les relous qui tapent. Oui, bonjour madame, j'ai un truc à vous vendre. Oui, bonjour monsieur. Vous voulez pas un god? Et là t'as Robert qui sort et qui te fout un coup de god sur la tête. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, je me présente, Pamela du Radio Shopping. Et je voulais proposer pour votre femme un magnifique god michet en forme de trèfle. En forme de super, tour... je le prends. Ah, vous le prenez? Ça marche. Oui, je le prends, oui. Un magnifique god michet en forme de tour Eiffel, bleu, blanc, rouge. Ah oui, pour les bleus. La tour... Ah, super. La tour Eiffel, ça s'appelle. C'est la tour Eiffel. La tour Eiffel, ah, génial. Je l'achète. Combien il coûte? Il coûte 100 euros. Pas mal. Ça va, c'est pas cher. Non, c'est pas cher. C'est pas cher, tu fais bien de le dire. Est-ce que je peux passer chez toi ce soir pour te l'enfiler dans le fion? Oui, ben, ouais, on est dispo, là, on est libre, ça tombe bien. Pour vous le mettre, okay. Pour vous le mettre dans le cucu. Oui. D'accord, alors la clé, elle est sous le pot, à droite, à côté du géranium. Eh bien, le god, toi, tu l'auras dans le pot, du coup. Ah, super, génial. Mais pas dans le pot de géranium. C'est super sympa, hein. Eh bien, écoute, je te dis à tout à l'heure. À tout à l'heure, merci encore. Eh bien, hein. Merci d'avoir participé au Radio Shopping de Pamela. Pamela. Merci, Pamela. Du revoir, Radio Pamela. Achat, te remercie. Bisous, bisous, bisous. Salut. Bisous, Pamela, bisous. Bisous, bisous à toi. Eh mais t'as raison, Coralie, c'est un métier d'avenir. C'est un véritable carton. Mais ouais, c'est un véritable carton. Mais quel bonheur ce Radio Shopping. Bravo. Allez hop, une tour Eiffel de vendue. C'est toi qui nous as dit que la tour Eiffel, c'est un truc qui cartonnait bien, c'est ça? Non, moi pour l'instant, j'en ai encore vendu aucune. Ah bah, Pamela est bien meilleure que toi. Hein. Allô? Allô? Allô? Allô? Ah non, dommage. Ah. Décroche, raccroche. Il est venu, il est reparti. Il est parti. Ah bah tant pis. Il est venu, il est tant reparti. Tant pis, il ne sait pas ce qu'il rate. Tu te fais jeter par des gens parfois, toi, Coralie, quand tu vas vendre des trucs? En fait, moi, j'appelle pas les gens directement. C'est des récrés que je reprends à chaque fois que j'en fais une, en fait. Ouais, c'est des réunions d'organisés chez des gens. Voilà, exactement. T'imagines, alors... À chaque fois, j'en reprends, en fait, avec mes clientes. D'accord, t'invites des copains, t'invites des copines et... Allô? Soir, God. Allô? Oui, bonsoir. Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. C'est Janine. Dani. Ah non, vous faites erreur. C'est... Comment elle s'appelle? Dani. C'est Dani. Oui. Ah, oui. Dani. Non. Bonsoir, Dani. C'est sa femme. Ah ben très bien. Ah. Il est là, Dani, ou pas? Dani, non, il est dehors, pourquoi? Qui le demande? C'est Pamela du Radio Shopping. Oui. Dani a commandé un god michet en forme de tour Eiffel pour vous. C'est quoi cette connerie là? C'est pendant les matchs de l'Euro pour encourager. Ouais, c'est ça, oui. Ah bah god michet, ça s'enfonce dans le vagin. Ouais, c'est ça, oui. Ou ailleurs. Ou dans l'anus. Oui, aussi. Ouais. Bonne connerie, hein. Ah bonne soirée, au revoir. Eh bah, je vous l'amène. Ah non, mais vous connaissez pas, c'est sûr, ça s'enfonce dans le vagin. Dans le vagin ou dans l'anus? Belle connerie, hein. Bah non, c'est pas une belle connerie. Belle connerie. Toi qui es quand même une spécialiste, Coralie, tu confirmes que ça s'enfonce dans le vagin ou dans l'anus, ce machin là? Exactement. Tu vends genre des canards vibrants, tout ça, ça marche bien, non? Ouais, ça marche bien, ouais. Ouais, ça, c'est le carton, le canard. Et des menottes en moumoute là. Ah, Marie, elle veut des menottes. Les menottes en moumoute, elles sont géniales, Marie. Ah ouais? Moi, parce qu'il en a, Romano. Moi, je serais pas un bon client pour toi, parce que les godes, les menottes, tout ça, moi. Ah, moi, c'est pas, dit moi, c'est au naturel. Tu godes jamais, dit Foul. Non, okay, non les godes, les menottes, je suis pas trop. C'est pas trop mon. Ah, une question technique de Val 49. Le god Tour Eiffel, est-ce qu'il s'illumine comme la vraie? Ah, non. Eh ben, fais-le illuminer, ça marchera mieux. Ah, bah, ça peut être le carton. Hein. En plus, tu peux électrocuter des gens avec, ça peut être super. C'est bien pratique, quoi. Ouais, les gens, ils y restent, c'est nickel. Bon, bah, écoute, Coralie, on te fait signe. Donc, si vous voulez rentrer en contact avec Coralie, t'as pas un site, un Facebook? Un truc à... Si j'ai un Facebook, donc c'est Coralie Récré 91. Coralie Récré 91. Donc vous contactez directement si vous voulez devenir hôtesse ou hôte et vendre plein d'objets qui déchirent, comme Pamela vous l'a montré là il y a un instant. Vous avez même eu la démonstration en direct dans l'émission. Et bien, vous inscrivez et donc Coralie, il y a quoi? Coralie Récré 91. Voilà, c'est ça. Je suis pas trompé, j'ai bien noté. C'est ça. Bon, j'espère que vous avez bien noté aussi. Tu nous tiens au courant, Coralie, hein? Ah bah super. Et si t'as des nouveautés qui déchirent, n'hésite pas à nous en... Ah ben, les nouveautés, elles arrivent au mois de septembre. D'accord, bah écoute, tu appelleras Coralie au mois de septembre. Tu nous passes un coup de fil et on te mettra en contact avec Pamela, ma Coralie, d'accord? Oui, bah Pamela, je l'embauche en tant qu'ambassadrice direct. Ouais, ah bah y a pas de problème. Je t'embrasse, ma Coralie, bisous. Eh bah moi aussi, je t'embrasse, Pamela. Bisous, ma puce. Eh, hey, trop forte, salut. Bisous, Coralie, ciao. Gros bisous à toute l'équipe, merci. Bisous. Salut à toi, Coralie Récré 91. Voilà, vous avez déjà fait des jobs d'été? Je sais qu'il y en a qui cherchent déjà des jobs d'été pour gagner un petit peu de sous. Ah bah là, putain, c'est limite tard. Hein. Ouais, mois de juin. Ah, moi j'avais fait, moi. Début du mois de juin, faut se dépêcher. Ouais, faut chercher. Ah bah là, il va rester que les trucs de merde. Ah ouais, tu faisais les marchés, c'est vrai. Ah, c'est l'été que tu faisais faisais des marchés, Cédric? Ouais, j'avais commencé en un plus, été, quoi, en fait. La totale. Après, j'avais fait tout l'année après. Voilà, je faisais 5h14 pour 7 euros. Non, quand soit. 7 euros toutes les heures, pas de l'heure. Non, je déballais, je remballais le marché pour 15 euros. Voilà, pour 15 euros. Ah ouais. Bah écoute, pas mal. Bah au moins tu bossais, hein. Ah bon. Dans 7 heures pour 15 euros, ça fait 2 euros de l'heure. C'est franchement, c'est le limite, ce qu'ils sont payés les Chinois. Hein. Non, mais tu déballes et tu remballes. Dans les usines Apple. Non, espèce de mytho, tu faisais pas la vente. Après, si, mais j'étais mieux payé. Parce que tu. Cédric vendait des objets pour bébé. La gueule qui fait voilà. Quoi, en cadeau, il me donnait une barboteuse. Ah, parce que c'était des. Franchement, c'est rentable. Des vêtements pour bébé. C'est vrai que si t'avais la barboteuse pour. En plus, Cédric, je comprends que t'aies travaillé que pour 15 euros. T'arrivais à vendre des trucs parce que je sais pas, moi j'ai un gosse, je te vois comme vendeur. Bon. Mais ça, ma mère, gros, j'étais grave bon vendeur. Ah, et tu vendais à qui? Bah, au Daron, qui venait pour acheter des trucs pour leur gosse. Ah, bah ouais, ouais. Tu veux essayer au téléphone? Tu veux, vas-y. Marché, vas-y, ouais, fais-lui un numéro, j'aimerais. Tu vends quoi? Vends une grenouillère. Ouais, tu fais comme au marché, tu cries tout à 10 balles ou je remballe. Ah, mais ça que je faisais. Ouais, c'est ça en plus. Tout à 10 balles. Ou je remballe. Ou je remballe. Putain, les slogans publicitaires, quoi. Oh là, tout à 10 boules ou je remballe. Ah, bah ça gueule, hein. Oh là. Alors, Cédric, tu veux vendre quoi? Bah, je sais pas, tu veux vendre une grenouillère. Voilà, tout à 10 balles ou je t'emballe. Ouais, ok, 10 balles, tiens, 10 balles. 10 balles. J'en donne même 20. On va chez qui là? Christophe. Chez Christophe. Donc, tu lui vends quoi? Un biberon? Vas-y, tu veux un biberon? Un biberon. Allô, Christophe? Ça peut servir de god en plus. Allô, oui, j'écoute. Ouais, écoute, Christophe, comment ça va? C'est qui? Eh ben, écoute, je t'appelle, c'est Cédric au téléphone. Je voulais te vendre un biberon là ce soir. J'ai une super offre. C'est Cédric, dis-moi. Ouais, j'ai touché un lot de biberon là à 10 euros et je voulais te faire profiter de ça. Ah ouais? Ouais. Ouais. Ça ouais. T'es intéressé? Non, pas du tout, non. Bah, je sais pas, t'as pas des gosses dans la famille? Ah, pas du tout, non. Ma fille, elle est grande. Bah, t'as pas des neveux? Elle a quel âge? Qui, ma fille? Ouais. Ouais, ma fille, elle a bientôt 25 ans. Hein. Ah, bah alors, le god peut servir à autre chose, alors, par contre. Excuse-moi. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, oui. Je vous passe la vendeuse. Hein. Oui, bonsoir, c'est Pamela, l'appareil. Est-ce que vous souhaiteriez offrir un god niché à votre fille en forme de tour Eiffel? Ah, pas du tout, non. À la 20 ans. Ah, c'est tour Eiffel. Elle a 20 ans. Non, non, sur la tour Eiffel, oui, mais pas, non, pas le reste, non. Elle clignote dans sa minette. C'est mignon, ah, ça, bah, fait des couleurs. Je sais pas. Comme c'est la bien. Vraie. Comme à chaque heure, ouais. Aux couleurs de l'euro. Bleu, blanc, rouge. Formidable. Oh, putain, super. Et si elle se met ça dans la chatte et qu'elle ouvre la bouche, ça clignote dans la bouche, c'est magnifique. Allô? Non. Non, ça lui a pas plu, ça, apparemment. Ça, c'était l'option supplémentaire. Non, en même temps, Cédric, tu t'es pas trop mal démerdé, parce que le mec, c'est vrai que sa fille est un peu grande pour prendre le biberon oui. À 20 ans. À 20 ans, oui. Ça fait un peu grand, ouais. C'est clair. Mais sinon, c'est pas mal. La spéciale de Tifoul. 21h minuit sur Skyrock. On va terminer l'émission avec, dans quelques secondes, le réveil de star de Terminator. Il y a Fred, j'allais dire Cédric. Non, Fred et DJ Kai qui sont en train de se préparer pour le dernier rail suprême de cette saison. 2 heures de rail tous les dimanches soirs pour terminer le week-end. Je vais faire des big up également. J'ai des places à vous offrir pour Conjuring, le tout nouveau film Skyrock qui sort mercredi, le film le plus terrifiant de l'été. Des big up à tous ceux qui ont gagné leur place sur les réseaux sociaux depuis 21h, qui ont tweeté avec le hashtag la spéciale de Difool. C'est tombé pour Océane de Marc-en-Barreul, pour Jérém de Roubaix, pour le poteau Wahid, pour Mathieu Gignac, pour Corentin, pour Bac du Futur, le Gamer 134, à Caroline également. Des places pour le poteau Simon Playvoit, pour Raph, pour Stéphanie, pour Fred le Lyonnais, pour Anto de Limoges, le gendarme, voilà, donc plein de places qui sont tombées, j'ai encore des places à vous offrir, vous laissez votre prénom et votre numéro de téléphone, vous y allez au 41 7 5 9 prénom et numéro de téléphone, vous pouvez y aller aussi depuis l'appli Skyrock en passant par la petite enveloppe qui est tout en haut à droite de l'appli. La spéciale, c'est le meilleur de Difool, les meilleurs moments de la radio libre et puis de temps en temps quelques épisodes du morning également qui vous ont fait marrer. Là tout de suite c'est le réveil de star de Terminator. Le réveil de star, une star, un appel, on écoute. Attention, ce matin, Philippe et la famille de Philippe vont parler à Terminator. Eh oui, c'est possible. C'est sur Skype. Je suis un Terminator. Ouais, ben, j'ai vu comme ça d'un Terminator aussi. Pourquoi? Nous, on ne connaît pas le Terminator, hein. Ma mission est de te protéger. Certainement. Exact. Moi, je vous connais pas. Alors, c'est bien? Non, j'ai son numéro, mais c'est bon. Ça va vite fait, le commissariat, on va savoir qui c'est que vous êtes. 35 ans après maintenant, tu m'as reprogrammé pour te protéger ici, dans cette époque. Certainement. Moi, mes enfants, ils ont 6 ans depuis 3 ans. Alors, c'est normal, je reviens des côtes avant, hein. Ouais. Je suis un organisme cybernétique, un endosquelette de métal sous du tissu charnel. Ouais, vas-y, foutre, connard. Hasta la vista, baby, baby. C'est un éditeur qui tout à l'heure nous a envoyé un message, il nous disait, c'est Terminator versus les tuches. Non mais c'est vrai, on est pas loin. C'est ouais. ça, on est Terminator ouais, contre les tuches. Ah, il connaît pas Terminator, il fait un haut flic. Hein. Super production sur Skyrock ce matin. La terre-foot. Bon, on a rappelé, on a repassé un petit coup de fil, on s'est dit c'est un peu court. Et puis il y a un bon contact entre Terminator et les tuches. Tellement. Allez, on remet ça. Oui, allô. Je suis revenu. T'as un PD? Non. C'est lui, tuche. Ah ben, je crois que si. Hein. Ma base de données n'inclut pas les subtilités sur l'accouplement humain. Non, mais tu vas te faire enculer. Où est John Connor? John Connor? Exact. Alors là, John Connor, je sais pas. Bah, le connard est au cimetière. Tu veux le voir, t'as qu'à le voir. Tu pleures quand tu as mal? Non, je dors pas. Pourquoi vous pleurez? Alors, va vous faire foutre. Je jure de ne plus tuer personne. N'aie pas peur de nous aussi. Hein. Tiens, j'ai travaillé en informatique et je savais rien. Je veux tes vêtements, tes bottes et ta moto. Certainement. Mes bottes et la moto. Exact. T'as rien de bol, non? C'est un des paramètres de ma mission. Ma moto, on a rien. Ta mission, toi, t'es jamais ta gueule. T'as rien de vergé, tu vois. Ta mission, c'est ça. Je ne peux pas compromettre ma mission. Papa, ta mission, toi, tu iras chez flic. Tu verras comment ça va être ta mission. Voilà. Finir en tôle. La psychologie de base est l'un de mes programmes secondaires. Ah, mais fais pas chier. Parce que moi, je m'en vais à chez flic, c'est bien. Ah, mais tu me rappelles chaque fois. Parle à ma main. Ouais, je t'emmerde. Reste cool. Sac à merde. Ouais. Sac à vin. No problemo. No problemo. Sac à vin. Sac à vin ou sac à main? Non, sac à vin. Sac à vin. Sac à vin, je crois que c'est eux les sac à vin. Ah ouais. Et à nos amis tuches, là, tu finiras en tôle, c'est déjà un robot, hein, donc il est déjà, à mon avis. C'est la spéciale du dimanche soir avec le meilleur de Difool sur Skyrock. Et un grand merci à vous tous d'avoir été fidèles à Skyrock en ce dimanche soir pour cette spéciale, la dernière de la saison 2015-2016. Voilà, je vais faire plein de big up. Il y a les potos Zako et Stéphane sur Facebook qui voulaient un big up. Il y a Mathieu aussi, Mathieu Gignac sur Twitter, lui fait une dédicace à Roman. Vous tous qui avez été fidèles, voilà, à cette émission. Voilà, je pense à tout le monde. Une pensée pour Momo également. On était là tous les dimanches soirs avec les meilleurs moments de la radio libre de Difool. La spéciale donc voilà terminée, mais bien évidemment ça continue la radio libre, oui, en direct hein, demain soir à partir de 21h, une grosse partie du mois de juillet. Vous retrouverez Difool et toute l'équipe en direct demain à partir de 21h. Moi je vous file rencard demain matin 6h-9h pour la première de Morning Best. On se refera l'année de Difool et Romano. Il y aura aussi des iPad mini à choper demain matin, donc voilà, soyez là entre 6h et 9h, on va encore tout déchirer. Et là on va laisser l'antenne à Fred et DJ Case. On va passer une grosse nuit tous ensemble. On va continuer de fêter la belle victoire de l'équipe de France qualifiée pour les quarts de finale de l'Euro. On y va tout de suite pour la dernière de la saison de Rail Suprême. 2 heures de rail. Allez, bonne nuit à tous. C'est parti Rail Suprême maintenant sur Skyrock. Passe de bonnes vacances. C'est Rail Suprême sur Skyrock. Allez, allez, let's go. Rail Suprême. 2 heures. DJ Case d'ambiance avec tous les sons du moment. Sur Skyrock. Are you ready? Vous êtes relou aussi, attends. Calmez-vous deux, en détente.